Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel Anime Minute EX. On est là pour fêter les 2 ans tous ensemble pendant X heures. Hein. Vous connaissez la formule. On est trois, même quatre d'ailleurs. Ils sont trois avec moi aujourd'hui autour de cette table. Le premier, vous le connaissez. Ce qui a marqué son année 2020, c'est d'avoir haï FF7 Remake. On le déteste tous ici, Quoi? mais vous l'adorez, évidemment. Bah, c'est Eric. Comment ça va, Eric? Bonjour, et ben ça va très bien. J'espère que tu es ravi d'être là. N'hésite pas à bien rire dans ton micro, comme ça on sature, c'est parfait. Ah bah, j'ai pas avoir le micro dans la main, je peux toujours pas parler dedans. Ah bah, ça c'est impressionnant. On a quand même dépensé 200 balles de matos pour que tu aies un micro à toi tout seul, donc j'espère que tu lui feras honneur. J'essaierai. Soutenez-moi les auditeurs. C'est les auditeurs qu'on dit? C'est les Les auditeurs. poditeurs, les même, on dit poditeurs poditeurs et poditrices et ben, qui nous écoutent, poditrices évidemment. et poditeurs, soutenez-moi dans cette épreuve. À ma droite, évidemment, le héros des jeux de mots, il a eu le plus gros fou rire de toute l'histoire des Minute T-Rex. Il en est même devenu un jingle d'une chronique. Mais évidemment, c'est Benjamin. Comment ça va, Ben? Eh ben ça va, quelle présentation. Eh ben attends, faut quand même redorer le blason de tout le monde ici, hein, remettre un peu les points sur le i. Et à ma gauche, on le présente plus, l'expert en magazine de prépublication. Il ne se trompe jamais sur aucun, évidemment, surtout pas sur Full Metal Alchemist ni sur Détective Conan. Bah c'est Yannick, comment ça va, Oui, Yannick? bah ça va très bien et toi? Bah Et écoute, vous moi ça même? va, moi je suis content d'être là. On inaugure plein de choses, on en parlera plus tard de tout ça, là on va pas s'embêter. Donc évidemment, on est là pour fêter 2 ans du podcast, hein. Déjà 2 ans malgré tout, c'est impressionnant. On va également du coup faire le point sur plein de choses. Donc bien, t'as raison de dire ça, Eric, hein. Eh oui. Joyeux anniversaire à 10 minutes, hein, Joyeux bordel. anniversaire. Donc on revient après plutôt une grosse pause depuis le dernier épisode classique en tout cas, après un petit alpha, mais on reviendra dessus. Plutôt vers la fin de l'émission pour qu'on puisse vite commencer le contenu. Aujourd'hui au programme, évidemment, qui dit anniversaire dit beaucoup de jeux, beaucoup de fun, hein, on adore le fun, on adore l'humour ici, évidemment. J'adore rire. On adore rire ici, hein, je pense que Ça manque d'Eva Queen un peu en fond là. ça manque d'Eva Queen, c'est vrai. J'ai même pas lancé le générique, d'ailleurs. Oh! Incroyable. Donc on va lancer le générique maintenant. J'espère que c'est un générique d'anniversaire. Attention, générique. You know, I'm pretty big into anime. Mon nom est Trunks. Ça peut paraître étrange, mais je viens de 20 ans dans le futur grâce à une machine à voyager dans le temps. C'est incroyable! Ah, ça sautille! Oh! Yannick Grom! Oh, oh! Leur puissance est stupéfiante, même selon nos standards. Ce sont des monstres! Eh oui, ce sont des monstres, évidemment. Voilà, on peut vraiment commencer le podcast, hein. Dites-vous, c'était un entraînement avant. On n'a pas habitué à avoir des moyens dans ce podcast, hein. Vraiment, on en oublie d'avoir des génériques. Donc comme je disais, 5 jeux aujourd'hui au programme, dont un énorme, hein, qui prendra environ la moitié du podcast, et on va commencer par lui en plus, hein, comme ça au moins vous pourrez tous partir après, il n'y a pas de souci. Hein. Et on reviendra sur les divers tops de l'année, hein, que ce soit jeux vidéo, manga, anime, sur le podcast, etc. etc. comme l'année dernière, mais en évidemment beaucoup plus long, parce qu'on n'arrête pas de faire des choses plus longues. Non, on n'espère pas, pas de recommandations ce coup-ci, on verra pourquoi aussi en fin de podcast. Donc je vous propose tout de suite, en fait, de commencer le premier petit jeu, si ça vous convient. Et qui Tout à dit fait. jeu, dit évidemment, bah petit jingle aussi, quand même, parce que ça, on a l'habitude. C'est l'heure du duel! Pas très intelligent quand même, ce que tu viens de faire, garçon. Et donc le premier jeu, alors les noms évidemment sont des noms hyper inspirés, ça va être... Ouf, il est toujours incroyable. Ouf, ça et, fait toujours autant. Voilà, c'est toujours, toujours les meilleurs jingles, hein, jingle. Ça on s'en lasse pas. Premier jeu qui s'appelle le jeu des samples. Alors déjà, je pense que vous savez ce qu'est un sample autour de la table. Est-ce que des gens ne sauraient pas ce qu'est un sample dans l'univers de la musique, évidemment? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est, par exemple, je prends la musique d'une personne, genre Lady Gaga, genre Judas, et je la réutilise pour une autre musique? C'est ça. En gros, c'est de la réutilisation soit de musique existante, soit même de boucles ou d'instruments, bref. Réutilisation d'existants pour en faire quelque chose dans une musique très souvent utilisée dans la musique électronique et dans, évidemment... toute la musique urbaine type rap et hip-hop. Okay. Et donc là, j'ai une sélection d'énormément de musiques, donc voilà, c'est lui qui est très long, qui ont des plus faciles, moyens, difficiles, dans lesquelles, évidemment, il y a un sample soit d'anime, soit de jeux vidéo. Ils seront plus ou moins visibles et faciles, évidemment, vous allez vite entendre. Le but, c'est que vous me donniez le nom du jeu vidéo ou de l'œuvre originale du sample. Ça va être le but premier, parce qu'évidemment, c'est beaucoup de musique pas mal américaine. Et je sais que vous n'êtes pas très rap ou électronique américaine. Il y a du rap français également, voilà. Je suis le seul à peu près écouter ce genre de musique autour de la table. Mais par contre, si vous me donnez quand même soit le nom de la musique qu'il utilise, soit le nom de l'artiste, je vous rajoute un point bonus. J'ai fait exprès de mettre des fois, plusieurs fois les mêmes artistes tout le long des trucs pour que quand même il y ait aussi des petits points bonus à choper si vous êtes un peu attentif à chaque fois à ce que vous écoutez. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors, et sortir Spotify et utiliser ta playlist GOAT. Alors, beaucoup de rap américain, donc il n'y a pas dedans malheureusement, mais il y en a pas mal dans mon autre playlist. J'ai 14 ans et ma vie c'est de la merde. Donc ne pas hésiter évidemment à hésiter là-dedans. Donc évidemment, vous avez juste à me donner évidemment l'œuvre. Vous n'êtes pas obligé de me dire évidemment d'où ça sort exactement. Exemple, si c'est Final Fantasy, vous n'êtes pas à me dire pour l'instant que c'est Theme d'Iris ou des choses du genre. Mais si vous l'avez, allez-y. Final Fantasy, est-ce qu'il faut dire l'épisode ? Si il est que dans cet épisode, oui, parce que souvent les samples ils sont remixés. Donc par exemple, si c'est le Crystal Theme de Final Fantasy, remixé, ça peut venir de n'importe lequel, on va pas se mentir, même le Battle Theme au final. Donc s'il est vraiment reconnaissable, si vous arrivez vraiment à choper malgré le remix, peut-être donner des points bonus, hein, évidemment, on est là pour gratter un maximum. Hein. Si vous étalez votre culture, moi je prends. Et donc voilà, si. Évidemment, de temps en temps, je vous donnerai quand même, si vous ne trouvez pas, je vous donnerai des indices, surtout pour les plus difficiles. Les premiers sont vraiment évidents, vous allez voir, les premiers sont très très bons. Donc, si c'est, vous avez tout compris, on va pouvoir commencer, ça vous va ? C'est parti. Et ben, on va lancer le premier. Alors, tac, on va y aller. Tac, si on veut, ça veut bien se lancer. Non. Oh, les problèmes techniques. Ah, ça y est, ça commence. Toujours plus de matos, toujours plus de problèmes. Ben, évidemment. Alors, tac, j'aurais pu ouvrir le lien avant, évidemment. Sinon, ça aurait été quand même vachement mieux. Surtout qu'on a un excellent internet ici. Allez, ça va se lancer. Il va être très difficile celui-là. Donc là, quand c'est facile, évidemment. Sinon, que vous puissiez vous mettre en jambe dans le jeu. Kingdom Hearts. C'est le thème de Kairi. Exactement. Kingdom Hearts 3, même. Non, le thème 1. Ah, c'est le thème. Thème 1 de Kairi. On prend les 20 points. Du coup, tu ne gagnes pas ton point, dommage. Salam, aujourd'hui j'avoue, j'ai mauvaise mine. Je vais me transformer comme dans les animes. Je casse mon vigo, je veux pas qu'on localise. Ils veulent me contrôler jusqu'à la salive. Je suis un mauvais client, je porte cœur aussi. Gardez vos plans forts, gardez vos nœuds. 3 points. J'ai mes bugs, ma team. Je connais les travers de ce monde de bruit. J'en sur la capitale avec mes généraux comme un félin. J'ai plein de sang sur le muscle. Je peux abriter tout le monde sur mon parapluie. D'après les miens, j'ai fabriqué du super héros. Et j'ai pris toujours au champ de la maison. Comme si je ne revenais plus à la maison. Non, j'ai le pétard. Non, y a des c'est pas plus, le motel. Non, c'est français, c'est pas belge déjà. C'est un mec à l'ancienne. Là, je vous aide en plus pour la défendre. Alors, le nom, vous l'aurez pas. Le nom, c'est Iceberg. Et pourquoi je vous dis 3 fois en plus? Parce que c'est un mot qui est sorti hier. Je vais pas parler du jeu début de semaine. Le morceau est sorti hier. Et coup du sort, c'est mon frère il y a un matin qui m'envoie un message sans savoir que je prépare un jeu là-dessus. Il me dit ah, ça va, ça te dit rien ça et tout. Effectivement, il m'envoie ce morceau, donc Iceberg, sorti hier. Rappeur assez connu, rappeur à l'ancienne, membre du 113. Membre principal du 113 d'ailleurs. Il s'agissait de Rimka du 113 de Seul et Lunaire. Voilà votre culture. Donc voilà, Rimka Iceberg, morceau que j'ai plutôt bien aimé malgré tout. J'aime bien son petit flow posé. Par contre, vraiment la boucle, on va le réécouter au début. La boucle, il s'est pas trop foulé. Vraiment, elle est nature. Hein. Là-dessus, le thème de Kairi. Gros remix. Gros. Là, il n'y a pas beaucoup de remix. Alors oui, c'est une volonté. Après, une volonté de faire pas beaucoup de travail ou de la mettre pure, c'est à vous de décider. Moi, je ne jugerai pas le travail de chacun. Salam, aujourd'hui j'avoue, j'ai mauvaise mine. Si, toucher les droits d'auteur. Hein. Ah bah, sur des samples, normalement non, mais. il faut quand même déclarer vrai, un petit peu. C'est vrai que du coup, en fait, t'as vraiment que le début de la musique. Du coup, Oui, après, là, c'est vraiment. En plus, c'est une boucle, la petite flûte, elle est bien entêtante. Enfin, moi, je sais que j'ai un. Et du coup, alors évidemment, pour l'anecdote, quand elle est sortie, j'ai été évidemment voir les réseaux sociaux. Parce qu'elle a désactivé les commentaires sur sa vidéo. Dans le cas. Ah bah tiens. Parce que je ne saurais pas dire pourquoi, évidemment, pour le coup. Mais j'ai été voir évidemment son Twitter et voir si des gens avaient réagi comme quoi c'était Kingdom Hearts, parce que moi j'aime bien faire mon glucose de merde, mon gros nerdos. Et que t'aimes bien Kingdom Hearts aussi. Et j'aime bien Kingdom Hearts aussi. Et la plupart étaient ah mais ça me dit quelque chose machin et tout. Donc évidemment en tant qu'érudit cosmique, j'étais leur dire que c'était Kingdom Hearts, et ceux qui disaient que c'était Zelda, je les aurais vraiment dit qu'il fallait qu'ils se lavent les oreilles. Ah oui, quand même. Non, mais en vrai, le flutio en vrai pourrait être un instrument de Zelda. Moi, je pardonne tout le monde. Bien sûr, sur les réseaux, je ne pardonne personne. Donc, j'étais évidemment à leur dire que c'était Kingdom Hearts. Donc, n'hésitez pas à me bloquer hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Ce sera mieux pour vous, je pense. On sera ravis de râler pour Kingdom Hearts aussi. Évidemment. Alors, on va ensuite, du coup, passer au deuxième morceau. On reste dans le rap. Evangelion. Évidemment, Evangelion. Hein. Un bien méchant. morceau de 2007. Il y a plus de remix derrière. J'aime bien l'artiste celle-là. Je suis en train de jouer du rappeur. Mais moi j'aime bien. Le morceau de 2007. Ouais, il y a plus de VHD. Le rappeur ou le nom du morceau. Il est compliqué celui-là. Il connaît le rappeur ? Non, vraiment, c'est un petit rappeur 2007 qui a pas beaucoup percé. Ouais, c'est un son assez à l'ancienne. Le nom du morceau peut être trouvé en vrai. Si vous aimez les fast-food. KFC ? Non, je vous le donne. C'est, donc le rappeur c'est Jelouz. Le morceau s'appelle Happy Wheels. Oh. Et il a un clip vraiment, c'est encore du 4 tiers, mais avec des morceaux de parchemin. Et donc évidemment, c'était A Cruel Anjustice de Yoko Takahashi, l'opening d'Evangelion. Je pense que jusqu'ici ça allait. Donc oui. C'est Ben qui nous a donné la réponse. Donc Ben, tu gagnes un point. Bravo à toi, Eric. Ça y est, tu es à la bourre. Ah, j'ai dit Evangelion, mais trop tard. Donc c'était. Bah là, en fait, c'est facile, c'est vendre de la rapidité. Ouais, bah. Derrière, vous inquiétez pas, il y aura des choses beaucoup plus compliquées. On passe au morceau suivant. Donc ça a énormément de rap, hein. Beaucoup de rap américain, très peu de rap français là-dedans, parce que c'était plus facile à trouver, ne nous mentons pas. Et en plus, rap français, ils ont beaucoup plus des refs que des samples, à part quelques-uns. Donc les refs, on les fait déjà dans le jeu du rap qu'on fait dans les classicos. Mais on y reviendra dans un autre épisode. Alors, celui-ci, un peu plus compliqué déjà. C'est pas un opening. Déjà, si je peux vous aider. Mais il est assez nature aussi, en vrai. Ce n'est pas Nier. Okay. C'est pas du jeu vidéo. Est-ce que vous avez une idée? C'est de l'anime. Ok. Alors l'anime a grosso modo les mêmes musiques. Non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Okay. Vieil anime de 97. Quand je vais vous dire, si je vous dis ce que c'est, vous allez me rester. Gundam Wing. Non, c'est pas du Gundam. C'est pas du Gundam, c'est pas du mecha. C'est du mecha par contre. Ah, c'est du mecha. C'est quand même du mecha. Pat Labor. Non. Beaucoup plus connu. Macross. Ah oui. Non. C'est pas Gundam, Macross. Escaflon. Non plus. Escaflon déjà plus proche. Hein. Non, alors 97 quand il dit, c'était pas sorti. Non. Je sais pas. Je sais que le temps va vite, mais quand même. Je vous remets le début, parce que c'est vraiment le début qui vous mettra sur la piste. Parce que ça a après. Ça a bien marché tout à l'heure, de mettre sur la piste. Oui. Et là, c'est encore Evangelion, quoi. Bah oui, c'est Evangelion. Bravo. Bravo. Bah voilà. C'est Gap of Dream de Shiro Sagisu de The End of Evangelion, exactement. Bon, bah, comme quoi. Hein. Voilà. Allez, salut. Hein. Non, j'ai marqué mon point, je me casse. Tout à l'heure, il a dit Evangelion, mais trop tard. Trop tard. Et là, il l'a dit trop tard, mais c'est le premier à le dire quand même. Et donc, c'est le morceau original. Je vous le mets quand même. Ah putain. Oui, il était vraiment nature aussi. Hein. Quand même. Là, c'est le morceau original. Ah, hein, ouais. C'est... Comme quoi, Evangelion, on connaît l'opening. Bah, en plus, c'est le final, il est que dans The End of Evangelion, donc assez précis. J'aurais peut-être pu ne pas le mettre en facile, vous me l'accorderez. Est-ce que vous avez le rappeur? Parce que je ne l'ai pas demandé. On va pas se dire que je pense que non. Celui-là, il est très. Enfin, moins. Il est encore moins connu que celui d'avant? Non, il est plus connu. Lui, il a fait une plus grosse carrière. C'est Suicide Boy, avec Suicide Boys, avec des dollars à la place de tous les S. Et c'est Kill Yourself, partie 2. Ah bah ça va bien ensemble. C'est cohérent avec End of Evangelion. Et donc Eric qui vient égaliser, hein. Eric il est là, il est présent. Paf. On passe à la suite. Tac. Alors je vous lance ça. Donc on est toujours dans les faciles, hein. Vous pouvez en douter. Alors le début vous aura pas. Je vais tout de suite sauter au sample parce qu'il a tout de suite. Je laisse un peu le début pour que vous ayez l'ambiance. Si jamais, c'est bien, déjà que le jeu est long, mais après on va fêter les 3 ans de podcast. Ah bah oui. Je vous laisse juste un peu le début et après je vous emmène directement au sample. Yo, yeah, highlights. All my rap scene is the replay. Et alors maintenant, le sample, tout de suite, attention. Yo, Est-ce que vous reconnaissez un opening un opening il avait... écoutez bien. Il y a une parole, des paroles au fond, derrière un truc, ça reste vraiment au fond. Est-ce que vous l'avez? Someday, some fight, some way, or the same way. Ouais, c'est Mujabes, c'est Battle Cry, donc feat Sting 02. Et c'est vraiment le Some Way, Some Fight, donc c'est vraiment le refrain, si on peut passer le refrain. Je vous mets l'opening. Bravo Eric. Merci, bravo. Encore un animé que j'ai pas vu. Et du coup, voilà, c'est... là on vient dans les samples qui sont déjà plus discrets, mais qui sont pas trop retraités, où c'est vraiment que la voix. Ouais, ça samouraï, quoi. Ça sentait un truc de samouraï. Mais là, Nujabes, effectivement, c'est que. Il y avait beaucoup de samples de Nujabes, c'est facile, mais Nujabes, c'est facile à chanter, quoi. Et du coup, le sample, il est pas là. On va commencer à le chanter. Voilà. Au fond, est-ce que vous auriez. Là, pareil, rappeur beaucoup plus connu, c'est 2018 le morceau, donc un peu plus récent. Le morceau est un numéro qui fait référence à une version anglaise d'un anime. C'est précis, mais finalement c'est le seul qu'on connaît. Donc le numéro, c'est un nombre. Le nom du morceau, c'est un nombre, et il fait référence à un nombre très connu dans les versions américaines et donc dans la culture populaire internationale d'un anime. 86. Plus surtout 86. 86, c'est l'anime. 86, c'est juste le nom, ah oui, littéralement. Hein, ça genre ouais, vraiment. Non. non, sinon il y avait la 86 de Initial D, mais pas du hors ouais, sujet. Mais non, là du coup non. Pour le coup non, pas du tout. Vraiment un grand anime très connu. C'était 9000. It's over 9000. Ah, et donc le rappeur était Olivier Francis. Morceau que j'aime beaucoup pour le coup, très posé, assez cool. Et qui a pas mal de petites références par-ci par-là. Assez précises pour du rap américain d'ailleurs. Un peu cool. Suivant. Eric, du coup, qui a pris la main. Hein. Deux points, Eric. Bravo. Bravo. Merci. Merci la puissance des animés que j'ai pas vu. Alors attention, là pareil, ça va être c'est pas l'instru derrière, donc ça va être un peu Disney partout. Je vais vous mettre 4 points clés de la musique, donc écoutez bien, concentrez-vous. Donc c'est pas au début, hein. Je vous mets juste au début pour avoir un peu l'ambiance. Je vais vous mettre le premier. Attention, écoutez. Yeezy, Yeezy, Yeezy, just jumped over, jump man. Yeezy Yeezy over jumping. Yeezy Yeezy Yeezy, I feel so accomplished. I done talked a lot of shit, but I just did the numbers. First I can't Adidas, man, you know they over jumping. Yeezy Yeezy Yeezy, this is pure luxury. He running up the budget. Keep the word at my baby mama mama house. I'm a jerk, you need to work, you need to call my spouse. Yeezy Yeezy. Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy Yeezy. Yoga de yoga. De yoga. Thème de Gail composé par Yoko Shimomura d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et qui exactement. Va avec tout. Et Isao Abe qui fait aussi beaucoup des morceaux hein, de Street Fighter, ne l'oublions pas. Est-ce que... Alors là, par contre, le rappeur, vous pouvez l'avoir. Là, vraiment, c'est rappeur méga connu américain. Ah. Et bah, on a un public hein, aujourd'hui qui a balancé la réponse. Ouais. J'aime bien que ce soit pas à la voix qu'on le reconnaisse, c'est un bonheur. Effectivement, c'est Kanye West, Fact de 2016, et donc Kanye West a samplé Street Fighter. Et ce sera pas, non, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai oublié mes jeux, normalement ce sera pas la dernière fois qu'on l'entendra Kanye West dans ce délicieux petit jeu. Si j'ai pas oublié le jeu. J'ai fait il y a un petit moment déjà. Ouais, donc, qu'on a pu voir avec Iceberg. Hein, ça, évidemment. Ça date. et donc c'est Ben qui m'a dit le 2, c'est Yannick que j'ai oublié déjà. Alors Yannick a dit Street Fighter, j'ai et moi dit j'ai dit Fighter, 2. Il a dit le... Ça fait un point chacun, on est à égalité avec Eric. What voilà. the fuck J'ai envie de vous donner un demi-point chacun. Comment on gratte. Je vous donne un demi-point chacun. Du coup, Eric est quand même en tête. Aïe, aïe, aïe. On crée les demi-points dans ce jeu. Bon, il faut un animé que je connais pas, là, Arthur. Comme ça, je te le trouve. J'aime bien. Faut un animé que je connais pas. Il y a quand même tout à l'heure. J'ai pas vu Samurai Champloo, j'ai pas vu Evangelion, j'ai pas vu machin. Il y en a beaucoup. Vraiment, t'as pas vu beaucoup d'animés, mon gars. Évidemment. Et ben. Là, on va arriver en France. Celui-là, si vous avez écouté ma playlist GOAT, il y en a deux autour de cette table qui l'ont écouté en plus. Pas entièrement. Vous, normalement, vous devez l'avoir écouté. C'est l'un de mes classiques à moi. J'écoute ce morceau depuis le collège, plutôt le lycée, vu que le date où il est sorti d'ailleurs, 2012. Et celui-là, il est assez nature. Vous avez. Alors, peut-être pas tous vu, peut-être une personne autour de cette. Donc, ça anime un petit indice. Et vous êtes toujours dans les faciles, hein, d'ailleurs. Pour vous rassurer, hein, évidemment. Qu'est-ce que ça va être dans cette clé difficile ? Ça fait beaucoup de faciles, quand même. Ça fait beaucoup de faciles. Il y a beaucoup de moyens, beaucoup de difficiles aussi. Hein. Ouais. Ouais, je trouve surtout que ça fait beaucoup de faciles qu'on n'a pas. Allez, c'est parti. Concentrez-vous. Gizzy Ous. C.S. Yoni Willy. Yo. J'ai déjà pensé à la fin, pourtant j'en suis qu'au début. Je peux encore me tenir debout et assumer mon débit. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Genre je veux stopper, une voix vient me susurrer que j'en ai besoin. Pourtant je sais bien que c'est faux. Putain c'est dingue, c'est chaud. À croire que ça m'aide à oublier que j'ai plein de défauts. En fait je pense, je sais pas. C'est la version reséquée. Si je te montre que tu poses, c'est pour mieux le remplir. Tu vois ce que je veux dire. L'argent pour mes proches et là c'est des top. Là tu vois ce que je veux vivre. Vous avez bien écouté. Il a dit son nom au début. Ah bon ouais. Non, c'est pas d'ici. C'est. Alors, non, j'ai pas écouté le nom du côté. Mais non, c'est pas d'ici. Est-ce que vous l'avez. C'est pas récent. Ça et oui, le public qui a trouvé, c'est les gens qui m'ont. Il dit Gizzy Ous, Gizmo, rappeur. Ouais, j'avoue, hein, le public va gagner à force de prendre. Et dans Gizmo, le morceau C'est tout de 2012, grand morceau de 7 minutes sans refrain. Vraiment incroyable, qui marque d'ailleurs un gros changement dans le ton de la carrière de Gizmo. Un morceau que j'adore, qui est fou, Gizmo, hein, pareil, sera... lui sûr c'est pas la dernière fois qu'on entendra, donc retenez bien sa voix, surtout. Donc c'est d'ailleurs encore Eric qui marque le point, rien du tout. Hein, mais... En tout cas ouais, Gizmo, n'hésitez pas à aller checker ses albums, notamment les deux derniers, ils sont vraiment incroyables, et dans ses anciens, ouais, il a fait du sample de Naruto, du sample de Bleach, etc, etc, peut-être des années plus tard, on va voir. Et donc, je vous mets quand même le morceau de Senseiya. Comme la maison de Mickey. Il est quand même bien touché, j'aime bien le rendu qu'il a réalisé. Non, je crois que. Non, et lui, non, il est dès. C'est dès... Ça, c'est vraiment dès Sanctuaire, il est. C'est, en fait, c'est un peu l'hymne où on met pour ça au riz souvent aussi. Surtout la musique là. C'est ça, une personne n'avait pas vu, c'était bien ce que je pensais. Mais voilà, assez nature. J'ai vu que le remake 3D, enfin le reboot 3D. Ouais, cool. Moi j'aime bien. C'est ça ? Non, le film. Le film. Ah, qu'on avait vu. Qu'on là, avait avec, ciné, ouais. Ah oui. Avec des Kamehameha, etc. L'autoroute. Et avec voilà. Donc t'as jamais vu Senseiya. Bah, je connais. Le film est bien, moi j'aime bien. Le film est cool. Je dis pas qu'il est pas bien, mais. Mais t'as jamais vu l'original, je suis d'accord. Mais après. Après, honnêtement, maintenant, regardez Senseiya. J'avais tenté de rattraper. Hein. En vrai, vaut mieux le lire de nos jours. Je trouve que l'anime n'a pas très bien vieilli. Le rythme, il est ultra lent. C'est... Ah bah, on se plaint de Dragon Ball, mais Senseiya, je pense que c'est pire. Regarde Last Canvas. En vrai, ouais. Du coup, lis, parce qu'il n'y a pas du tout la fin de Last Canvas. Genre, vraiment pas. Ouais, alors lis. Parce que Last Canvas, ça s'arrête genre en tome 5 en anime, à tout péter. Donc ouais, non. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps sur Twitter, j'avais participé à une discussion, parce que j'adore Twitter, évidemment. C'est la place la plus safe du monde. Évidemment. Justement, un daron qui demandait mon enfant aimerait se mettre à Senseiya, par quoi c'est quoi le plus simple pour commencer? Donc, évidemment, tous les darons de Twitter sont arrivés par l'original, allez-y, il n'y a pas de souci, elle est perfecte, ça coûte absolument que 20 balles et c'est pas du tout mal dessiné, en plus, c'est cool. non, en vrai, l'auteur il a du mal à dessiner, le pauvre, c'est... Non, c'est faux. Allez, C'est juste que tous ces personnages se ressemblent. Et, ouais, et qu'ils ne savent pas faire des amis non plus, mais bref. Et, que... et du coup, moi, j'ai conseillé quand même Lance Canvas, parce que Lance Canvas, très bon point de départ, c'est hyper moderne, ça m'a fini en 20 tomes, et en plus, ça se trouve facilement en deux cases pour commencer. Donc, il était très content, il a fait commencer, et en tout cas, j'ai eu des retours, et après, ça a beaucoup aimé. Mieux Lost Canvas que... Moi je préfère Lost Canvas à l'original. Alors en fait, l'original, c'est difficile de dire que je préfère parce que j'aime. Surtout que j'adore pas terminé l'original. Ouais, il terminera sûrement jamais. Mais bref. Il est pas terminé, il continue le manga en couleur, il fait tout lui-même. Ouais. Next Dimension, voilà. Parce qu'il a refusé la version anime, il a fait non, c'est parce que je fais ce que je veux, c'est ma série. Et du coup, custom pour le moment. On fera un épisode de Senseiya un jour. Y a beaucoup... C'est un univers que je trouve très intéressant, hyper fourni. Où tous les fans évidemment chient sur la nouveauté, alors que finalement Senseiya Cho et Lost Canvas, c'était la meilleure chose qui soit arrivée. Et Omega. Que beaucoup avaient pas trop aimé. Omega. Bah non, Omega, Omega, en fait, si, ça, Omega, ouais. Ça fait que très s'améliorer, bien. Mais bon, les Omega, gens, c'est tellement quoi. Bien. Putain, bref, c'est le problème, alors, c'est qu'ils veulent revoir ce qui existe déjà et qui sont pas ouverts. Ouais, c'est ça, bah, ça existe déjà, donc regarde-le, quoi. C'est ça. Et pour le coup, Lost Canvas partait sur quelque chose qui existe déjà en apportant des améliorations. C'est ça. Et franchement, c'est. Donc bon, voilà, donc n'hésitez pas, Lost Canvas. Lost Canvas a un peu pris la voie du cheval de Troie. Oui. On part de trucs que tu connais déjà, donc tu vas être truc, et en fait, tout est nouveau. En fait. C'est ça, et ça c'est incroyable. Tout est nouveau, mais en partant du principe que c'est sur un truc ancien, donc ça va accrocher. Ok. Le gros cheval de Troie. Le magnifique cheval de Troie, même. Ouais. Faudrait une armure chevalier de cheval de Troie. Constellation cheval de Troie. On reste dans le rap français, 2013. Là, alors je vous donne un indice, c'est un groupe, mais si vous me donnez un seul des membres. Qui est un membre très très connu, je vous le donne, c'est cadeau, mais par contre là la musique elle est vraiment quand même facile, on est toujours dans les faciles hein, évidemment, donc je vois le début, hein, ça paraît pas dès le début, je vous mets un peu le début que vous ayez l'ambiance. Ensuite madame, j'aimerais m'en aller, traverser le mur du monde, quand je veux planer y a toujours des turbulences, et plus j'y repense plus le présent est une urgence. C'est grâce à lui que le passé et le futur changent. L'aéroplane fait sa choré là-haut, le soleil apparaît. Il pique comme un toréador, les eaux évaporées afin de dorer la forêt d'à côté pour décorer la colline tandis que les paumés à bord osent déshonorer la mort. On est tous passagers de la terre mère dans la voie lactée. On est plus la sagesse, cela permet de ne pas lâcher, mais le mal achève. Et si le vent m'appelle pour m'en aller au pas, mon aéroplane file comme un aéroplane. Ouais, tu l'as et tout. C'est bien aussi, personne. Franchement. C'est un anime, on est d'accord. Ouais. C'est un anime, c'est pas forcément délicat. Comment ? Un anime, c'est pas forcément délicat. Ah oui, tu peux être un anime. Hein ? C'est dans le thème. C'est dans la boîte de vidéo. Et tranquille bon, dans la vitesse de son zigzag. C'est le jeu Yashi, c'est le jeu que j'ai pas vu. Ah, sérieusement. Ça, c'est vraiment vous vous faites voler par Eric là. Non seulement en plus je lui donne la piste. Ah, vous savez, là, moi. Là, ça dégoûte. Hein. Le vol, c'est ma passion. Je vous mets l'original. Forcément, c'est bon, plus compliqué, c'est pas mal. Non, mais en fait, c'est que j'ai sur mon site. C'est ce que je fais. Je vais chercher. J'avoue que. Parce que là, c'est pas du tout le bon sample qui m'ont filé. Ouais, j'avoue que du coup, c'était compliqué. Hein là, Shashi Totoro. Si on devait trouver ça. J'avoue. My Neighbor Totoro. À mon avis, tu vas trouver que le thème chanté à chaque fois. Ouais, mais l'instru, c'est la même. Alors, ce sera la même, mais est-ce que c'est la même que le sample ? Oh, vous me croyez évidemment. Bah Eric va dire oui. Hein, Eric va dire oui. Mais non mais c'est Totoro. Hein, ouais. ouais. Mon site m'a trahi. C'est un live. Joue. Bref, c'est Totoro. Bon, est-ce que vous avez retrouvé au moins l'un des rappeurs? Oui. Alors allez chercher parce que je m'en doute que tu l'as. C'est pas Nekfeu. C'est, du coup, c'est le escrew, ouais. Donc, ouais, Nekfeu, effectivement. Oui, ouais. J'aime bien. Ouais, bah. Non, mais non, j'avais pas le nom, mais j'avais déjà écouté une autre musique d'entre eux. Et donc, c'est Aéroplane du escrew. Pareil, morceau assez lourd, hein, qui me botte pas mal. De 2013, sur leur label Senzu Record, évidemment. Donc encore un point bonus pour le public. Toujours. Le public qui va win. Hein. On est toujours dans les faciles. Je vous ai dit qu'il était loin. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai peur du coup pour les moyens. Hein. Celui-là, vous êtes... Alors, la version est dégueulasse. J'aime bien parce que le sample qu'ils me mettent, c'est une version en plus déjà remixée de l'original. Pas mal. Du coup... C'est un sample de sample. C'est un sample de sample. Vous connaissez tous ici. Là, il n'y a pas de souci. Alors, je vous mets le début. Alors, je me demande si c'est pas une intro aussi à la con sur le... Directement. Back in the Mars. Et c'est Carré, le Nightcore. Une version magnifique. Non, c'est une version Nightcore. C'est vraiment une version Nightcore. C'est Carré, ça, non? C'est ça? C'est qui? Ouais, ouais. Je vous laisse un peu. C'est du prochain Halloween. Moi je suis Zayama, moi je suis Oda. Et... Par contre, j'aimerais bien que tu prêtes à rapper un jour parce que vraiment par pitié. Alors, rappeur connu pour le coup, hein. Il y a du gros nom hein, dans le clip. Hein. Et tout, rappeur américain. Vous pouvez avoir le nom du marché d'ailleurs, facile. Alors, le nom du marché, il est français. Quoi? Oui, voilà. À part pour Eric. Hugo. Vous voyez, cher auditeur, on appelle ça un viol. Ouais, mais allez, j'ai arrondi à 3 points. Je suis parti. Je dis pas que tu arrives, j'ai dit l'artiste. Ouais, mais l'artiste. Comme je disais, auditeur, auditrice, c'est du viol. Donc, et le rappeur, c'est Frank Fontana. Du coup, je suis à combien avec tous ces vols? T'es à 5. Yannick à 3 et Ben à 1,5. Et donc, attendez, j'aime bien parce que du coup, attendez, oui, le sample, bah, oui. Il met vraiment du coup la sonorité de base. Alors, si on aime le Nightcore, après, ça va bien changer. En vrai, en plus, j'ai dit ça, mais j'aime bien le Nightcore. Hein. C'est juste que j'aime bien le Nightcore original plus que les remix en vrai. Alors, le Nightcore, oui, mais pas sur Sanctuary. Quoi. Sanctuary, c'est compliqué. Hein. Bah. Ouais, il y a des versions d'upstep que j'aime bien. De toute façon, KH3 a pas besoin de se remixer pour une version d'upstep d'ailleurs. Le problème de généralement des Uta Daikaru de Kingdom Hearts, en tout cas, c'est que c'est déjà des versions remixées. C'est même pas. Oui, bah oui, c'est un peu comme des radios edits pour le jeu vidéo. De toute façon, c'est normal. Hein. Ça, il faut ce qu'il faut. On passe au suivant. Rappeur très peu connu pour le coup. 2021. Ça vous donne un peu une idée de à quel point l'œuvre originale est récente. Et ça va tout de suite commencer directement. C'est toujours très facile. Jojo, les aventures partie 5, ouais, et t'as le nom du morceau, je t'ai dit, si j'ai pas dit celui. Le du morceau de Jojo, ouais, du morceau de Jojo. Non, tu n'auras pas le. Quoi? Tu n'auras pas le nom du morceau du rappeur. Le morceau vraiment de Jojo. Et le Vento d'Oro, Gokano, Jojo parti 5, évidemment, je donne une. Un morceau que j'aime beaucoup, hein, vraiment, un petit rappeur qui monte, qui monte, un gâteau. Allez, show speed. Et le morceau s'appelle Bounce Dada. J'adore les montages de discothèque où tu vois, tout est calme. Et ouais, d'un coup, t'as Vento d'Oro. Ouais. Ouais, c'est trop bien, franchement. Vento d'Oro, hein, qui a beaucoup percé hein, sur. Sur les réseaux, c'est Pouloulou. Ce thème-là qui est souvent... Il y a le même TikTok et tout. Donc j'ai mal à la version originale. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, ce morceau-là, c'est vraiment à la fin du morceau. 3:47. C'est ouf. C'est la fin. C'est vraiment la fin du morceau. C'est ça qui a tout le monde retenu. Enfin, il est overutilisé dans l'opening et dans l'anime. Et dans tout d'euro. Bicontune qui est resté. Oui, bah, ça, grand même. Après, ça, c'est carrément un truc dans l'anime. Ils en jouent aussi. C'est ça qui est un peu rigolo d'ailleurs. Pareil, alors là, dernier idée facile. Ah bah, c'est bien, parce que je trouve que vous vous démerdez un peu trop bien. En vrai, vous vous démerdez quand même pas trop mal, hein. Franchement. Ouais, déconner, bah hein. Oui, ça se voit. Oui, sur les faciles. Eric se débrouille bien. Pour, En vrai, il y a peut-être moyen que vous trouviez l'artiste. C'est de 2018. Il a quand même fait parler beaucoup de lui. C'est un Français qui chante en anglais, enfin qui rappe en anglais. Bon, après, il y a un débat là-dessus, évidemment. Je vous le mets. Mais le morceau est facile à trouver. Donc je vous mets le début, hein. Ça apparaît pas dès le début. Ça, c'est un peu son thème au rappeur d'ailleurs. Si vous connaissez, ça peut vous aider. Je vous laisse jusqu'à ça arrive à 27 secondes. Ain't no room for us when demons whisper we should have won. Ain't no room for misery when you got all you want. You think I'm back at it? Guess what, Jahmar, I never been gone. Hey mama, don't worry no more, man. Hand your cages from the store. Another million to record the bailiff's daughters on my shows. I'm twice as blessed as I'm ignored. Et il arrive vraiment, moi quand j'ai entendu, je vous avais le rappeur du rap. C'est un rappeur de tour qui a vraiment percé. Il fait une chanson tous les dimanches. C'est pas qui fait ça, c'est un rappeur français. C'est pas qui fait ça, moi je sais pas du tout. C'est Ryless. Et donc I'll Be Back. De sa première ouais il a un flow là Michael Moore un peu sauf que il écrit des paroles par contre ça y ressemble pas mal ouais et donc l'original donc de Toshio Masuda et donc ce qu'il a repris c'est la version 6 secondes la flûte hein. Grand thème, hein. Très très grand thème de Naruto. Hein. Ouais, mais j'avoue que moi j'ai toujours une préférence pour cette Naruto normal avec les instruments très très japonais qui se perdent un petit peu dans Shippuden malheureusement, même si j'avoue que l'artification de là, le mélange est plus que ça, le plus que ça, le plus et ça, le plus que ça, le plus que musique. À niveau musique, on peut pas lui enlever grand chose, vraiment. Même au niveau opening, ending, rien du tout, vraiment, on peut y aller. Hein. Vraiment. donc c'est Yannick, et je t'ai déjà mis ton point. Parfait. On attaque les moyens. Là, normalement, vous êtes censé trouver l'artiste. De l'artiste qui a repris, évidemment. Vous allez voir. C'est parti. Et pareil, un truc, yes. Yoni, Willy, Willy, Yoni. Ma mère va m'enterrer à 31. Parce que j'ai niqué mon foie, mon pancréas. Sors ton pocheton, vas-y, on s'en fait un. On est beau, on est jeune, on réalise pas que ce sera la merde le jour où ils légalisent la beuh. Mais pour l'instant, je m'en fous. J'ai que 21 piges, des joints et du bif. Au bois de Vincennes, je vais me rincer une bif. Et j'irai voir histoire de loin et mon chagrin. Maman culpabilise pas, t'as bien choyé ton gamin. Mais je me sens seul et le monde est froid. Il est glacial. Alors je suis ceux qui ouvrent leur gueule et qui font des choix. Alors oui, j'ai choisi de me guédro. Une sale mine, le veto, la fatigue, le métro. Une nuit entière à réfléchir. Ouais, je me la colle en cachette gentiment. Ce sera sûrement trop tard si j'arrête dans 10 ans. Tout j'avais si j'ai qu'on arrête dans 10 ans. La belle alcool est chiant. On se retrouvera quand on aura. Ouais, c'est parti. Dans un bar bloc ou dans la salle. J'ai dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Le morceau c'est dans 10 ans, pareil, très grand morceau. Encore une fois, 5 minutes. Ouais, à reprendre. Grand grand morceau. Et l'anime, on l'a déjà écouté tout à l'heure, c'est ça? C'est un anime, on l'a déjà écouté. Je vais pas tous les rivières. Anime ultra connu. Il sera sûrement trop tard. Avec un ulcère et les poumons. Naruto, Naruto, Shippuden, c'est Loneliness de Takahashi Yasu Haru de Naruto Shippuden, je vous le fais écouter tout de suite. Ah putain, ah, c'est le seul vite. Donc, évidemment, il a été accéléré, remixé. Mais grand thème hein, aussi, hein, que j'aime beaucoup de Shippuden. Hein. C'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré, j'ai pas dit commentaire. Sauf qu'on préférait, il n'a pas été samplé. Donc bah, je me suis fait baiser. je peux pas tout avoir. Mais très grand thème quand même. Eric qui s'envole. Hein, 8 pour Eric, 1,5 pour Ben et 4 pour Yannick. Vous inquiétez pas, c'est à chaque jeu ça se reset. Et on gagne, en gros, c'est on gagne le premier jeu, on gagne deux, etc. etc. Donc, et à la fin, on a rien. Et à la fin, vous aurez le temps de rester dans le podcast. Peut-être. Sauf peut-être quelqu'un. Sur c'est les Squid Game. C'est Squid Game. Gâteau d'anniversaire. Ce serait pas un peu Squid Game finalement. Quoi? Alors, on continue. Là, pareil, vous... c'est un rappeur américain ultra connu. Après, je vous en écoute pas beaucoup. Mais, Eminem. Si vous jouez à BeatStar, vous le connaissez normalement. Je... C'est parti. Concentrez-vous, ça va aller très vite, le sample. Donc Eminem. Non. C'est que ça le sample. Est-ce que vous l'avez? Je vous le remets. vraiment un FX. C'est pas une musique haute, c'est vraiment un FX. C'est Sailor Moon. Si, c'est Sailor Moon. C'est la cloche de transformation. Voilà, il y avait que ça qui me. Sailor Moon. J'allais vous demander si vous avez le rappeur, je l'aime pas laisser rapper. Un truc Eric. Exactement. Alors, n'hésitez pas à bien. One of those money, my cup. One look at the past is behind. Falling in a bottomless pit. Find us. Life is a curse. Now, not a sound. Do un peu moins connu que ce doit être. Mais hein, c'est une nouvelle vague. C'est une nouvelle vague. Celui qui chante. Les autres ils ont pas assez de talent quoi. C'est Juice WRLD de fait Trippie Redd feat YNW Melly 6 Kiss. Morceau un peu planant, un peu cool, j'aime bien, et qui est juste en intro sample donc la fameuse cloche d'invocation. Je vous la mets hein, nature, même si elle est pas trop modifiée. Transformation de Sailor Moon. Voilà. Et donc c'est Eric qui a raflé le point encore. Les auditeurs qui vont croire que je suis un menteur parce que je trouve que des trucs que je regarde pas, donc j'ai pas regardé. Le voleur. Moi je l'ai vu sortir son téléphone. Bravo. Quoi ? Pas du tout. Et encore, c'est pas la version. Là, c'est vraiment la originale, c'est pas la version cristal de Sailor Moon, évidemment. Pareil, grand rappeur assez connu, 2019 américain. Je vous balance tout de suite. Le sample est pas dès le début. Yeah. Je vous laisse à 16 secondes, je vous laisse le début. Il a une voix assez particulière, donc. Et il a participé d'ailleurs à une télé-réalité Netflix assez cool. Et donc il s'appelait le Hey de Navi de Zelda Ocarina of Time. On continue. On n'écoute pas juste. Non, je pense qu'on va s'en passer. Hein. Oui, ça va. Ça va. On continue sur les moyens. Alors, pareil, grand rappeur, un peu oublié aujourd'hui. On va y aller dès le début. That's what's happening in America right now. Change is what's happening in America. We made history for the first time ever. Like I said, things will never be the same. You know, keep your head up. One love and one life to live. Le morceau Gonna Be Okay sur son album I'm Gay, I'm Happy. Le Hibbit. Il a pas seulement samplé, hein, il a pris tout le début là de la musique. Ouais, oui, non, il est pas très peu retouché. Hein. Je vous mets l'original. C'est genre littéralement tout le début. Mais oui, il est quasi pas retouché. Hein. En même temps, quand c'est bien. C'est bien. En vrai, quand c'est bien, pas mal retouché. Et donc voilà, le voyage de Chihiro. Ensuite, au suivant. Celui-là, artiste ultra connu. On n'est plus dans le rap, on est dans l'électro. Mais là, vraiment, artiste Skrillex. Connu de ouf. C'est pas de l'électro, Skrillex, c'est du dubstep. Ah, j'ai rien dit. Donc, écoutez bien. C'est dès le début. Dragon Ball. Z. Dragon Ball Z. Et le thème, c'est comme un mini-tarif. Ça y est. c'est Goki Toki, Sao Kukowa, le chanson de Shusuke de la Reine des Neiges. Et est-ce que vous avez l'artiste de la Reine des Neiges? Carpenter Brut, c'est plus. Oh merde! Et c'est plus Vaporwave que ça, Carpenter. Carpenter Brut. Ça veut dire que Vaporwave, c'est ça. Ah, Kavinsky alors. Ah, Kavinsky, mais oui, ça. Il est Carpenter. La Bougas, c'est pas bon. L'artiste, il est pas volé du tout, hein, vraiment. Là. Et c'est le morceau Rampage. Autant Evangelion tout à l'heure. Ouais, ouais, voilà. Mais là. Et du coup, je vous mets le sample. Il y a un sample de nature aussi. Il s'arrête juste avant. Encore une fois, j'entends ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Voilà, il n'y a pas ça derrière, mais voilà. Morceau de Kavinsky qui est assez cool aussi. Trop bien, trop bien. C'est... On continue. Pareil, ça, c'est un morceau qui a énormément tourné. Donc il y a un moyen que vous l'ayez entendu quelque part au détour de quelque chose qui arrive. Non, pas, on n'est plus dans le rap, on est plus dans la pop. Presque électro maintenant, d'ailleurs, à cet artiste. Vous voulez voir, vous l'avez beaucoup entendu le sample. C'est un SFX aussi. I was busy thinking about boys, boys. Mario, ouais, c'est Mario. Boys, il y a des pièces de Mario. Ouais. I was busy dreaming about boys, boys. Un truc très bien, là. Le nom du morceau. Ouais, vraiment. Encore un point volé par Eric. Pour pas de point, on a pris pour l'artiste et tout. Est-ce que vous savez qui chante ça? Le public le sait. Ouais. C'est une chanteuse, oui, ça va. Non, je veux dire, c'est une chanteuse récente ou pas? C'est vraiment qu'elle tourne. Mais oui, c'est la commencé dans les années 10, quoi. Mais oui, elle sort vraiment régulièrement. Elle a eu pas mal de problèmes. C'est Charlie XCX. Ah non. Avec ce morceau Boys, hein, vraiment. Qui est assez, assez solide. Hein. Ah oui, la fanbase qui venait plus à ses concerts, ils étaient trois et oui. Du coup il y avait des problèmes. Ça... la fameuse fanbase vraiment soudée. Hein, vraiment. Non, mais nouvelle fanbase, par contre, maintenant qu'elle fait un peu plus d'électro aussi de nos jours. Hein. Oh, quand alors celui-là, j'aurais peut-être pu le mettre en difficile, je vous préviens. Ah, quoi celui-là. Vous, alors par contre, voilà. Là, y a enfin l'artiste est vraiment quand même facile celui-là. Je dis ça évidemment pour moi. Et je vous mets le début parce que le sample est vraiment à la toute fin et c'est une phrase très précise. Il y a une phrase et ça vous donne sur la piste. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le perso lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Ok, non, mais. Le but, c'est pas trouver le thème par les cartes, c'est pas un sens. Fortune et infortune. Pourquoi suis-je né? Les poches vides, pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW, la monnaie est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres sinon. Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de battre? Je peux rien faire, je peux rien faire, je peux rien faire, je peux rien faire, je peux rien faire. Avant que nos cœurs, dans les mêmes époques, c'est vraiment les animes classiques de la VF de l'époque du genre. C'est dans les mêmes temps, t'as compris, les jeux dans le monde. Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de battre? Je peux rien faire, je peux rien faire. Et du coup, effectivement, c'est Actarus qui parle dans un des moments de doute qu'il a dans la série. Est-ce que vous avez alors du coup le groupe de rap d'ailleurs, vraiment peut-être l'un des plus grands groupes de rap qu'on a eu en France. NTM. Non, l'autre du coup. Pour te citer. I am effectivement. I am, du coup. Des points. Wow. Prendre des points sur le groupe de rap français en tant que pour Ben, ça c'est vraiment, je l'ai pas vu venir. Ça c'est incroyable. 13, 3,5 et 5 dans l'ordre. Encore deux moyens avant de passer au difficile. Alors, c'est parti. Donc là, pareil, l'artiste est un peu plus complicado. Quoique, en fait, non, pas du tout. L'artiste est très facile. c'est dès le début. Tac. Les enfants, les égarés sont comme des feuilles. Et l'écran leur offre l'encre de la violence. À la recherche d'une identité, d'une vérité, de la frontière entre le clair et l'obscur. L'image prend désormais le contrôle de la personnalité. La fiction devient réalité. Et la réalité, un cauchemar. C'est la 25ème image, et elle s'inspire de vos carnages. C'est la 25ème image. C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais plus vivre en cage. C'est la 25ème image, et elle s'inspire de vos carnages. C'est la 25ème image. C'est la 25ème image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais plus vivre en cage. Les yeux rivés sur la télé, rien ne m'échappait, j'étais fasciné. J'ai failli redire NTM, ça allait refaire. C'est exactement ce que je cherchais. Et donc, c'est la musique qui est dans le film La Haine. Et donc, c'est la 25ème image. C'est I Am, en fait, Daddy Nutea. Et donc, le morceau, je vous fais écouter. Donc, de Gaino Yama Shirogumi. J'ai failli dire Paprika, mais quand t'as dit 95, je suis. Voilà, et donc ça c'est la musique. Voilà, voilà, voilà. Bien joué, bien joué. La dernière moyenne. Merci, merci. Celui-là, il est. Ça va aller vite, ça va aller très vite. Focus. J'aurais pu le mettre en facile, j'ai hésité sur celui-là pour le coup. Mais vraiment. Si on enlève tous mes vols, c'est dès le dernier. C'est dès le début. Alors attention, c'est dès le début. Ça va vite partir. Ça arrive. Vous l'avez. Let's go. You better move. Oh, you better move. Oh, you better move. Oh, you better move. Oh, you better move. Oh, you better move. You better move, you better move, you better move, you better move. Louis my shoes, pull out my whip on 22s. I saw your girl, I had the scoop, just like a bird, she gonna swoop. Neck is hot too, might catch the flu. Banana clip, straight from the zoo. I'm like, 95. Mother goose, if I say shoot, they gonna shoot. No, I'm not sweet, I just got flipped. Don't need no water to mix up this juice. They say why your chain, it look like a choker. That's for the slaves that had to wear the noose. No, you can't cuff me, babe. Oh, en général, c'est le jeu qu'on jouait quand on s'est mis en You better move. Oh, you better move. Oh, you better move. Oh, you better move. Préinstallé sur aujourd'hui. Hein. You better move. Est-ce que t'as le nom complet du jeu? You better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, you better move, Ridgeway, on a les noms. Est-ce que vous avez le rappeur dans le coup, c'est Lil Uzi Vert. Non, c'est pas, non, c'est pas ça. Rappeur, ça. C'est un bon rappeur. Et tu dépasses Yannick. Yannick qui reprend quelque peu le temps. Et donc, c'est Libet en rouge, le morceau de Lil Uzi Vert. Le morceau, c'est qui que j'aime bien. Évidemment. On passe dans les difficiles. Oh. Il y en a quelques-uns, et après, on va pouvoir passer à la suite. Alors, je vous mets le premier, pareil, l'artiste est très connu, donc c'est peut-être une chance que vous le trouviez. Et donc, ça commence, c'est pas dès le début, je vous mets un peu le début, et après je vous lance le sample. Allez, c'est parti. Je lance. To the Taylor gang, rolling up them paper planes. 501 young, they don't want none. What up, Will? Yeah, bitch. I'm high, so I said it like that. C'est la même époque. c'est pas les bons salaires. Même époque, et bonne, les bons studios de l'éditeur. Empty bottles of Cleco and ashes on the floor. Towel under the dope. We wasn't supposed to even smoke. Bravo, c'est un joli vol. Bravo. Non, bravo. Ah bah voilà. Super. Tu vois, c'est comme ça. Je vous le fais. Tu nous apprends comment voler. Je vous le fais écouter. Ah, ils vont dépasser le maître. Et donc c'est le son, la thème de Scala. Et donc Chrono Trigger de Yasunori Mitsuda. Est-ce que vous avez le rappeur à l'ancienne? C'était Wiz Khalifa. Pardon. Alors là, non, je suis trop deg. Ouais, oui, t'es deg, oui. Et donc le morceau, c'est Never Been. Un morceau pas mal. Je suis pas très fan de Wiz Khalifa, mais pas mal. Alors celui-là, peut-être le plus dur de tous, je pense. Quoique, le dernier. Ah non, peut-être celui-là quand même. Ah non, il y en a un pire. Non, c'est bon. Il y en a un pire derrière. Vous inquiétez pas. Alors celui-là, rappeur un peu facile. Un style vraiment, il n'y a que lui qui fait ça. Par contre, ouais, le sample un peu plus chiant. Très, très pointu celui-là. Celui-là, on est vraiment dans les Weedboss de ouf. Donc plutôt anime. Hey, check my resume. My dick go hard, 8. True facts. Hey, putain, elle fait. Putain, ouais, bien joué, bien joué. Alors là, c'est William Elfenig de Konichi Kayo, Yuki Kondo, Yomi Fenoma. Est-ce que vous avez le rappeur? Il y a un truc comme non, rappeur très petit, décédé, d'ailleurs, l'album Members Only volume 3 2017. Je vous mets du coup un peu de Lilium quand même, hein, que vous compreniez. Donc c'est à 6 secondes que ça va démarrer. Je savais que Ben allait la choper. Je pense qu'on était deux. Quoi? Mais j'avoue que vous n'avez pas à se préparer comme si vite. Deux points de titre, deux points de titre. What? C'est du vol. Oh my god. Vous avez plus assez pour attraper les points. Avant qu'il y en ait une, vous ne faites pas un point parce que ça peut être. Quoi? Ah, je vais t'en donner avec toutes les autres. Je suis désolé. Konichi Kayo, Yuki Yo Kundo et Konichi Kayo Elfen Lied 2004. Voilà, anime à l'ancienne. Et le manga ressort en ce moment en édition perfecte. Ne pas regarder si vous êtes sensible ou quoi. En vrai, moi j'aime pas Elfen Lied, donc j'ai du mal à le conseiller malheureusement. Mais bon, on en parlera un jour. Je crois qu'on a déjà parlé d'ailleurs de pourquoi j'aime pas Elfen Lied dans le podcast, c'est possible en deux ans. Toutes les disaster classes qu'on pourra dire. Alors pareil là, chanteur très connu. Très connu. La voix, il y a moyen que vous la chopiez. Ah, j'ai oublié. Ah, celui-là, il est vraiment hardcore. Peut-être plus dur, finalement, celui-là. Le sample est vraiment dégueulasse. Là, celui-là, c'est. Fou. Bonne chance. Il est vraiment, vraiment très précis. Très whip de ouf. Okay. Je vous mets le début de la musique. Après, je vous envoie au sample. Alors, tant que ça commence, évidemment, les petites intros. Hein, ils aiment ça, les Américains. Hein. 2011, le morceau, si ça peut vous aider. Bah, vous avez forcément ce qu'il n'y a rien qui sortira après que ça donne. Hein. Voilà. Ça va être pas mal. C'est vrai, il y a 10 ans déjà enlevé. Hein. C'est pas ça. Je dirais que ça. Là, je vous laisse écouter pour avoir un truc. What? Thank you. J'ai eu des noms balancés. J'ai des noms personnels dans le direct qui ont été balancés. Saber et Shiro dans les vidéos de Noël. Je me disais le ça faisait au début c'est Saber et du coup c'est Saber qui parle, c'est bizarre. Et puis après je me dis mais non, mais ça peut pas être ça. Et je me suis dit ça pouvait être Evangelion, parce que Evangelion il a des, la voix ressemblait un peu à celle de mais en effet le sample était un peu j'ai dit que c'est difficile. C'est plutôt celui-là. 2006 ouais. En plus j'hésitais aussi avec la mélancolie de Daru. Ça aurait pu être la mélancolie hein. Mais ça ressemble pas à la ni à Daru ni à non. Et donc Eric a trouvé The Weeknd, évidemment. The Weeknd Coming Down de 2011. Bravo. Et donc Yannick, un point. Avant-dernier de ce jeu, à peu près aussi difficile que celui qu'on vient de faire. Ah, pas mal. Le rappeur est un peu facile à trouver aussi, décédé aussi malheureusement. Peut-être l'artiste, la mort d'artiste qui m'a le plus touché dans ma vie d'ailleurs. C'est à trois endroits, donc je vous mets le début. Écoutez bien, pareil, c'est du sample de dialogue en japonais. Okay. En japonais. Mais c'est you un peu plus reconnaissable. Domo, arigato. Domo. C'est normal qu'il n'y ait pas de son, vous inquiétez pas. Peut-être que ça monte. Ça prend son temps. Close my eyes before I cross the street. Car about to hit me, then he oughta beat. Watching Dawson's Creek till I fall asleep. It's harder than it seems, I'm underwater in my dreams. I'm in all this jigsaw, puzzles not complete. I'm just jigsaw, puzzles not complete. I'm just an idea, nothing concrete. Came to race, but let's get higher than plane engines. They trying to change, what has become to the same difference. Shut your pie hole, I'm dope and I know my voice. On va être à un point dans le monde. Vous êtes d'ailleurs. Oui. Je vais te le dire. Ah, mais c'était contre Freezer. Non. C'est le seul qui fait. Oh. Non, c'est l'OAV Broly contre Paragus. C'est exactement le moment quand tu lui dis je ne suis pas Kakarot, je suis sans le cul. Et que Paragus c'est marre. Et qu'il se casse le cul. D'accord, ok. Et est-ce que tu as le rappeur ou quelqu'un d'autre? Le rappeur décédé il y a. En 2018. Quel plaisir. Non, Marc Marker, rappeur américain qui a signé plusieurs albums quand même très connus, un peu l'ex d'Ariana Grande. C'est de Mac Miller. Son nom c'est SDS. Ah d'accord. Oui, Mac Miller malheureusement. Non, j'ai dû Ariana Grande dans la tête maintenant. Bravo. Et donc le dernier. Donc pareil, très grand rappeur sur ce dernier. Qui n'est pas Ariana Grande, du coup. Bah, déjà, c'est un rappeur. C'est un rappeur, oui. Mais vraiment, morceau un peu obscur. Hein. Donc, attention, c'est parti. C'est Johnny Name Drop, mais c'est pas ça. Alors, ça pourrait compter, je suis sûr que tu peux l'avoir dans l'audio ça. Ça se joue. Oh, c'est cette manière. Vraiment là, ça peut être du vol. Hein. Alors, le morceau date de 2014. Déjà, ça vous enlève. Et le jeu date de 95. Jeu très connu, hein. Là par contre, y'a pas trop de. Plus plateforme. Mais Mario. Non. Nintendo, mais pas Mario. Okay. Ouais, lequel? Ah. Sur SNES, il n'y a pas eu non plus de temps que ça. Il n'y a pas eu tant que ça, mais. Donkey Kong Adventure 2. Ouais, bien joué, putain. Est-ce que t'aurais le nom du morceau? Enfin, la zone. Non, là j'ai fait au pif. Ouais. Donc c'est bien Country 2, bien joué. Ça va être le niveau dans la mine. Et bah, tu rigoles, mais. C'est le niveau, c'est le niveau dans la mine. Haunted Chase de Deadly Wise. C'est pas Mario, c'est Minecraft. C'est Haunted Chase, le nom de morceau en tout cas. Et donc le sample est là. Voilà, à l'ancienne. Les OST de la Super NES. Et donc ça marque la fin de ce jeu que Eric remporte haut la main avec 16 points, malgré tout. Ben en deuxième avec 8,5, une belle remontada sur la deuxième partie, bien joué, malgré hein. tout. Plus de la moitié. Et Yannick pas loin à 7 points derrière, malheureusement. Bien joué. Est-ce que ça vous a plu comme c'est petit cool. jeu oh, c'était rigolo. Je pense que j'ai gagné toutes mes cartes de sample, donc il reviendra sûrement jamais, mais en tout cas, j'adore le faire. J'adore le faire. Facile, facile. C'est pas simple, je suis d'accord. Non. Ça, c'est sûr. On va pouvoir passer à la suite, donc au thème exactement, et donc qui dit thème dit petit jingle. De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Yare, yare dasu. Et ben on parle actuellement du coup de 2021 exactement du top jeu vidéo évidemment, sans critique. Quel autre site pour avoir raison sur le top ? Évidemment, ah, évidemment personne ne peut avoir raison hein, sur le les tops. 100% objectif. Que d'objectivité, pas du tout deux connards dessus en plus, c'est cool. Donc évidemment j'ai pris des top 10. On n'est pas obligé de revenir vraiment en détail sur chaque, hein, si on n'y a pas joué notamment. Et après on pourra rajouter si nous il y a des petits jeux qui nous ont, petits ou gros jeux d'ailleurs, qui nous ont marqué pendant cette année 2021, sortis ou non en 2021 évidemment, hein, on n'est pas là pour parler que de cela, surtout que c'était une année un peu compliquée de sortie de jeux vidéo contrairement à 2020 d'ailleurs qui a eu des grosses sorties contrairement à 2021. Ouais. Je vais pas vous demander quels sont les jeux vous pensez qu'il y a dans le top 10, je vais y aller petit à petit. En 10ème position c'est une exclue Xbox, donc pas mal hein, parce qu'il n'y a pas des masses non plus, mais comme quoi quand ils font des jeux en exclus c'est non mais Halo. Non mais il n'y en a pas beaucoup, et c'est pas Halo. Ça serait et Forza. C'est pas Halo. Et par contre, c'est un peu triste pour eux, c'est que c'est pas Halo, c'est Forza Horizon 5. Ouais. Ouais. Dixième, donc moi j'ai jamais touché un Forza, si j'ai fait un Forza Horizon 2 ou 3 je crois sur 3.6. Le 2 sur Xbox 3.6. Ouais, ouais voilà, moi c'est mon dernier que j'ai touché, après j'ai pas racheté de Xbox derrière. Est-ce que quelqu'un autour de cette table aurait joué à ce Forza Horizon 5? Je connais que de réputation. Ouais pareil, fois. J'ai vu des streams, j'ai vu des gens y jouer, notamment Giga Etienne numéro 2 qui adore le jeu. Big up Giga Etienne. Mexique, c'est ça hein. Je crois. Ouais, et c'est donc, Mexique, ouais. Le 4 c'est en Angleterre et puis le 3 c'est en Australie. Et donc bah, c'est les genres de, c'est le jeu de bagnole, enfin l'un des jeux de bagnole où c'est au monde ouvert, donc c'est à la mode depuis un moment maintenant. C'est le premier à l'avoir fait d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, ou peut-être c'est Burnout Paradise, je sais jamais exactement lequel des deux c'est. Non, c'était un ou Most Wanted d'ailleurs. Après, Most Wanted déjà Gamecube, tu me diras, si. C'est un peu l'idée. Ouais, voilà. Bref, donc moi, c'est le genre de jeu banal que j'aime bien. Moi, je suis un fan de The Crew notamment. Moi, c'est vraiment des jeux de bagnole qui me font un peu bien kiffer. Mais voilà, Forza Horizon 5, c'est vrai que moi, ça me donne un peu envie, mais je n'ai pas la console. Je crois qu'il est dispo sur PC aussi, Forza Horizon 5. Oui, il est avec le Game Pass. Ouais, en plus, sur Game Pass. Donc voilà, donc on n'en parlera pas plus. Mais... Ça a d'ailleurs été un des gros arguments marketing du Game Pass. Ouais, bah, c'est pas tant. Bah, il est sorti directement dessus, je crois, ouais, d'ailleurs. Donc Forza Horizon 5, si vous avez de quoi y jouer, je pense que si vous aimez un peu jeu de bagnole, n'hésitez pas. C'est... Moi, j'en ai eu vraiment que des bons échos. Ça a l'air assez dingo et la customisation de bagnole a l'air assez folle. J'ai vu vraiment des bagnoles de Weeb à 100% avec des images et tout. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, si on peut uploader ces images ou autre, mais ça a l'air assez dingo, malgré tout là-dessus. Ouais, et puis surtout, sticker. Ouais, c'est ça, ouais. J'allais dire, il a profité aussi du fait que Sony ne sorte quasiment pas de Gran Turismo. Et ah bah, le si, Gran Turismo 7, il va jamais arriver. Hein. Même si Gran Turismo mise plus sur la simu. Ouais, que c'est pas. Ouais, mais après, Forza de base, c'est un jeu de simu, mais au final, on voit que c'est l'horizon se vend mieux. Mais si tu pouvais essayer de te toucher la mousse de ton micro. Est-ce que t'as dévissé ton micro par hasard? En fait, le micro se dévisse tout seul. Ouais, ouais, tout seul. Non, mais vraiment, je pense à force d'appuyer contre mon menton. Eh bah écoute, je vais te laisser le revisser, je coupe ton micro. Donc, revisse ton micro. Ensuite. Il est puni. En 9ème position. La seule exclue PS5 d'ailleurs, ouais, bah, c'est Ratchet. Ratchet & Clank Rift Apart. Et bah, du coup, pour le coup, moi j'ai pu y jouer parce que je me suis procuré la PS5 cette année. Donc je suis a priori le seul personne de droite autour de cette table. Je crois que Yannick a une série X, hein, donc c'est vrai que donc, je suis la deuxième personne de droite. Voilà, bravo. Donc Ratchet & Clank Rift Apart, hein, un nouveau jeu de la saga Ratchet & Clank dont Yannick les a tous refait en stream d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Oui. Et donc on était grand fan. Moi j'ai pas fait tous les épisodes, il y en a que j'ai vu notamment, mais j'avais pas fait forcément tous les épisodes, mais c'est une série que j'aimais beaucoup. Bah notamment bah, évidemment les 4 sur PS2, hein, comment ne pas les citer. Et donc bah, Ratchet c'est le premier jeu que j'ai fait sur PS5 évidemment, c'est la seule exclue, hein. Il y a des jeux PS5 mais c'est pas des exclus. Et bah j'ai adoré, enfin, ça se fait assez vite, hein. J'ai fait le platine en 14h je crois. Après les Ratchet sont pas extrêmement longs de base et c'est le platine n'est pas extrêmement compliqué non plus en vrai. J'ai pas eu besoin de refaire une partie ou d'aller farmer des trucs quoi, j'avais loupé un ou deux trucs à la con. Il faut juste te faire commencer un New Game Plus pour acheter un truc quoi. Donc rien de méchant pour le platine en tout cas, mais voilà, par contre grand jeu, magnifique, vraiment jeu magnifique, un sens du rythme assez dingo, on s'ennuie jamais, ça va toujours droit au but, le fait qu'on ait deux persos c'est assez cool, hein. On en avait déjà parlé notamment avec Yakuza 0, hein. Dès qu'on a deux persos en narration c'est toujours agréable à avoir, et puis un gameplay au poil, hein. C'est un gameplay pourtant assez rétro, hein. Ça n'a pas beaucoup évolué dans son gameplay depuis le premier épisode Ratchet finalement. C'est plus fluide, c'est toujours plus débile. Quand c'est bien. Quand c'est bien, il n'y a pas trop besoin de changer. Donc c'est fluide, ça marche bien, c'est beau, vraiment le jeu est magnifique, des particules partout, il y a du ray tracing, évidemment c'est la PS5, il n'y a pas de chargement, on retrouve les doubleurs quasiment tous là, toujours une VF impeccable, des OST impeccables, et du coup j'ai envie d'avoir la suite quoi, parce que du coup sans spoiler on pense qu'il y aura une suite, donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir où c'est que ça va aller, et ce qui est bien c'est que c'est vraiment plus construit comme un jeu très classique, hein. C'est des niveaux, c'est pas des open world, certains sont un peu plus ouverts que d'autres. Donc c'est cool, c'est que ça se finalement Ratchet a jamais trop changé sa formule. On voit qu'elle est sublimée de jeu en jeu, elle a pas besoin de finalement de tout changer parce que ça marche. Et je trouve ça assez drôle que le premier jeu PS5 soit finalement un jeu assez classique avec du level design presque de PS2 quoi. Mais comme quoi finalement il y a pas besoin de forcément plus. Avec le retour de Ratchet, le retour de Crash, on est vraiment sur un... Crash chez Microsoft d'ailleurs, hein, maintenant. Oui. Incroyable. On est vraiment sur un. Ouais, non mais. Un cycle en fait, ça revient. Ouais. Même si Crash a un peu moins réussi sa suite, en tout cas moderne, malheureusement, et que Spyro a pas du tout tenté la chose d'ailleurs, notamment, ce qui est un peu étonnant après. Spyro appartient à Microsoft. Ouais. Spyro, ouais, c'est vrai. Et Microsoft a dit qu'il voulait vraiment ressusciter les anciennes. Ouais, mais c'est bizarre qu'on voit pas lancer Spyro après la trilogie qui a marché de ouf et qui est incroyable. Peut-être que pour eux, Crash était plus célèbre que Spyro, sachant qu'ils avaient sorti un remake en plus que celui de Spyro. Non, mais c'est possible. Et du coup, ils se sont mis au Crash. Quoi. Mais en tout cas, voilà, Ratchet, en tout cas, moi j'ai adoré. J'ai un peu hâte d'y retourner, j'avoue. Je vais peut-être faire une game plus à l'occasion. Donc voilà, c'est si vous avez une PS5. Alors, je n'aurais pas acheté une PS5 pour Ratchet, par contre. Alors, attention, hein. Surtout vu comme c'est encore la galère à la choper et tout. Mais en tout cas, c'est un très bon jeu si vous avez déjà la PS5. Après, je pense que si vous avez la PS5, vous avez Ratchet, vu que c'est la seule exclue de la console. Et que de tous les packs, de toute façon, il est dedans, on va pas se mentir. Bah, tout ce que j'espère, c'est que la suite sortira sur PS5 et pas sur PS6. Parce que bon, Ratchet sur non. PS4, j'étais en mode, bah du coup... Aucun. Ah, le remake. Enfin, le reboot qui a pas de suite d'ailleurs. Ah, enfin, du coup, Rift Apart, c'est la suite de... C'est la suite de Nexus. De Nexus. Le reboot, c'est vraiment juste pour les clofilms. Sur PS3. Oui, parce qu'on avait eu un long débat. Ouais, et en fait, c'était pas clair dans les communications en même temps. C'est vrai, mais donc, quand j'ai vu les systèmes de failles, c'est que c'est pour moi, c'était Nexus. C'est la suite de Nexus, donc le reboot, si vous l'avez fait, vous pouvez, du coup, malgré qu'il soit un bon jeu, vous pouvez l'oublier, pas de suite prévue pour celui-ci. Bon, bah, je l'oublie. Non, mais après le jeu est bien. Si jamais vous voulez le faire, plus elle est offerte cool, plus 10 fois, il y a moyen que vous l'ayez quelque part qui traîne. N'hésitez pas. 8ème position, encore un exclu PS5, c'est Returnal. Évidemment, le roguelike de la PS5. En fait, deuxième exclu PS5. Bah oui, du coup, oui, ça contredit. Ouais, tu vois, je l'ai oublié. Mais celui-là, je ne l'ai pas fait pour le coup, je ne l'ai pas encore acheté, c'était pas dans mes prios. Pareil que c'est très bien. Moi, j'ai un petit peu vu des streams, j'ai un peu tâté. J'ai joué longtemps, j'ai joué 2 heures, tu crois. Ouais. Une run, quoi. Hein ? Une run, donc. Ouais, et encore, j'ai pas passé le premier monde. Hein. Et je suis arrivé au boss, mais je sais pas. Mais ouais, c'est pour le peu que j'en ai fait, c'est ultra impressionnant. Enfin, moi, pour le coup, c'était la première fois que je touchais une manette PS5. Et donc, du coup, j'ai découvert les vraies sensations de, du vibration, enfin, des vibrations. Ouais, et les vibrations en 3D, etc. Les triggers adaptatifs. C'est ultra bluffant, quoi. Y a pas, ouais, non, mais là... Le jeu est difficile. Mais oui, bah, roguelite, tant un... mieux. En soi, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais en soi, tu vois, par exemple, ça justifie pas pour moi le fait qu'ils aient dû faire un patch pour mettre une sauvegarde en plein milieu, quoi. Ça... Pour moi, ça détruit tout le concept même. Bah, disons, bah après, malgré tout, c'est con, mais. Non, je vais dire une connerie, en fait. mais la sauvegarde, la de tête, la sauvegarde, elle est là juste pour pouvoir faire une pause dans le jeu. Comme dans Isaac. Elle est. Ouais, c'est une facture pour ta partie. Pouvoir, tu, peux, tu meurs, oui. Tu recommences au début. Ah, oui, c'est pas une sauvegarde. C'est une sauvegarde. Je pense que c'est une sauvegarde. Hades, il y a pareil. Hades, tu peux couper au milieu, reprendre plus tard. Isaac, tu peux couper au milieu, reprendre plus tard. Oui, mais tu peux. Si je m'arrête ma partie dans Hades. Je peux recharger ma partie quand je relance le jeu, mais si je meurs, je retourne au début. C'est plus un point de contrôle. C'est un point de contrôle pour pouvoir couper sa session, en fait. Mm. Là, je peux le comprendre parce que Returnal, ça a l'air des sessions vides de 4 heures une partie. Effectivement, on joue 4 heures d'affilée sans pouvoir faire de pause. Ouais, c'est chaud. Ça, je suis d'accord qu'en plus, encore plus dans nos jeux modernes, c'est compliqué, quoi. Et après, faut pas oublier que sur un roguelite, bien souvent, tu vas être pris dedans, tu vas être dans le flow. Si tu fais une pause, même si tu as possibilité de revenir à l'endroit où tu as fait la pause, quand tu vas revenir, ça va être un peu plus difficile au début. Oui. Il y a de grandes chances que quand tu reviennes d'une pause, voilà, tu meurs dans les salles qui suivent. Exactement. Quoi. Oui, tout à fait. Donc non, Returnal, ça a l'air vraiment bien. Donc moi, je le prendrai à l'occasion quand même, parce que ça me botte bien. Il est très beau aussi. Il a l'air vraiment magnifique. Hein. Bah, tous les, enfin, j'en parlerai dans certains jeux derrière. Même les versions PS5 de jeux PS4 sont quand même sont très belles. En même temps, le contraire serait vraiment dommage. Bon, après, on n'est jamais à l'abri de rien. On n'est pas à l'abri, hein, c'est vrai. Septième, c'est un remake de jeu. D'ailleurs, il y a deux remakes de jeu dans tout le top. Mais tout, c'est un peu triste. Bah, c'est Nier Replicant. On voit bien que Sens Critique, hein, on se palue sur tous les jeux du genre. Après, à tort ou à raison, hein, évidemment. Je sais que Yannick, toi, t'es très fan de Nier. D'ailleurs, tu l'as fait le remake. Ouais, je l'ai pas fini parce que j'ai. Comme mes 15 millions de jeux que j'ai commencé. Mais en vrai, enfin, il y a quasi rien qui a changé. Mais ouais. À part que du coup, c'est l'enfant, enfin, c'est le petit frère. Moi, j'ai fait l'original, du coup, version Jap à l'époque. Moi, c'est mon Nier préféré, en tout cas. C'est pas mon Yoko Taro préféré, mais c'est mon Nier préféré. Il y a une fin supplémentaire. Il y a quand même une fin supplémentaire. Est-ce qu'elle sera canon ou pas ? Elle est canon. Donc. Est-ce que t'as d'autres questions à poser ? Yannick peut te répondre. Est-ce que t'as aimé quand même, du coup ? J'avais fait répliquant, toi. T'avais fait Nier normal, par exemple. J'avais fait Nier normal. Moi, j'avais un peu détesté les phases de farm parce que je trouvais que c'était pas. Bah, non, celui-là, du coup, avec quand même le fait que ça soit remis à jour et tout, t'as des nouveaux sorts, t'as quand même des nouveaux verres. Donc, et le farm est quand même plus pesant à faire, même si bon, bah, ça reste un peu du farm à l'ancienne. Donc, tu vas bâcher du mob en boucle pour avoir tes ressources, pour pouvoir crafter tes armes, pour pouvoir après avoir tes verres. Puis après, t'as toujours le système de quêtes qui se bloque si tu fais pas le si tu les fais pas avant la première fin, etc. Ouais. Mais donc voilà, donc JRPG de Yoko Taro, évidemment. Du coup, le jeu précédent de Nier Automata dans la timeline. Mmh. Et donc le jeu suivant, Dragon Guard 1, parce que le 2, évidemment, n'est pas canon. Oui. Donc, etc. Bon, mais dans la timeline de Yoko Taro. Donc si vous avez aimé Nier Automata, allez-y. Hein, je pense que vous l'avez déjà, d'ailleurs, si vous avez aimé Nier Automata. Si vous aimez les JRPG, en vrai, moi, je conseille comme. Enfin, moi, j'avais adoré Replicant normal. Je conseille, mais. Enfin, puis là, en solde, je l'ai vu à 15 balles pendant les soldes actuels. Gros warning sur quand même, c'est que c'est un. Enfin, c'est un RPG. Ça reste un remake. On en parlait avec SMT3 Nocturne, le remake. C'est que, bah, il est remake graphiquement, pas dans le gameplay. Quoi. C'est vrai, c'est le gameplay de l'époque. Il y a eu une réorchestration des musiques, si je dis pas de bêtises, par contre. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Par contre, oui, c'est. Faut se préparer, en fait. C'est pas. C'est. Vous ne retrouverez jamais le rythme de Nier Automata, c'est ce qu'il faut se dire. Bah tant mieux. Bah, si vous voulez trouver le rythme de Nier Automata, jouez à Nier Automata. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez les JRPG et que vous voulez tester Yoko Taro, donc soit lui, soit Automata, c'est les deux plus faciles à choper, hein, maintenant, je pense, du coup. Et puis les deux plus accessibles aussi, finalement. Oui, c'est pas... bon, après Dark Rider 1, il y aura un remake, ce serait lui le plus accessible, techniquement. En vrai, si. Bah, lui, il a pas 10 000 histoires imbriquées, Dark Rider 2. Oui, non, c'est sûr. Donc voilà. Ensuite, du coup, en 6ème position, pour Sens Critique, Psychonauts 2. Que j'aurais bien aimé voir plus haut, honnêtement, pour être franc. Parce que c'est un très grand jeu, Psychonauts 2. J'ai pas fait encore. Oui. Très très grand jeu, donc suite de Psychonauts 1, hein. Étonnant. Je sais pas si quelqu'un y a joué. On l'attendait plus, mais on savait qu'il était prévu. Est-ce que quelqu'un d'autre y a joué autour de cette table? Non. Donc Psychonauts 2, alors ni répliquant, on n'a pas précisé, mais sorti partout, hein, sauf Switch. Voilà, ouais. Pour préciser, mais sinon c'est partout sauf Switch. Psychonauts 2, je crois que c'est partout tout court, si je dis pas de bêtises. C'est pas une exclue Microsoft? Ah, c'est possible. C'est une exclue, ouais. Microsoft. Et en tout cas, il est sur Game Pass, c'est sûr. Oui, ouais. Et donc, grand jeu, DA de dingo, histoire de dingo, musique de dingo, gameplay de dingo. Enfin, c'est du platformers très old school aussi, hein, finalement. Mais si vous aimez le 1, vous l'avez déjà acheté. Si vous n'avez jamais fait le 1, c'est un peu dur, c'est un peu vieilli. Bah, le 1 est sur le Game Pass. Hein. Ouais, mais voilà, c'est juste en termes de jouabilité, c'est un peu vieilli, malheureusement. Voilà, Psychonauts 2, très grand jeu, très grand platformer, ultra psyché, ultra deep, ultra quatrième mur. Tout ce qui a dans Sens Critique, évidemment. Quoi. Il est bien sorti sur PC, PS4, Xbox One et Series. Okay. Pas sur Switch, quoi. Pas sur Switch, quoi. Mais pas sur Switch, ouais. Mais voilà, sur PS5. Psychonauts 2, n'hésitez pas à aller vraiment checker ça. C'est pas très long, mais c'est vraiment inoubliable. C'est un très très grand jeu. J'aurais mis plus haut, perso, mais bon, écoutez. J'irai même plus loin. Hein. Globalement, les productions de Double Fine, vous pouvez y aller. Il y a des jeux avec des concepts assez particuliers. Ouais, mais au moins, ils essayent. Je trouve ça cool qu'ils essayent. À Stacker ou Stack, je sais plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu jouais des poupées russes. Ouais. Qui était incroyable. Mais c'était cool, ouais. C'était vraiment très, très cool. C'est totalement un jeu à concept. Ah, mais c'est vraiment des jeux à concept, hein, les Double Fine. Hein. On continue de monter dans le classement à la 5ème position avec Deathloop. Qui a fait énormément parler de lui à la sortie pour après être oublié quasiment le lendemain, on va pas se mentir. Après, Sens Critique n'oublie pas. Sens Critique n'oublie rien. N'oubliez pas ça d'ailleurs, vous non plus. Deathloop, moi personnellement, je l'ai pas fait. J'ai vu de loin un peu des gens y jouer, un peu en stream. C'est un genre de roguelite aussi, je dis pas de bêtises un peu, non? Non, il y a un système de boucle temporelle en FPS où plus tu fais des boucles, plus tu as des gens à les choper ou autre, des conneries du genre. Il y a un multi dedans, j'ai vu, ouais, mais c'est pas vraiment asymétrique, ça l'est un peu, mais pas vraiment. Enfin, c'est particulier. Moi, de ce que j'en ai vu, je ne l'ai pas fait encore, mais c'est prévu. Quand ouais, c'est sorti, c'était un jeu qui était spécial, hein. C'était un jeu qui était super attendu. Ouais. Il était super attendu. Le jour où c'est sorti, on en parlait partout. Et après, il a disparu direct. Il y a quand direct, même une bonne fanbase à la base. Enfin, il y a de ce que j'en ai vu, le truc est quand même solide. Enfin, ça reste quand même... C'est Arkane Studio, ouais. Ceux qui font Dishonored. Donc ça reste quand même un jeu qui est très solide, il y a beaucoup d'idées, repris d'Edishonord. Oui, clairement. Le Blink, tout ça. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'effectivement, il y a eu des pures notes quand même. Hein. Il y a eu des 18, non, 19, des 20, je crois qu'il y a un 20 sur 20 qui traîne, même JV peut-être, ça se trouve. Ce qui est depuis Windmaker n'était pas arrivé. Et c'est vrai. Et ouais, enfin, tout le monde est en mode c'est trop bien, c'est le meilleur jeu. Tous ceux qui jouaient disaient c'est le meilleur jeu. Mais du jour au lendemain, on n'a plus tout entendu parler. Quoi. Je trouve ça assez fou. Il y a un truc qui est sorti. Il a dû se faire voler la vedette. Hein. C'est possible qu'un truc soit sorti juste après ou autre, mais j'arrive. Parce que c'était début d'année plutôt, si je dis pas de bêtises, Deathloop. Mm-hmm. Plutôt début d'année, première moitié d'année, premier semestre. Ou cet été même d'ailleurs. Mais bref. Donc il s'est vite fait, malheureusement, oublier. Après, peut-être que le concept, du coup, une fois que tu as fait le jeu, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup de rejouabilité malgré le multijoueur. C'est possible également. Bah, en fait, tu as, je sais pas, une huitaine de cibles à buter. Si tu te fais et t'as une traqueuse, enfin quelqu'un qui va essayer de te tuer, ouais. Si tu te fais tuer, bah tu reviens au point de départ, bah comme un roguelike, j'imagine. Ouais, c'est ça, mais et après tu recommences. Ouais. En fait, t'as une journée que tu vis continuellement tant que tu tues pas tout le monde et que tu découvres pas la vérité sur pourquoi t'es dans une boucle temporelle, quoi. Ok. Il est sorti le 14 septembre 2021. Ah ouais, pas du tout au début d'année. Donc je sais pas trop ce qu'il y avait pu avoir derrière, de tête comme ça en tout cas. Mais la Deathloop, du coup, c'est quand même une excellente presse. Si vous l'avez pas fait, ça a dû bien baisser de prix déjà, je pense, un peu partout, même sur PC. Puis c'est encore plus si t'as pas fait de Dishonored. Là, tu vas découvrir des mécaniques parce que le problème, c'est que tu vois, si t'as fait Dishonored, il y a des pouvoirs que tu vas revoir, quoi. Oui, genre après, la téléportation. Est-ce que c'est vraiment très grave? Quand c'est bien. Quand c'est bien. C'est un peu la phrase du jour, mais vraiment, mais quand c'est bien. Puis si vous avez pas fait Dishonored, n'hésitez pas à aller faire. En vrai, c'est vraiment des grands jeux pour le coup. Les deux et demi, parce que du coup il y a le spin-off. Enfin, c'est pas spin-off, c'est plutôt un. Enfin, c'est la suite en fait. Hein, ce... Oui. Bref, ensuite on remonte, on va enfin chez Nintendo, en exclu. Mais par contre, remake, hein, Super Mario 3D World, Bowser Fury. Donc moi j'ai pas fait le remake, j'ai fait la version Wii U à l'époque, donc j'ai pas fait Bowser Fury. Moi c'est un Mario 3D que j'avais adoré. Donc Mario 3D, un peu vue isométrique. On peut jouer jusqu'à 4 en même temps, et ça c'est quand même cool. La coop est vraiment géniale, il y a des petites phases de plateforme assez cool. C'est un Mario 2D, 3D. C'est un 2.5D. Voilà, faut pas s'attendre à un 3D comme Mario Galaxy ou Galaxy ou Sunshine, voilà. Évidemment. Pour ne citer que les 3D, évidemment. Non, on n'a pas cité Galaxy 2. Ouais, bah non, parce qu'il n'existe pas a priori pour Nintendo. Donc, ouais, c'est vrai. Mais voilà, 3D World, en tout cas, ça reste un jeu avec par contre une musique incroyable, très jazzy, OST de Fou Furieux. Puis gameplay, enfin, malgré tout, j'ai adoré le gameplay de A à Z. Je l'ai fait à 100% sur Wii U, je l'ai refait en 100% en coop. Bowser Fury, il paraît que c'est vraiment bien. C'est un peu Dragon Ball avec Mario Super Saiyan. Bowser Fury, il permet de commencer à imaginer un Mario 3D open world. Ah, genre Odyssey. Pas vraiment comme Odyssey. Parce qu'il y a eu en 3D aussi, hein, malgré tout. Ben, le truc, c'est que Odyssey, il est semi-open world parce que t'as les niveaux qui sont open world, ouais, mais tu changes de niveau. Ouais. Là, Bowser Fury, t'es vraiment sur une grande map générale. Ouais. Donc c'est vraiment open world et tu vas aller toi-même d'un point à un autre, d'un objectif à un autre. Et après, tu as aussi le principe qui donne son titre, la Bowser Fury, ouais, qui va changer le type de gameplay où au lieu d'aller chercher des objectifs, tu vas devoir plus ou moins te cacher des attaques de Bowser pour aller essayer de récupérer quelque chose qui va le calmer. Enfin, ça amène vraiment quelque chose de sympathique. Okay. Et je comprends qu'il est sorti à côté du remake de 3D World parce qu'il n'est pas assez gros pour sortir son jeu. Il dure combien de temps à peu près, si tu as une idée? Oh, pour finir le jeu, ça se fait en moins de 10 heures. Ouais, okay, ouais. Moins de 10 jeu, heures ouais. Large, quoi. Et après, il y a toujours possibilité de vraiment faire le 100%, mais ça ajoute pas vraiment beaucoup plus de trucs. Mais j'ai trouvé assez intéressant à regarder. J'y ai pas joué, j'ai regardé. Et j'ai trouvé assez intéressant, justement, sur le principe d'open world. Et ça permet d'amener des concepts qu'on a plus ou moins l'habitude de voir dans les open world, mais qu'on voit pas forcément dans les Mario. Ouais. Des concepts de... alors, plus ou moins du backtracking. Ouais, je vois. Ou des zones qui sont temporairement inaccessibles. Il y avait un peu ça dans Odyssey d'ailleurs, déjà, un petit peu. Et certaines lunes que tu ne pouvais pas faire tant que tu n'avais pas certaines choses, etc., etc. Ouais, mais dans Odyssey, c'est plus du des points d'avancée. Oui, c'est vrai. Là, finalement, comme dans 64 aussi, où des moments se débloquaient plus tard. Voilà. Là, c'est vraiment, il y a des points qui sont accessibles à un moment, puis tu vas faire un autre truc. Tu reviens, c'est plus accessible, tu vas faire un autre truc. Et ça, c'est pas que ça débloque, c'est que c'est plus ou moins en fonction des moments. Voilà quoi. Ok, bah, c'est cool. Bah, si, bah, après, ça a bien marché, un quatrième sens critique. Et ça pourrait être bien que du coup, ça donne une impulsion à Nintendo pour partir là-dessus sur le prochain. Ouais. Parce que, imagine un Mario Sunshine où, au lieu d'aller dans les différents endroits, tu puisses aller directement et que tous les soleils soient accessibles. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Franchement. Bah moi, je suis chaud, hein, si c'est bien fait, comme d'hab, hein, je suis chaud. Donc ça donne envie, en tout cas. Moi, c'est vrai que j'ai pas fait du coup Bowser Fury. Mais la partie 3D World, moi, j'avais adoré, en tout cas, il n'y a pas de souci. Mais après, on peut, peut regretter, plus que reprocher, un truc à 3D World, c'est que, comme tu disais, c'est un remake. Ouais. Et comme beaucoup de jeux Nintendo sur Switch, quoi. Ouais, bah ça. Après, encore une fois, la Wii U, c'est assez peu vendu. La Wii U, c'est assez peu vendu. D'un côté, c'est que voilà, moi, par exemple, la plupart des remakes, je les avais déjà fait sur Wii U. Ouais. Bah, du coup, effectivement, je les rachète pas sur Switch. Mais tant pis, je les ai déjà fait. On attend encore le portage de Twilight Princess et Wind Waker sur Switch. Hein. Ah, ça. Si pouvait être moins Nintendo, lumineux, si tu nous entends. Si pouvait être moins lumineux, Wind Waker, je dis pas non. Twilight Princess aussi, parce que c'est censé être crépuscule, c'est quoi. C'est vrai. mais voilà, donc après, voilà, c'est les remakes là-dessus. C'est, au moins, ça permet à des gens qui n'avaient pas. C'est bête, hein, parce que les gens qui s'en plaignent, c'est ceux qui n'avaient pas encore joué et qui les achètent au final. Ouais, mais du coup, pour un remake d'un jeu qui était déjà sorti, qui était déjà un remake. Enfin, c'est à moitié le prix un remake, qui peut être un problème. Par le prix peut poser. Effectivement, je suis d'accord. Quand il n'y a pas d'ajout. Bah là, effectivement, Bowser Fury, bon, est-ce que ça, évidemment, ça vaut le prix, on ne sait pas. Mais bref, voilà, on pourrait parler aussi de Twilight Princess HD, qui a fait, évidemment, ou même des 3 Mario 3D qui avaient des problèmes d'émulation, etc. etc. Voilà, Nintendo ont des gros soucis, on va dire, un peu éthiques là-dessus, sur un peu, bah, finalement. On s'en bat les couilles, les gens le demandent, donc on le fait. Tant que les gens achètent. Mais d'un côté, on demande des F-Zero, ils n'en font pas, donc des fois, on se demande vraiment s'ils écoutent les gens. mais bon, voilà, Nintendo, en général, malgré leur merdier, on finit tous par acheter comme des gros cons. Ah bah oui. Et finalement, on kiffe aussi tous. Voilà. Hein, donc, First Day. Voilà, ouais, Nintendo. Hein, même. J'ai acheté la compil Mario. Hein, moi aussi, j'ai acheté Mario. J'ai tout 100%. Pourtant, hein. Je savais que c'était des émulateurs cachés. J'étais là. Non, après, c'est pas ça. C'est pas forcément l'émulateur caché. C'est en plus qui laisse les problèmes d'émulation et tout déjà existants. C'est vraiment ça le problème. Parce que après vendre des émulateurs officiels, si c'est vraiment développé officiellement pour que ce soit vraiment 100% fidèle comme il faut et tout, pourquoi pas. Bon, là, ils ont quand même, sur la compile, ils avaient quand même des problèmes que les émulateurs indés à côté avaient réglés depuis des années. Quoi. Bon, ça, c'est dommage. Bon, voilà. C'est quand même chaud. Nintendo a ses torts, ça, on est tous d'accord. Après, je les pardonne pas. Ils ont patché. Ils ont patché derrière, ils ont écouté. Mais voilà, malheureusement, c'est le jeu. Hein. Tous les éditeurs de jeux vidéo ont malheureusement leur tort. Hein. Oui. J'en connais très peu d'irréprochables. Et Nintendo n'étant pas les pires, en tout cas, niveau traitement des employés. Ou alors, on ne le sait pas. On ne sait pas. Ça se trouve, je vais faire call-out dans 6 mois parce qu'on aura découvert des choses. Donc après, attention, n'oublions pas que ça reste une entreprise japonaise avec les... Voilà. C'est pour le Japon, ils n'ont rien fait de répréhensible. Voilà. C'est exactement ça. Avec la culture de travail au Japon. on continue de monter, on reste en chez Nintendo et ça va faire plaisir à quelqu'un autour de la table. Bah, c'est Metroid Dread. Alors ça va faire plaisir, j'aurais aimé. Oui, malheureusement. Metroid Dread, troisième. Ouais. En tout cas, quand même, le public a plutôt aimé. Ouais, la très, très, très, très bon. Ça, je dis pas le contraire. Juste des petits points qui m'ont posé problème et qui m'ont un peu, pas forcément gâché l'expérience, mais. Voilà, et c'est difficile d'en parler sans spoiler parce que c'est des points d'histoire qui arrivent sur la fin et qui, pour moi, sont juste pas cohérents avec le reste de la saga complet. Okay. Ce qui pose un peu problème quand c'est vraiment l'épisode suivant qu'on attend depuis presque 20 ans. Quoi. Oui, parce que Dread, il intervient quand ? Dread, c'est le dernier chronologique, donc après Fusion. Ok. Donc voilà, il est... Et c'est du coup problématique. Okay. Mais c'est la fusion. Et du coup, sur le gameplay, par contre, sur le gameplay, il est c'est un jeu qui est très très nerveux, qui va vite, mais qui va jamais trop vite pour le joueur. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Le quand tu joues, tu t'adaptes assez facilement à la boucle de gameplay et aux différentes commandes. Samus peut faire énormément d'actions, beaucoup plus que dans les autres jeux. Ça, je reviens pas du tout là-dessus. Par contre, le problème, quand Samus peut faire énormément d'actions, c'est que ça te demande d'appuyer sur pas mal de boutons en même temps, on n'a que deux mains, quoi. Je vois, ouais. Et j'y ai pas joué avec la manette pro. Ouais. J'y ai joué en mode portable, J'y ai joué, non pas en mode portable, mais avec les Joy-Con sur la manette. Ouais, classico, voilà. Quoi. Mm-hmm. Voilà, et c'est pas forcément super pratique des fois, on doit appuyer sur des gâchettes, des boutons et les sticks en même temps. Enfin, compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Et un truc que je reproche au niveau gameplay, contrairement aux autres Metroid, et là, on va revenir sur le débat qu'on a eu tout à l'heure sur les roguelites et les sauvegardes. Il y a globalement des checkpoints à toutes les salles. Quoi. Ah oui, d'accord. T'as pas le stress trop de mourir parce que finalement... Mais Metroid, c'est... Enfin, jusqu'à maintenant, Metroid, c'était tu meurs, tu reviens à la sauvegarde. Ouais. Et du coup, dès que tu vois une zone de sauvegarde, tu sauvegardes parce que tu sais que voilà. Il n'y aura pas avant un moment, quoi. Là, le truc, c'est que tu meurs, tu reviens à ton checkpoint qui est bien souvent avant que tu rentres dans la salle. Ouais. Ce qui en soi est cohérent avec les ennemis. Donc, c'est les ennemis qui vont te pourchasser dans le jeu et qui littéralement te one-shot. Ça, c'est beau. Voilà. Enfin, tu as une chance de pouvoir parer leur attaque. Mais, oui, heureusement. Parce que sinon, mais globalement, ces ennemis-là, si tu les touches, ils te one-shot. Et donc, j'aurais du mal à voir le one-shot avec le système où si tu meurs, c'est la sauvegarde. Oui. Le seul problème, c'est que pour un jeu qui s'appelle Dread, donc la frayeur et tout ça, tu te fais one-shot, tu as juste perdu du temps parce que tu reviens au début de la salle. Ouais. Et tu n'as pas la frayeur. Enfin, tu l'as au début, la frayeur. Ouais, après, c'est plus ce côté pression d'être... Il y a des gens qui pourraient témoigner du fait que sur les premières salles, quand tu entends les ennemis, tu n'es pas super bien, tu traces ou tu fais demi-tour, mais plus ça va et plus tu te rends compte que ça va juste être ennuyant plus que vraiment effrayant. Et c'est pas en mode ça te fait plus peur parce que tu vois l'évolution de ton personnage et comme ça fait d'habitude sur les Metroid. D'habitude sur les Metroid, tu as des ennemis qui au début te font peur parce qu'ils arrivent et ils t'enlèvent la moitié de ta vie quand ils te touchent Et quand tu reviens, après, ils t'enlèvent beaucoup moins de vie proportionnellement à tout ce que tu as et tes armes peuvent les buter plus vite. Là, dans tous les cas, ces ennemis-là, tu ne pourras pas les buter. Donc, ils restent overpowered tout le long du jeu. Sauf que si ils te font plus peur, c'est juste parce que si tu te fais toucher, ça va juste te retarder. Et ouais, ça va. Voilà. Et du coup, ça transforme un peu le Metroid en try and die. Ouais. Et je comprends que ça puisse plaire. Je comprends qu'il y a des gens qui ont adoré ça, qui ont trouvé que c'était une bonne évolution du gameplay ouais. Metroid. Parce qu'ils trouvaient justement que la mort qui ramenait à la sauvegarde précédente, c'était beaucoup trop punitif. Mais pour moi, ça faisait partie de la saga aussi. Si on veut au niveau gameplay. Ok, je suis d'accord. Et puis il y a les trucs d'histoire. Ouais, ok. Pour rebondir, c'est marrant que tu parles de la frayeur, mais en fait, du coup, dans la manière dont tu l'expliques, ça me fait beaucoup penser à des jeux comme Outlast ou des trucs comme ça, où finalement, en fait, au début, tu as vraiment peur parce que le jeu va te mettre des jumpscares et les courses poursuites t'angoissent. Ouais. Mais en fait, plus tu avances dans le jeu, plus tu te dis, ok, je suis habitué à ça, donc j'ai plus peur en fait. À la limite, moi, je sais que moi, ça me faisait angoisser parce que je déteste être poursuivi dans les jeux vidéo. Et par exemple, c'est le cas qu'il y a eu avec les deux derniers Resident Evil. C'est que c'est deux jeux qui misent beaucoup sur leur intro et toute la première partie du jeu. Mais dès l'instant où tu commences à avoir plus de compétences et trucs comme ça, effectivement, en fait, le côté frayeur, il n'existe plus. En fait. Il est inexistant et du coup, ça rend caduque en fait, l'intention première. Je pense que ça doit être comme ça aussi. Il y a un peu ça. Et... Après, le truc, c'est que les courses-poursuites, elles sont toujours là. Et c'est toujours sympathique quand tu peux revenir pour tuer l'ennemi qui était one-shot, parce que là, il y a vraiment une inversion du chasseur de la proie. Sauf que, non seulement tu t'habitues, mais en plus de ça, comme je disais, avec les checkpoints, tu t'habitues, et même si tu ne t'habitues pas, tu ne vas pas être plus désavantagé que ça. Quoi. Mm. Là où, peut-être dans un Outlast, j'y ai pas joué, donc je ne sais pas trop. Tu peux sauvegarder tout le temps. Tu peux sauvegarder tout le temps. Okay. Mais il y a des checkpoints, une sauvegarde automatique globalement au début de la zone. Donc en fait, c'est un jeu qui joue pas sur la peur de mourir, mais c'est la peur de l'ambiance, de voir les monstres, etc. Finalement, c'est pas une peur de gameplay, c'est une peur de mise en scène. Quoi, oui, voilà. Dans l'idée. Ce qui est un peu différent, mais du coup, de ce que tu recherches dans Metroid aussi. Quoi. C'est un peu ça. Et après, pour rester sur le gameplay, je ne l'ai pas trouvé aussi bien équilibré que les précédents. Ouais. Parce que là, c'est en 2D en tout cas. Ouais, ouais. Parce que sur la fin, on avait des ennemis, des mini-boss qui tapaient à 300 points de vie le coup de base. Et derrière, tu avais un boss qui, quand il tapait, te faisait 50. Quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y en a un, c'est un mini-boss, l'autre c'est un boss. Et... L'équilibrage. Ah. Voilà, et des mini-boss comme ça, ils en mettent parfois deux dans la même salle. Ouais. Okay. Alors oui, il y a du challenge. Il faut que ce soit équilibré. Mais encore une fois, il y a du challenge, mais si tu meurs, tu reviens à la salle précédente. Oui, aussi. Oui. Donc il y a du challenge, et c'est pour ça que j'ai dit que ça va vraiment transformer en try and die. J'ai vu des gens sur Twitch faire le boss de fin, ils en étaient à leur 60e essai. Ouais. Et à chaque fois, tu avances un petit peu plus loin. Moi-même, le boss de fin, je l'ai fait en plusieurs essais, etc. Mais encore une fois, ça n'a pas l'aura des boss de fin précédents. Okay. Globalement, tu voyais leur pattern. Ils ne te faisaient pas forcément, très mal. Si, quand même. En plus, ils te faisaient plutôt mal, mais... Tu pouvais apprendre leur pattern pendant le combat. Là, c'est plus délicat et c'est tu apprends leur pattern d'une fois où tu es mort à la fois suivante, et tu avances petit à petit, mais c'est pas aussi gratifiant. J'ai trouvé que c'était pas aussi gratifiant. C'est important quand même ressentir. Du coup, Yannick va quand même faire une transition tout trouvé pour le numéro 2 parce que c'est Resident Evil Village. Malgré pourtant pas forcément la grande presse ni le grand amour du public, hein. Pas en mode nul, mais pas en mode non plus le grand jeu du monde, mais deuxième de sens critique cette année. Ce qui me surprend. Resident Evil Village, est-ce que tu l'as je me souviens plus si tu l'as fini ou pas encore. Oui, si, je l'ai fini. J'ai même donc t'es le seul ici, je dis pas de bêtises, autour de cette table à avoir fait Resident Evil 8. Qu'est-ce que tu en as pensé? On a déjà parlé un petit peu d'ailleurs, je crois, dans un podcast. Oui, j'en avais parlé, ouais, je crois, dans un demi-minute. Ouais. Il y a un petit moment, bah, quand j'avais fini, je crois, que ça devait être fin d'année dernière. Et globalement, en fait, le jeu n'est pas mauvais, il est même bien. Ouais. Dès l'instant où tu pars du principe et que tu respectes la note d'intention de Capcom, qui est que ce n'est plus un Resident Evil 7 sur la frayeur, donc qui misait vraiment sur une mise en scène sur la peur et des trucs comme ça. Mais c'est un Resident Evil qui mise sur l'action. Et en fait, dès l'instant, avec des moments de frayeur. Et en fait, dès l'instant où tu respectes cette note d'intention-là, le jeu est clairement beaucoup plus sympathique à parcourir parce que ce que tu vas rechercher, c'est pas de la peur, c'est surtout comment survivre. Ok. Parce qu'en fait, Resident Evil... C'est plus un jeu de survie qu'un jeu de peur, du coup. Ouais. Parce que clairement, Resident Evil Village, tu le commences, pour pas trop spoiler, mais c'est vraiment dans la première heure de jeu, tu commences le jeu, t'as direct tu rentres dans le village, du coup, et en fait, tu vas avoir toute une zone close et une tonne d'ennemis. Pour l'avoir fait en difficile, en tout cas, une tonne d'ennemis, j'ai dû tout finir au couteau. Ok. Sympa. J'ai fini un des premiers boss du jeu au couteau aussi, tellement que j'avais plus de munitions et que j'avais mal géré à un moment. Et en fait, faut vraiment bien gérer ses ressources, plus que dans les autres opus, je pense. Ouais. Et globalement, non, le jeu est sympathique. Après, en termes d'histoire par rapport au reste de la saga, t'as son lot de cohérence et d'incohérence. Resident Evil, quoi. Enfin, là-dessus, je pense que c'est pas là-dessus qu'on ira reprendre Resident Evil. Hein, c'est ça, clairement. C'est pas forcément ce que recherchent les gens, je pense, en y jouant. Oui, clairement. Et puis après, en vrai, le jeu est très, très sympa à parcourir. Le scénario, il se tient. Il y a des petites incohérences, des petits trucs. Tu te dis, ça passe pas si bien quand c'est expliqué à ce moment-là du jeu. Franchement, moi, préférée, c'est le 6, donc j'ai rien à redire là-dedans. Hein. Enfin, vous pouvez réécouter le podcast qu'on a fait spécialement Resident Evil, parce qu'il y en a quand même un, malgré tout. On a été jusqu'au 7, du coup, il n'y avait pas le 8 encore. Donc n'hésitez pas. Et pareil, tu vois, pour moi, le 6, c'est un de mes préférés, et pourtant, il est détesté par tous parce qu'il y a la campagne de Jake. Puis surtout, il est très action. Il y a des mouches zombies, il y a des dinosaures zombies. Bah, après, je peux l'entendre, mais c'est des patates de russes dans des zombies. Donc finalement, c'est pas si mal. Quand on y réfléchit. C'est ça. Non, mais oui, après, voilà, Resident Evil, c'est toujours une saga qui est très, très décriée dans les fans dedans. Hein. La première trilogie est la mieux, la troisième trilogie est la mieux. On dirait Star Wars, franchement. C'est ça, trois trilogies très différentes, chacun préfère sa trilogie. Et on préférait la vue de haut, on préférait la vue de derrière, on préfère le FPS. Et bah malheureusement c'est le jeu, et a priori on pense que le 9 sera toujours en FPS. Oui, c'est clairement logique dans leur continuité. Et du coup, est-ce que le 8 est vraiment une suite au 7? Oui, ou est-ce que c'est une suite officielle. Et pareil, vu comment se conclut le 8, tu comprends pourquoi il y a un 9. Mais est-ce que c'est aussi induit que dans le 7, où c'est vraiment sur la fin et un peu avec des indices qui te disent que c'est la suite des autres? Ou est-ce que c'est un peu plus prononcé dès le début que vraiment c'est la suite? C'est prononcé dès le début. Ok. De toute façon, non, mais okay, le début, c'est pas la continuité directe, mais c'est t'as une scène tout au début qui est d'ailleurs jouable en plus. Ah. Et qui est en deux. T'as la fois en cinématique et tu peux jouer un peu. Et en fait, dès le début, de toute façon, tu es mis dans le jeu directement. Ok. Bah, c'est bon à se prendre. Qui est direct une suite. Donc si on a aimé le 7, il y a quand même des chances qu'on ait aimé le 8. Oui. Ok. Oui, clairement. Okay. Et graphiquement, le jeu est vraiment joli. Ça a l'air joli, ouais. On peut partout, de toute façon, sur Switch pour continuer là-dessus, malheureusement. Ouais, ouais. Mais pour du coup, l'avoir fait sur série X, même l'aspect gothique, moi je sais que c'est un univers qui me parle plus. Ouais. Et là, c'est très gothique. Je vais dire Castlevania, mais je cherche londonien, Roumanie, ouais. Tout ça. Ouais. Ah, oui. Côté roumain, enfin. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre Dracula, tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Et ça marche très, très bien. Les vampires, tout ça. Les vampires. Ok, et deuxième sens critique en tout cas, Resident Evil 8, hein, donc assez étonnant. Et donc, quel était le meilleur jeu 2021? Moi je ne l'ai pas fait, mais on me l'a offert à Noël. Et c'est vrai que beaucoup de gens l'ont venu en haut de top, c'est It Takes Two. Ah bah, le GOTY, quoi. Le GOTY, hein. Est-ce que quelqu'un l'a fait autour de la table? Non. Donc moi j'ai vu pas mal, je ne veux pas me spoiler, on me l'a offert à Noël. Donc, jeu coopératif, uniquement en coop, pas le choix. Ça c'est cool, un jeu coop qui te force à le faire à deux. Ouais. C'est un parti pris parce que du coup, c'est-à-dire qu'il faut forcer les gens à jouer en plusieurs et tout, avec local ou en ligne évidemment. Jeu assez court, pareil, il paraît que c'est vraiment incroyable en termes de mécanique de coopération. J'ai pas eu l'occasion de le lancer encore là. Je l'ai sur PS5. J'ai vraiment hâte de le tester. Il paraît que du coup, ouais, tu dis local ou quoi, ou en ligne. Mais il paraît qu'en ligne, enfin, tu perds pas mal par rapport. Bah ouais, parce qu'a priori, il y a quand même. Enfin, paraît que c'est vraiment le. Ça a vraiment été pensé pour jouer local. Avec, Et après, c'est tout niveau de jeu aussi. C'est les devs de A Way Out. Oui. A Way Out que j'avais moins aimé déjà. Là, je pense que c'était un coup d'essai. Et a priori, là, ils ont vraiment bonifié la coopération. Si c'est même pas eux qui ont fait Brothers aussi, Tales of Tucson. Je crois que si. Hein. J'ai un peu plus préféré Brothers déjà. Ils connaissent bien le principe. Ils aiment bien la coopération. Ils aiment bien jouer entre potes. Et est-ce que moi, je vais essayer de me le faire assez simplement sous peu avec ma copine, du coup, qui joue pas du tout aux jeux vidéo, enfin très peu. Il paraît que ça a été pensé pour ça. Et a priori, c'est vraiment pensé pour ça. T'es pensé pour jouer avec des gens qui connaissent pas, avec deux personnes qui ont pas le même niveau. C'est ça, et donc ça c'est intéressant donc, de pouvoir du coup. Sans que ce soit frustrant ni pour l'un ni pour l'autre. Quoi. Ouais, et donc j'ai bien hâte de voir ça, de voir comment ça va avancer. Et du coup c'est vraiment. C'était vraiment bien cool. Dans une année où on a beaucoup parlé de l'accessibilité, des jeux vidéo. Débat compliqué, on fera peut-être un podcast sur ça un jour, parce que ça mérite vraiment de prendre le temps et de pouvoir en parler entre deux trucs comme ça. Voilà, It Takes Two premier, et je pense qu'il peut mériter sa place de premier. Pour ne pas l'avoir fait en tout cas, mais ça a l'air vraiment bien. Et pourtant, il en prend deux. Incroyable, n'est-ce pas? Ça, c'est magnifique. Bravo. Bravo. Donc, je vais vous demander, est-ce qu'il y aura des jeux vidéo que vous auriez fait cette année, ou des trucs liés aux jeux vidéo cette année, qui vous a marqué, que vous aimeriez aborder rapidement, ou est-ce que vous voulez qu'on passe à la suite? Ben, est-ce qu'il y a quelque chose? L'arrivée en France de The Great Ace Attorney. Ah, bah évidemment. Voilà. Quoi d'autre? Voilà. Donc, on est trois à y avoir joué ici. The Great Ace Attorney. On en a un peu parlé à la sortie de toute façon de ce podcast. On est évidemment trois très grands fans autour de la table de la licence. Eric s'y met doucement. Ça y est, il l'a acheté sur Switch, la trilogie. Ah. Ouais. Donc, ça, c'est beau. Bientôt. Hein. Bientôt, tu seras un fan comme nous. Oui. Donc, très, très grande licence. Ace Attorney, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Ace Attorney, Ben, du coup? Ace Attorney, c'est un visual novel simulation d'avocat. Voilà, c'est très bien expliqué. Sorti initialement sur GBA au Japon, ouais. Chez nous en premier temps, du coup, sur DS, avec les 4 premiers, pas dans l'ordre, mais avec les 4 premiers. Oh, ils ont sorti le 1, le 2, le 4, le 3. Voilà, exactement. Ensuite, du coup, 5 et 6 sur 3DS uniquement en anglais, en démat. Également, le crossover avec Professeur Layton. Sur 3DS en français parce que c'est le Level 5 qui s'en occupe. C'est ça, c'est à mon avis le Level 5 a dit français ou rien. Hein. Oui, évident. Évident. Nous on cherche à choper les fans de Layton. Ouais. Layton ils le font en français. C'est ça. Et sur 3DS au Japon, c'est sorti Die Great Saiban. The Great Ace Attorney. Qui se passe à l'époque victorienne. À l'époque victorienne, donc c'est l'époque de l'ouverture des frontières du Japon. Donc l'époque où on a à la fois des katanas et des bagnoles. Voilà. Vraiment, c'est pas de la fiction. Hein. C'est vraiment pas de la fiction, non, c'est ça qui est quand même fou. Hein. On tient à le rappeler que ça existait. Hein. Ouais. C'est la même époque que sont que Demon Slayer actuellement, notamment quasiment. Enfin, voilà. C'est l'ouverture des frontières, l'ouverture, la mondialisation du Japon. Là, le Japon avait jamais été autant entre tradition et modernité. Hein. C'est vraiment le meilleur moment. Et donc l'époque également où finalement avocat, ça n'existe pas. Vraiment. La justice. La justice n'existe pas. N'existe pas, genre, vraiment. Des jurés. Attendez, quoi? Bon, des jurés qu'on a perdu dans les Attorney. Hein, ils sont revenus en arrière derrière. Et finalement, c'est redevenu un truc à la mode dans le 4. Mais bref. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de Great Ace Attorney? Pourquoi ça t'a longtemps marqué, etc. etc. Ah bah, ce qui m'a marqué surtout, c'est qu'enfin, on l'a. Ouais, hein, ça marche. Déjà, ça suffit. Hein. On l'a enfin, après je sais plus combien d'années où Capcom a dit non, mais on peut pas le sortir en Occident, c'est intraduisible. On n'arrive pas à le traduire, les gars. Franchement, c'est trop dur à traduire, les gars. Ouais. Bon, du coup, on a réussi. Mais alors, du coup, uniquement en anglais. Ouais, uniquement en anglais. Pas en anglais simple. On l'avait déjà dit dans le podcast, on en parlait. Ah bah c'est. C'est de l'anglais. De l'époque. De londonien de l'époque. Hein. Donc vraiment, accrochez-vous. Hein, c'est faut pas être bilingue. Moi, je suis pas bilingue. Ça reste compréhensible, mais pas avec un niveau sixième. Quoi. Franchement, accrochez-vous un minimum. Soyez habitués à un peu lire en anglais de base, un peu couramment entre guillemets. Ouais. Parce que le jeu est quand même vraiment pas simple et il y a évidemment énormément de texte. C'est un visual novel. Même plus que je trouve dans les classiques. Après, du coup, sûrement à cause de la traduction qui doit être avec des mots très longs, etc. Je pense que ça aide. Verbeux. Et ça reste un Ace Attorney, donc le texte est long, mais il va y avoir des infos importantes dedans. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'accrocher. C'est quand même du visual novel dynamique. Donc beaucoup de choix, des phases de réflexion, les phases de procès, évidemment, ultra dynamique, ça, il n'y a pas de doute. Là, ce qui sera plus visual novel, ce sera évidemment les phases d'inspection. Et encore, même pas dans celui-là moins, avec les phases avec Sherlock Holmes, évidemment. bon, certains sont tristes de ne pas avoir la licence Sherlock Holmes. Finalement, dans les Stornis, c'est l'endroit des jeux de mots. Donc, de base, pourquoi ils n'ont même pas fait ça de base, presque. Enfin, voilà, donc toujours pareil. Traduction bonne, en tout cas, c'est difficile de dire qu'elle est mauvaise quand on n'est pas déjà en natif anglais. En tout cas, moi, je trouvais très bonne la traduction. Bonne, pour pas dire très. Largement compréhensible. Moi, j'ai rien relevé qui m'aurait choqué vraiment à l'œil. Voilà. Pour l'instant, j'ai fait que le premier, j'ai pas encore fait le deux. Pas non plus. j'ai pas pris le temps. Mais parce que ils sont très longs. Hein. Parce que justement, ils sont sortis les deux sur la même. Voilà. Vous achetez les deux d'un coup, vous pouvez pas les acheter indépendamment. En démat uniquement en France. Ouais, bon, du coup, j'ai chopé en boîte. Si vous voulez en boîte, faut importer. Vous pouvez sans boîte et l'anglais dessus dans les deux, dans tous les cas. Faut importer. Comme pour la trilogie d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez choper la trilogie, il y a le français dessus, même en boîte. Donc c'est bon move si jamais vous voulez tenter de la choper. Mais du coup, vous payez. C'est 60 euros les deux jeux. 60 euros, c'est les deux jeux. Sachant que sur l'eShop, il est tombé à moins 50 il n'y a pas longtemps. Donc il commence déjà à tomber en promo. Et oui, il les vaut. Ils sont si vous ne connaissez pas ce tournis, commencez plutôt par la trilogie originale. Ouais. Qui sera déjà en français. Qui vous aidera. Plus accessible. Et puis du coup, il y a quand même pas mal de. C'est intéressant un peu le ping-pong que ça peut faire avec le présent. Parce que du coup, c'est un ancêtre du héros de ce tournis. On est sur des références qui ne sont pas obligatoires. Qui font des petits clins d'œil sympathiques. C'est cool à voir quoi. Voilà. Donc voilà, si vous connaissez pas la licence Storny, la trilogie Switch, PS4, PC, peut-être pas Xbox. Je me demande même s'il est pas dans le Game Pass ou une connerie du genre. Et très souvent à moins 50%. Ouais, mais là, tu l'as payé combien? 8 euros, je crois, pendant les soldes. Non, je payé 15 balles. Pour 3 jeux. 15 balles pour 3 jeux. 3 jeux. 5 balles de jeu. Voilà, 5 balles de jeu. Ils sont tous excellents, donc n'hésitez pas. Ouais, n'ayez pas peur que du textuel. Franchement, ça se fait vraiment bien. Ouais. Capcom, si vous nous entendez. Hein, ouais, Capcom. Petit trilogie 4, 5, 6. Voilà, on aimerait bien 4, 5, 6. Apollo Justice trilogie. Vous connaissez Apollo Justice, je crois. Non, si, peut-être. Je suis pas sûr. Et puis, il s'attendait 7. Ouais, allez, tant qu'à faire. Et donc voilà, Grace et Sotorny, donc on est trois à avoir joué ici, Yannick, Ben et moi, on avait déjà parlé de toute façon. N'hésitez pas, vraiment, c'est du grand. Si vous aimez Sotorny, enfin, n'hésitez pas. Évidemment, vous êtes à l'aise à l'anglais. Oui. Vraiment, n'hésitez pas. Ça fait quand même beaucoup de barrières. Hein. Après, ils se plaignent que ça se vend pas bien. Oh. Après, il y a eu une bonne com dessus quand même, hein, donc ouais, c'est cool. Est-ce qu'il mieux vaut pas des barrières comme ça que comme quand on leur a fait remarquer qu'il y avait des fautes dans la traduction, ils ont fait OK, donc, on ne traduit plus alors. C'est vrai. C'est une vérité finalement. Finalement. Ah, on est nul. Bah attendez, vous aurez plus de français. Ah bah d'accord. Allez. Ah, ok. Ça, ah, les Français se plaignent. C'est un peu extrême. Quoi, ouais. Mais bon, c'est un peu comme Eric qui pourra arrêter de trop sortir à de sortir tout court. Et oui. Voilà. Bravo à lui. Autre chose, Ben, cette année que tu aimerais évoquer en jeu vidéo, tu n'es pas obligé. Hein, c'est vraiment marqué. Donc si tu as réfléchi, normalement, c'est que tu as voilà, pas voilà, à le dire. Eric, des choses qui t'ont marqué cette année? J'ai beau avoir fouillé pendant 20 minutes. Non. En fait, cette année, j'ai l'impression que c'était un peu vide. T'as acheté la Switch quand même cette année? J'ai acheté la Switch, ouais. Malgré tout. Ça y est, t'as la Switch. T'en penses quoi de la Switch du coup? Ça y est, c'est ben... quoi, 2 mois que tu l'as, un peu moins? Comment? Un gros mois que tu l'as là? Ouais, la 11 décembre, un truc comme ça. Ouais, ouais, donc un gros mois, effectivement. Alors, j'aime beaucoup la console. Le problème pour moi, ça a été les manettes. En fait, ouais, elles sont pas ergonomiques pour moi, tu vois. Et j'ai même eu peur de les abîmer en fait. Ouais. Pourtant, je suis pas un mec qui pète ma manette ou qui la lance, tu vois. Donc les Joy-Con. Comment? Donc les Joy-Con, ouais, d'accord. Ouais, donc quand tu joues à Astral Chain, bah excuse-moi, mais. Tu joues en portable ou en dock? Je joue souvent en portable, tranquille dans mon lit. Non, mais et du coup, j'ai préféré acheter des manettes un peu plus. Enfin, des Joy-Con un peu plus résistantes, tu vois, pour jouer à des jeux d'action. Ok, ok. Sinon, pour jouer à des jeux, enfin, genre Ace Attorney, bah de toute façon. Voilà. Alors. Faut pas une bonne. Tu vas pas acheter un manette pad pro pour jouer à Storny, c'est un peu overkill. Exactement. Hein. Pas forcément. Mais tu vois, un Mario, ça va, tu vois. Mais dès que c'est un jeu d'action un peu genre un beat'em all, un Bayonetta, tout ce que tu veux. Putain, j'avais pas eu le souci, moi, c'est fou. Mais après, je comprends. Et ben, moi, je sens qu'elles sont fragiles et vu tout ce que j'ai lu, je préfère les laisser tranquilles, les garder pour des jeux un peu plus. Enfin, t'as raison. Faut être à l'aise quand on joue. Hein. Voilà, un peu plus calme. Et puis, si ça permet de sauvegarder le matériel, parce que bon, vu le nombre de Joy-Con qui ont dû mourir, paix à votre âme. Hein. Voilà. Initial D, tout ça. Voilà, voilà. Mais du coup, ouais, bah, j'ai hâte de pouvoir faire mes premiers jeux Nintendo. Là, je me suis acheté le Mario Paper, le prochain... Origami King, du coup, ouais. Ouais, Origami King. Et là, le prochain jeu que j'aimerais bien avoir, c'est les Zelda, en fait. Ouais, bah, ouais. Breath of the Wild, Breath of the Wild, le Musso numéro 1. Que, ah, Hyrule Warriors. Et puis l'avènement de je sais pas quoi. L'ère du fléau. L'ère du fléau. Ouais, voilà. C'est ces trois-là, juste pour Zelda, pour voir. Puis... quand il y aura les remakes Link's Awakening, Link's Awakening, Skyward Sword, les remakes celui où tu transformes en loup là, je sais pas, Twilight Princess. Ah bah oui, oh, oui, là, si un jour ça arrive, si un jour ça arrive avec voilà. Ou genre une petite console virtuelle GameCube au hasard. Et puis voilà, oui, ce que j'attends vraiment c'est ça aussi, enfin, ils sont à fond sur l'émulation, mais quand je regarde le catalogue, alors là oui, moi le jour où il y a une console virtuelle 64 Switch, notamment avec de l'online, bah déjà c'est double dash toute ma vie, premièrement, F-Zero GX toute ma vie, et puis en fait meilleur catalogue quoi, enfin au bout d'un moment. Mais en fait ce que je trouve con c'est, tu vois, ils sont à fond sur l'émulation, bon tout le monde commence à ouvrir son Game Pass on va dire. Oui, c'est vrai. Puis tu regardes le catalogue de Nintendo, bah t'es en mode bah les mecs... Bah ils ont pas de Game Pass à proprement parler, hein. C'est ouais. SNES 64 vite fait dans l'abonnement. Ouais, mais ça, c'est pas... Si tu peux jouer à ma carte SNES en ligne, voilà. Voilà, c'est à peu près mon F-Zero SNES en ligne aussi. Mais sinon y a rien de... Bah, d'attirant quoi, enfin y a pas un truc qui pète, pas genre bah je sais pas le Mario Kart double dash de GameCube ou un truc comme GameCube. Ça il y a pas de GameCube en fait, tout court. Oui je sais, mais toi ils auraient mis GameCube, non, bah alors ouais, alors banco. Et au pire s'ils ont peur que ça vraiment même alors que justement la trilogie Mario 3D, oui, était un vrai proof of concept de leur bah oui, leur émulateur GameCube, c'est donc ça, donc bon on verra bien à la longue. Et puis même s'ils ont peur de l'online, que sa concurrence, bah tu mets pas d'online, hein. Même double dash sans online je m'en ai rien à foutre, je vais jouer toute ma vie. Vraiment, ouais, j'ai aucun problème avec ça, les gars. J'espère qu'ils vont un peu porter leurs couilles et puis vraiment porter les jeux. Les jeux aussi. Justement, tout porter, tu vois, les jeux. Non, mais ouais. Tirer vers le haut ce service-là. J'adore la Switch, hein, j'achète des jeux régulièrement, vraiment beaucoup. Hein, il y a quand même beaucoup de trucs que j'aime, mais vraiment, moi, ce que j'attends, c'est vraiment une console virtuelle GameCube. Quoi. C'est vraiment la chose que ouais, j'ai vraiment. Il y a de quoi faire. Hein. Enfin, ah, de ouf. Puis moi, même plus tard, une console virtuelle, oui, à la rigueur, tu vois. Enfin, vraiment. Etc. Mais bon. C'est pas comme si les Joy-Con faisait pas un peu. Non, mais c'est ça. Enfin, voilà, genre, non, encore une fois, proof of concept, Mario Galaxy. Hein. Non, voilà, c'est ils que... ont toutes les cartes en main et puis ils jouent pas le jeu. Quoi. Parce quand je dis que. À tout hasard. Quand je dis que cette trilogie la virtuelle Mario console, même s'il veut pas l'intégrer à l'abonnement, franchement, n'importe qui est prêt à payer 20 balles n'importe quel jeu GameCube sur la Switch. Mais oui. Sincèrement. Ah, mais oui. Moi, oui, 100%. Mais moi, j'ai pas n'importe quel. Oui, j'ai acheté les Nomori Rose. N'importe quel bon jeu. Il y aura d'autres jeux que j'achèterai aussi si. Non, mais. Bref. Si vous êtes Nintendo, vous écoutez. Voilà quoi. Vraiment, les gens aujourd'hui, si vous nous écoutez, ouais, voilà. Écoutez-nous, bordel. Yannick, est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont marqué cette année dans l'univers vidéoludique? Moi, vu que j'ai fait beaucoup de jeux que j'ai commencé et pas fini. Comme tous les ans. Comme tous les ans, ouais. Non, là, je suis encore en train de poncer un peu, il y a le Endwalker, ouais, dernière extension de Final Fantasy XIV. Yes. Donc, qui est la conclusion de 10 ans d'histoire, quand même. Donc depuis la remise à niveau du jeu, ouais, sur le MMO Reborn. Le MMO acclamé par la critique et gratuit jusqu'au niveau 60. Alors, justement, ça avait été mis en pause parce qu'il y avait eu tous les problèmes de serveur, la congestion et tout. Arrêtez d'aimer notre jeu. Okay. Le non, MMO qui a vendu beaucoup trop de littéralement de en clés plus, Yoshipi se sentait trop mal parce que du coup, le jeu devait sortir fin novembre. Il y avait des gens qui avaient pris leur semaine de congé juste pour faire poncer le jeu pendant une semaine. Et il le décale début décembre. Donc du coup, Chippy, il était trop mal à l'aise. Il disait... Mais en gros, ouais, très gros morceau pour conclure 10 ans d'histoire. Donc pour le coup, il faut vraiment... alors je sais qu'il y en a beaucoup dans les joueurs qui ne suivent pas l'épopée. C'est dommage pour jouer à un jeu vidéo quand même. Bon. Et qui du coup, en fait, a quand même beaucoup de liens entre chaque extension. Il y a beaucoup de questions, des réponses qui sont données... tout au long. Ouais, c'est mieux que de donner des réponses sans questions, ce serait dommage aussi. Mais y a tu regardes Kingdom Hearts, nous on a les questions. Ah oui, ouais, mais dans ce voilà. Sens, voilà. À chaque jeu, il y a des questions. Voilà. Des beaucoup réponses de questions. Non, ça n'existe pas. Mais il y a quand même toute une conclusion sur 10 ans d'histoire quasiment. Et alors l'extension a un rythme un peu bâtard. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit ventre mou à un moment qui n'était pas ultra pertinent, ouais. Mais. Qui en fait qui aurait mérité à être beaucoup plus scindé parce que c'était des quêtes qui n'étaient pas ultra intéressantes en plus. Mais globalement, toute la fin de l'extension, c'est moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je pense que dès que je suis arrivé dans la dernière zone du jeu, j'ai fait ok, je sens que c'est la fin et je vais pleurer. Et vraiment, c'est une très belle conclusion à l'univers déjà mis en place. Donc maintenant, à voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Voilà, ok. Autre chose ou c'est bon pour toi? Non, je crois que c'est bon. Non, mais pas de souci. Moi, j'ai 2-3 petites choses quand même. Je vais commencer notamment par la PS5. Hein, du coup, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, honnêtement. Mais du coup, PS5, donc, voilà, toujours la galère à choper, hein, malheureusement. On espère que ça va essayer de revenir un peu à la normale. Et moi, je suis pas forcément quelqu'un qui est très à cheval sur les graphismes. En vrai, je m'en fous pas mal. Mais du coup, en fait, c'est magnifique. Alors là, voilà, j'ai rien à redire. Hein. Ratchet est magnifique. J'ai fait du coup la démo de Matrix qu'ils ont sorti en Unreal, assez folle, et notamment sur la génération du coup d'un monde ouvert infini. Enfin, c'est assez dingo. Voilà, des trucs du genre. Techniquement, c'est incroyable. En fait, moi, ce qui m'a surtout, voilà, c'est la fluidité. Hein. On va pas compter là-dessus. 60 FPS et les temps de chargement quasi inexistants. Ça, c'est un vrai bonheur en jeu. Et surtout, bah, la manette PS5, elle est incroyable. La DualSense. Ouais. Les triggers, donc les gâchettes adaptatives, suivant le jeu et le moment du jeu où vous êtes, elles sont plus ou moins dures, plus ou moins de friction. Par exemple, suivant l'arme que vous donnez en Ratchet, vous n'avez pas la même gâchette pour tirer. Et du coup, si on est, et du coup, c'est en haut des niveaux de puissance où il faut jouer avec la gâchette. Et ça, c'est juste incroyable. C'est tout de suite dynamique, on l'a tout de suite sous la main. C'est assez dingo. Et doublé à ça, du coup, aux vibrations 3D, donc un peu sur, comme sur Switch finalement. Ultra précise et qui donne vraiment une bonne sensation en main. À ceux qui aiment les vibrations, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas les vibrations dans les jeux vidéo. C'est fou, ça donne une immersion au jeu. C'est assez dingo. Même dans, donc j'ai fait Miles Morales également. Et pareil, c'est la manette, elle m'a beaucoup aidé dans le jeu, je trouve ça assez dingo. Donc voilà, PS5. Pas pour le parc de jeux. Parce que j'ai un peu acheté, voilà, comme je dis, sur un coup de tête, Ratchet, j'avais envie de le faire plus que ça. Et après, j'ai fait beaucoup de jeux qui étaient disponibles sur toutes les plateformes. C'est incroyable. Il y a une console qui est en rupture partout, qui est impossible à avoir, qui a des files d'attente, pas possible, et tu as réussi à l'avoir sur un coup de tête. Alors, un coup de tête qui a duré quand même deux semaines hein. Choper. Hein, mais voilà, évidemment, c'était des galères, hein, beaucoup de... Avec beaucoup de désespoir. Beaucoup de désespoir, ouais. Beaucoup de journées dans des files d'attente numériques, hein, malheureusement. Mais bon, j'ai réussi à le choper au final. Et donc, moi, il y a du coup... il y a un jeu, enfin du coup deux jeux, et un que j'ai commencé sur PS4 fini sur PS5, mais du coup il y a un jeu que j'ai fait sur PS5 qui m'a marqué aussi, bah c'est le jeu des Gardiens de la Galaxie. Mm-hmm. Je l'ai acheté parce que j'avais déjà quelques Fnac, et du coup j'ai pris des jeux PS5 parce que j'avais une PS5 et Super Mario et Mario Party Superstar, et du coup j'ai pris le jeu Gardiens de la Galaxie parce que bah j'aime beaucoup Marvel, que ce soit comics ou MCU, et je venais de faire Miles Morales. Du coup, bon, Miles Morales un peu plus de déception dedans, très court, pas beaucoup de différence avec le Spider-Man, mais bon, je suis pas là pour parler de ça. Et du coup, Gardiens de la Galaxie, en fait, à part l'annonce de l'E3 à l'époque, bah j'avais rien vu, donc j'avais pas trop à quoi attendre au jeu. Mais j'ai lancé et j'ai pris une grosse baffe. Donc c'est développé par les mêmes gars de Tomb Raider les derniers, donc chez Square Enix. Et du coup, c'est un jeu de tir à la troisième personne. Quoi ? Crystal Dynamics ? Ouais. Ah, ok. Jeu de tir à la troisième personne, action, RPG, etc., etc. Des fois même film interactif, hein, d'ailleurs. Ça, j'ai mis une vingtaine d'heures à le finir, j'ai pas platiné, mais presque. Et en fait, ça s'arrête jamais. Pas de quête annexe, pas de monde ouvert, c'est des lignes droites. Une DA de fou, une histoire incroyable, une VF de fou furieux aussi. Et vraiment, enfin, je me suis pas ennuyé une seule fois, j'avais toujours envie d'y retourner, c'est plein de références. C'est hyper bien écrit, la relation entre les 5 gardiens, c'est trop bien. On joue que Star-Lord, et moi c'est ça que j'avais peur. On joue que Star-Lord sur les 5, les autres sont des strikers, en gros, des assists. Et en fait, c'est hyper bien foutu, parce que finalement, c'est un jeu qui est vraiment centré sur Star-Lord. Même la narration, même le point de vue, tout. Ouais, donc c'est logique. Donc c'est logique, des fois, du coup, on n'a pas tous les gardiens, des fois, on n'est que Star-Lord. On voit son enfance, on voit comment il est devenu Star-Lord, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment basé sur les comics, parce que du coup, on parle énormément d'annihilation, la guerre cosmique. Et en fait, ça se passe vraiment après ça. C'est vraiment les gardiens se sont formés depuis un an à peu près. Et donc, on est vraiment encore dans une équipe qui se fait pas confiance. Drax est encore après Gamora, etc., etc. Donc, on est dans cette ambiance-là. Et en fait, on va vraiment vivre... C'est intéressant de faire des jeux comme ça sur Marvel qui se basent plus sur les comics que sur les films. Et ce qui est bien, c'est que plutôt que de genre avoir, je sais pas, un texte à la Star Wars, un encart en mode « il s'est passé ça avant, machin et tout », c'est... Donc moi je connaissais du coup Annihilation et tout, donc j'étais pas dépaysé, mais au fur et à mesure, ils aiment pas forcément du codex ou autre, c'est au cours des dialogues, qui sont bien écrits, on dit puis machin dans la guerre cosmique, moi j'ai fait ça, et du coup moi je suis machin et tout. On peut avoir des trucs beaucoup plus précis et beaucoup plus détaillés dans le codex évidemment, sur chaque personnage, mais rien qu'en écoutant juste les dialogues qui sont bien écrits, qui sont drôles, qui sont touchants, et bah on a toute l'histoire qui s'est passée avant, et on a pas besoin de se taper 10 ans de comics à l'avance. Et c'est vraiment très très cool. Les designs sont assez dingos, que ce soit les designs de base ou du coup des costumes à côté. Donc pas évidemment pas d'acteurs du MCU, hein, chacun a sa propre gueule. Plein de costumes comme dans Spider-Man, évidemment on a les gardiens de l'Apocalypse, notamment on se trouve sur des films, plein de choses du genre. Et il y a plein plein de thèmes abordés qui sont cool. On a le thème de la parentalité qui est très très présente dedans, que ce soit avec Gamora, que ce soit avec Peter, que ce soit avec Drax notamment. Il y a le grand grand méchant, ça c'est cool qu'ils soient introduits comme ça dedans. Et moi j'ai hâte de voir où ça va. Il y a même des petits clins d'œil du coup à Spider-Man PS4 dedans, donc à voir si ça va aboutir à des choses ou pas. Est-ce qu'il serait en train de nous préparer un Marvel Video Ludique Universe? Ouais, on pensait ça avec Avengers, le magnifique jeu de Square Enix. Hein. Grand jeu, hein, Avengers, c'est genre. Bref, mais voilà. Donc non, Guardians of the Galaxy, gameplay incroyable, scénario vraiment vraiment top, graphiquement c'est fou. Et vraiment, j'ai passé un énorme, vraiment très bon moment et j'ai autant aimé que Spider-Man PS4 du coup. Très bon retour pour Crystal Dynamics qui les pauvres là ont enchaîné. Même si les Tomb Raider sont pas si mauvais que ça. Non, c'est sûr. Mais ouais, qui ont eu du mal. Moi, je préfère les anciens Tomb Raider aussi. Hein, ils sont pas mauvais les Tomb Raider, mais c'est des bons Uncharted quoi. Ouais, voilà. Enfin bref, on en avait déjà parlé à un moment en plus, je crois. Et donc voilà, c'est que pour un jeu qui est passé finalement un peu inaperçu, les Guardians of the Galaxy, n'hésitez pas. Franchement, il est assez cool. Donc sur PS4, One et donc c'est PS5. Xbox, ouais. Donc n'hésitez pas si vous aimez les Marvel, c'est un très très bon jeu Marvel qui est vraiment cool. Et moi surtout, ma vraie claque de l'année, c'est Tales of Arise, le nouveau Tales of de la saga sorti en deuxième période d'année. Je l'ai fait en deux fois pour manque de temps, donc j'ai fait 40 heures sur PS4, j'ai fait 40 heures sur PS5, donc j'ai pu faire les deux. Et il est très bien sur PS4, mais après voilà, sur PS5, le ray tracing, les particules, la foison, le saut FPS et pas de chargement, j'avoue que c'est cool quand même, je vais pas en plaindre. Même si voilà, c'est sur PS4, il est incroyable aussi. Il est sur PC aussi, Xbox Series X, Xbox tout court. Et donc c'est le renouveau de la saga Tales of, donc JRPG de Bandai Namco. Et j'ai plus envie de jouer aux anciens. C'est le gameplay incroyable, la dynamique est incroyable. Jeu assez dur, les joueurs moyens. Jeu comme assez dur qui demande de savoir jouer. Et ça n'est pas de mal de temps en temps. Je crois que c'est la première fois dans toute ma vie vraiment, de jeu de JRPG que j'ai eu autant besoin de me préparer pour un boss de fin. Et ça fait du bien. Et pareil, c'est que du coup, j'ai le platiné pour le coup. Et c'est un jeu qui, du coup, pour le platine, te demande d'être level max. Et ça fait longtemps qu'un JRPG. C'est rare. Souvent, même pour faire les boss annexes, tu peux être 60, des fois aller 80 à tout péter. Ouais. Et faire niveau 100, c'est pour vraiment genre, j'adore farm mes trucs. Et là, les derniers boss, ils sont level 100. Faut que tu sois level 100, faut que tu aies les meilleures armes du jeu et il faut que tu saches jouer. Et même comme ça, KH3, Yozora, tu le fais niveau 55, 60, hein, normalement. Ah oui, mais après, oui, c'est vrai que si tu... Après, c'est vraiment plus facile. Oui. Mais il est faisable, niveau... Là, le mec en face, il c'est écrit en haut, niveau 100. Moi, je suis niveau 60, je vais pas le taper, quoi. Et surtout, c'est, encore une fois, c'est que du coup... Parce que... alors, non, j'ai failli dire à quel niveau on finit à peu près le jeu de base, mais ça pourrait spoiler un peu le temps, donc non. Ouais. Sauf qu'il y a beaucoup de plot twists. J'ai cru finir le jeu 4 fois pendant qu'il jouait. Mais vraiment, j'ai cru finir le jeu 4 fois. Yannick est arrivé à un moment où déjà une fois, il a cru finir le jeu. Et moi, j'étais en mode... Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que sur un Discord, on avait une conversation dessus. Et je disais, putain, j'arrive au boss de fin. J'ai dit ça, j'étais encore sur ma version PS4. Donc, j'étais pas vraiment au boss de fin, vraiment pas. Et ça, c'est cool, c'est qu'il relance... Déjà, il a des nouvelles idées tout le temps. Il relance sa dynamique tout le temps. Quand tu penses... En fait, t'as un climax de truc de fin. Et derrière, ça continue. Et du coup, ça s'arrête jamais, c'est trop bien. Le gameplay est donc action RPG. Ils reviennent sur ce truc du JRPG qui s'était un peu perdu dans les dernières années. Quoi. Ça, c'est vrai. Parce que tu regardes les anciens JRPG, tu avais vraiment le truc. Là, j'arrive à la fin. Oui. Bon, je suis qu'au premier CD sur 4. Je pense qu'il va se passer. Je pense que non. FF7, le plus grand des exemples d'ailleurs. Voilà. Et du coup, Tales of Arise, j'ai pris une claque, que ce soit sur tous les personnages, l'écriture des persos folle, l'ADA, le gameplay, l'histoire, les musiques. Les musiques sont incroyables. Pas que les openings, hein, vraiment les inserts, la musique de combat dans mes veines, incroyable musique de combat. Et tu dis que du coup tu en jouerais plus aux anciens. Franchement, ça va être dur de repasser au gameplay des anciens. Alors j'avais adoré Berseria, j'en avais parlé d'ailleurs dans un podcast, j'avais pas du tout aimé Zestiria notamment. J'aime bien le gameplay de Berseria, mais finalement on voit que c'est une bêta un peu du gameplay de Rise. Et s'ils sortent Symphonia sur une console virtuelle GameCube sur Switch? je me demande si Symphonia n'est pas disponible dans Symphonia Chronicles sur Switch déjà d'ailleurs, pour être franc. Mais en fait, c'est que le jeu, tu t'acceptes parce que c'est du rétro, mais en fait, ça va être compliqué parce que là, le gameplay il est méga fluide, il est méga accessible. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas un jeu qui te demande d'être ultra skillé, c'est juste d'apprendre à accepter ce que le jeu te donne de faire. Et c'est pas un jeu où il faut faire des masses d'actions et tout, c'est un peu de build. C'est un jeu donc pas facile, comme je disais. Et vraiment, moi ça m'a marqué, c'est sûrement mon Tales of préféré. Parce que tu dis, il est pas facile, mais accessible. C'est ça, en gros, c'est pas difficile parce que d'un coup, pas finalement une difficulté, c'est que si tu t'es préparé et que t'as joué au jeu, tu peux le passer. Mais c'est pas un jeu que si tu vas le rusher, et bah tu vas le finir. C'est un peu comme ce que Yannick disait tout à l'heure sur Resident Evil. Il faut accepter la note d'intention de base. C'est ça, c'est que c'est un jeu qui te demande de te donner et de l'appréhender, quoi. C'est sûr que si tu joues un peu de côté vite fait comme ça, tu y arriveras pas, ça c'est sûr. Et du coup, ça te permet vraiment d'être dedans. Et en plus, je pensais, franchement, en l'allumant, déjà après, t'as la recette Tales of qui te fait dire il va y avoir ça, les deux mondes, machin et coup, parce que dès le début, on dit il y a deux mondes, les classiques, il y a le mana, machin. Tales of, jusqu'ici, Tales of, oui. Rien de méchant. On retrouve les classiques Tales of justement là-dedans, les arts, tout ça, les manipulateurs de mana. Et en fait, au début, t'as l'impression vraiment d'avoir un chemin dessiné en mode bah, c'est bon, la fin c'est ça. Et bah, j'étais vraiment cueilli à la fin parce que c'est pas du tout ça. Et ce qui est c'est que c'est pas juste à la fin, il y a un peu de twist. C'est que tout le long, il y a des nouveaux trucs qui viennent s'ajouter qui font ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas finalement. Ah, ouais. Et non, vraiment pas. Quand même, moi, je suis arrivé au moment où Arthur s'est dit là, c'est la fin du jeu. Ouais. Moi, je suis arrivé, j'ai fait le combat, j'ai fait ok, c'est la fin du jeu là. Ouais, non, mais vraiment, tout est présent. Et pour le coup, même les héros eux-mêmes se disent ouais, c'est la fin du jeu, c'est les la gars. Fin du jeu, là, les gars quand même. Ils tournent de la caméra, tu sais, c'est la fin du jeu, mec. Hein, c'est bon, tu peux éteindre. Et limite, d'ailleurs, je crois que d'ailleurs en plus. Du coup, je termine le combat. Et là, ça continue. Je fais non, ça peut pas se passer comme ça en fait. Comment ça c'est, je viens d'en chier là. Je suis en larmes. Je me dis, ça peut être plus dur que ça. Alors vraiment. Parce que vraiment. Mais voilà. Donc, oui, c'est ça. Ça va être vraiment être plus difficile. Moi, ça a été ma première truc. Je fais oh merde. Dans la plus pure tradition des phases 2, phase 3, phase 4. Il y avait déjà beaucoup de phases. Hein, ah, ça, phase 4. Déjà, même sur FF par exemple, quand un boss passe en deuxième phase, tu fais. Enfin, oui. Quand. Dans un boss, par exemple, sur FF, tu sais, tu as des phases prédéfinies et tu te dis, bon, ok, il va mettre des TB qui sont plus durs et tout. Quand le boss t'arrive à la fin à 0% et qu'il fait, mais non, en fait, j'ai toute une deuxième partie où tu vas devoir réapprendre 5 phases, tu fais. Deuxième phase du boss final de FF13, qui se souvient. Oh putain. C'est ma dernière potion, mais il ne reste plus que 3 PV. Ouais. Allez, je la mais claque, non. Tant pis. J'ai menti. Phase 2, comment ça, phase 2 Bah d'ailleurs, ça me l'a fait dans Tales of Arise sur une quête annexe que je ne spoilerai pas, mais qui, à chaque fois, je pensais que c'était fini, ça n'était pas, et que je suis arrivé à la dernière truc vraiment complètement à poil, et c'était compliqué. Faut toujours commencer à zéro ce truc, en plus, si tu meurs, et vraiment, j'étais pas serein. Mais ça s'est bien passé, j'étais plutôt content. Mais voilà, c'est grand jeu, et si vous aimez les jeux, alors je ne dirais pas difficile, mais exigeant, c'est un truc un peu de connard de dire ça, comme les Dark Souls. Mais en tout cas, un jeu qui demande de jouer. Parce que c'est même pas difficile, parce qu'au final. Même les boss, c'est qu'ils sont longs, faut utiliser des potions, faut savoir jouer, faut se bide un petit peu, faut pas faire que taper, faut aussi jouer défensif. J'ai commencé à aller 2-3 fois certains, mais j'ai pas non plus dit au bout de 25 fois, genre putain, j'y arrive pas quoi. C'est vraiment juste, faut vraiment prendre en compte tout ce que je t'offre pour jouer. Voilà. Donc n'ayez pas peur non plus, et au pire des cas, il y a vraiment un mode facile si vous voulez faire que l'histoire. Moi j'ai joué en normal, il y a un mode difficile, je crois qu'il y a un mode extrême, mais après, au pire, lui il est vraiment fait pour New Game Plus pour le coup. Donc il y a un mode évidemment l'arme comme de sang. Et comme dans KH2 dans BBS, il y a un mode critique que un PV fait à l'adversaire. Si vous voulez vous amuser, hein, allez-y, il n'y a pas de souci. Allez, la joie. Donc voilà, vraiment Tales of Arise, si vous aimez les JRPG, que vous avez fait un Tales of ou autre, vraiment c'est un très très grand jeu, n'hésitez pas, c'est vraiment il est sur vraiment liste. Incroyable. Il est vraiment, n'hésitez pas. En plus il commence déjà à baisser pas mal, donc ouais, ouais, c'est partout sauf sur Switch comme d'habitude. N'hésitez pas. Pour citer un grand homme, c'est ouf. Voilà. Voilà, pour citer Exerve, c'est pour ouf. Citer Exerve, ça, un grand homme, incroyable. C'est ouf. On va passer au deuxième jeu qui n'est pas vraiment un jeu d'ailleurs. Oh. J'ai menti. On va essayer d'aller vite sur celui-là du coup. C'est en fait une discussion qu'on a un peu souvent, que ce soit avec Eric ou avec Yannick d'ailleurs. C'est est-ce que ce manga qui était là à l'époque marcherait aujourd'hui dans le Shonen Jump. Donc si vous avez écouté notre épisode sur Shonen Jump, vous savez qu'il y a un système de classement. Et donc que si vous êtes mal classé ou si vous ne vendez pas, vous êtes annulé. Et il y a eu des stats dernièrement où c'était 86% des séries du Jump n'atteignent pas le 30e chapitre. Ça fait mal, hein. C'est vraiment. J'avoue. Ça... Et en même temps, c'est la vérité parce que suffit de voir. Enfin, en gros, 30 chapitres, c'est 3 tomes environ. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où tu peux te faire, donc on dit axe, donc éliminer du Shonen Jump, que ce soit par les ventes ou autre, etc., etc. Et donc. Évidemment, dans les mangas modernes, il faut que ça aille vite la plupart du temps, il faut que tout de suite on sache à peu près où on aille. Et on se posait la question, et il y a eu pas mal de gens sur Twitter qui se posaient la question, est-ce que telle ou telle série du Jump, qui aujourd'hui est culte et marche de ouf, est-ce que si elle commençait là en 2022, est-ce qu'elle dépasserait finalement ce 3e tome? Et on va commencer évidemment par Dragon Ball. Est-ce que Dragon Ball marcherait aujourd'hui dans le Jump, à votre avis, avec plus ou moins, on n'a pas besoin de faire une thèse dessus, mais est-ce que vous pensez que Dragon Ball marchera aujourd'hui dans le Jump? Non. Non. Non. Ou alors faudrait qu'il commence directement à Dragon Ball Z, mais le Dragon Ball, ouais, Dragon... petit Son Goku. Ouais, je suis... Et toi, Yannick, plutôt d'accord. Après, toi, t'as pas lu, mais j'ai pas lu ni vu. Donc... Moi, franchement, Dragon Ball, moi, je suis pas sûr que ça marcherait pas, parce que on a très vite des TB, on a tout de suite à l'aventure, on est tout de suite dans du combat quand même. Ouais, mais. Mais je sais pas, j'ai l'impression que l'apparence juvénile. Ouais, on est limite sur du trop parodique. Ouais, mais par exemple, en ce moment, on a Roboco qui marche de ouf, on a Sakamoto Days qui marche de ouf, on a Witch Watch qui marche pas mal du tout. Mm-hmm. En fait, en ce moment, le Jump a beaucoup de gag manga qui marchent, même à Gravity Boys dernièrement, qui a réussi à Dishonored aussi. On a quand même pas mal de choses assez parodiques qui marchent pas mal. En ce moment, on a Ayashimon, qui est très, trop jeune pour dire si ça marchera ou pas. Ou alors, ce qui se passerait, c'est que Dragon Ball, ça marcherait, et quand ça passerait à Z, le contrat serait trop grand. Et ça c'est possible que la rupture à Z soit n'existerait pas, ouais, soit arriverait beaucoup plus tôt, ou à un moment on aurait eu un arc Goku petit, tout de suite un arc Goku ado, du coup TB contre Piccolo, puis directement Saiyan. Et on aurait eu moins de Dragon Ball, quoi. Ouais. Ça, c'est possible, par contre. C'est que ça aille beaucoup plus vite sur la partie... Genre, c'est possible qu'on ait eu une seule recherche Dragon Ball, direct genre TB ado et direct Arc Saiyan. Ou alors, si on continue sur Dragon Ball, que la rupture à Dragon Ball Z fasse que ça s'effondre. Parce que c'est possible. Quelque chose de totalement différent. Ouais, en mode on m'a trop habitué. En mode c'était du gag manga. C'était du gag manga et là on est trop sur sérieux action, quoi. Puis l'humour de Toyotaro. Toriyama, excusez-moi. Oula, ouais, ouais. Non, excusez-moi. C'était le dernier épisode. De Toriyama, je sais pas s'il passerait. Parce que alors, par contre, t'as quand même du grivois avec Tortue Géniale. Ouais, là... Dans le dernier chapitre en date, donc alors on tourne du 29 janvier, là, dans la nouvelle série Gag Manga, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui est pas très bien, il y a littéralement un mec déguisé en pénis en pleine page. Attention. Donc le grivois, on est au Japon. Hein, donc là, ouais, mais je sais pas. Mais alors, je sais pas. Je pense que sur l'humour grivois, non, mais plutôt sur le côté traitement des femmes, où ça a quand même heureusement évolué depuis. Ouais, non, Bulma, Lunch et tout. Et même tu vois, Goku qui touche. Alors, c'est un enfant, ce serait pas donné. C'est un enfant, tu vois. Mais Kame Sennin, je pense que c'est un personnage qui peut-être ne passerait pas. Il serait fait cancel ou je sais pas. Quoique, tu sais, il y en a encore aujourd'hui, donc on n'est jamais à l'abri. Mais tu vois, Sanji, finalement, il passe encore aujourd'hui. Même s'ils essayent un peu de. Un peu moins, mais quand même pas mal. Quoi. Sanji de One Piece. Ouais, ouais, mais Sanji, ils ont totalement changé. Ouais, il y a quand même encore pas. Même si là, en ce moment, ils essayent. Au vu des derniers chapitres. Oui, mais c'est pour ça que je parle de ça. Ouais. Mais donc, ouais, Dragon Ball, effectivement. Peut-être pas sous la forme qu'on en connaît. Ouais. Voilà, ouais. C'est ça la différence. Ouais. Ensuite, bah évidemment, Naruto. Oui, je pense. Naruto pense. Avec des petites différences, je pense, mais il passerait. Ouais. Je pense qu'il passerait. Ouais. Moi, je pense que même sans différence, il passe parce que, franchement, en fait, c'est con, mais l'arc de la brume, il arrive super vite. Oui. L'arc de la brume, c'est tome 3 quasiment, je pense. Et c'est littéralement 15 épisodes de l'anime, un peu moins. Bah, puis le manga, c'était un peu plus long du coup. Et non, pour moi, il passe aussi. Hein. Tout de suite, en fait, c'est tout de suite dans la vie du sujet. L'entraînement, l'école et tout, directement. T'as pas genre 10 chapitres où on est à l'école, on apprend à être des ninjas. Puis, le cadre, il est directement posé aussi. Tu sais qu'il y a eu une guerre, tu sais qu'il y a eu un démon. Enfin, tu sais qu'il y a eu un démon. Ouais. Et qu'il y a une catastrophe. Même pire que ça, tu dis, on est à l'école, on apprend. On sait qu'ils étaient à l'école parce qu'on arrive au moment de leurs examens. C'est vrai. C'est directement l'examen. Tout de suite, c'est ça qui est fort en fait dans Naruto, c'est qu'il commence directement dedans. Ouais. On te dit l'école, mais c'est directement l'examen, le bordel et toute l'aventure derrière. C'est l'arc de la brume, puis directement l'examen. L'école, jamais tu vois leurs cours, tu vois ça. Quoi. C'est ça qui est fort. Moi, je pense que Naruto. Naruto, il passe. Pour moi, il passe tout de suite. Hein. Sans déconner, il a pas trop besoin de changer, je pense. Peut-être la fin. Non, mais après, ça n'a plus rien à voir, ça c'est encore autre chose. Si tu vas continuer, One Piece. Parce que One Piece. C'est... Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi, je pense que si, parce que c'est quand même à chaque fois une invitation à l'aventure. En fait, à chaque fois, ça Mais franchement, Romance Dawn et du coup, East Blue, il n'y a pas beaucoup d'îles différentes, ni de trucs très de l'aventure. Alors, en vrai, même sur un truc plus terre à terre. Le style de dessin du début, je pense qu'il passe pas à l'heure actuelle. Je suis d'accord. Effectivement, le style de dessin de Oda sur les premiers tomes, il passe pas à l'heure actuelle. Après, il y a des choses un peu plus moches qui marchent, mais je suis d'accord. Et même, je pense que le côté un peu trop on s'amuse, là pour le coup, qui tranche un peu avec du jeu, alors que Dragon Ball, ça reste enfantin, c'est un enfant. Là où ça se veut sérieux, peut-être que ça passerait plus aujourd'hui. Sauf que le début, il est quand même assez lent. Hein. Puis l'arc de Baggy, finalement, il se passe. En vrai, jusqu'à Arlong Jusqu'à Arlong Park, chaud. C'est compliqué. Hein. Jusqu'à Arlong, c'est. En fait, c'est que des. Après, c'est des mini-arcs, donc c'est run and gun, ça pourrait plaire. Ouais. Mais finalement, à part recruter des gens, c'est un peu. Ça se passe pas tant de choses que ça, quoi. Parce que Arlong Park, c'est tome 13. Non, c'est tome 12. Ouais. Donc, tu vois, c'est long. C'est loin. C'est loin. C'est super loin. Parce que le premier gros arc, c'est Alabasta, c'est tome 13. Donc, tu vois. Ouais, Alabasta, c'est. Dans le désert, Crocodile. Hein non, non. Non, Crocodile. Crocodile, première fois qu'on voit Nico Robin. Ouais, Nico Robin, etc. Ouais. L'arc Baroque Works a commencé avant. Oui, oui, c'est Alabasta, ça. C'est oui, la... c'est, voilà. C'est la conclusion, si on veut. Quoi. Ouais. Non, ouais, One Piece, je pense que ce serait compliqué pour lui quand même. Ouais, je pense qu'il passe. Je pense qu'en fait, si vraiment il réussit à durer, il aura très vite recruté rapidement ses personnages pour tout de suite partir ailleurs. En fait, ouais. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus dans le rush. Et pas sûr que du coup, les chapitres qu'on a aujourd'hui soient des trucs à très longuets comme on a. Je pense que ça aurait un manga qui serait, ça se trouve, peut-être déjà fini, avec beaucoup plus droit au but. Ouais, les recrutements, recrutement beaucoup plus rapide, parce que je me rappelle pour Usopp. Ah bon, après, moi, c'est des arcs que j'adore, mais encore une fois, je sais pas si aujourd'hui ça passerait quoi. Enfin, vraiment, le recrutement d'Usopp, ça m'a saoulé. Ah, moi, j'adore cet arc. J'adore l'arc. L'arc d'Usopp, je trouve incroyable. Ils ont des très bons thèmes, hein. Chaque arc a des très bons thèmes. Ah non, mais en fait, moi, je les trouve géniaux. Moi, c'est pas le but de l'exercice. Hein, c'est que. Mais vraiment. Je suis allé sur celui de Nami à l'époque. Celui de Nami, il est. Surtout, justement, Arlong Park. Il est fou. Arlong, c'est vraiment le gros début, quoi. C'est là où tu sais que t'es dans du sérieux. Voilà. Ouais. Jusqu'à maintenant. Ah si, il y a quand même. Arlong, va déjà avant avec le Barbossa. Enfin bref, l'arc de Sanji. Le combat final Zoro. Ouais. Ah oui, avec Mihawk. Mihawk. Ouais. Là aussi, tu commences à avoir des choses aussi. Ouais, mais Arlong Park, de toute façon générale, c'est ce qu'a lancé One Piece, hein, de toute façon. Arlong Park, on avait déjà à l'époque. Hein. Et puis ça mène de gros thèmes. Enfin, le racisme homme-poisson. Ouais, c'est la première fois qu'on a peur de la mort. Voilà, et tout, vraiment. Nami un peu esclave. Ouais, c'est très très fort. Puis tout passer de Nami, ou etc. Quoi. Voilà, quoi. Donc, non, je suis C'est assez tard, quoi, par rapport à la publication. Bleach. Ouais. Moi, je pense. Je sais pas, j'ai pas lu. Pour moi, c'est impossible qu'il passe. Impossible. Tu penses que c'est impossible qu'il passe? Ah, à cause du début, peut-être. On a, franchement, l'arc Soul Society, c'est genre tome 10. Tome 6 ou 9. Ah, moi, je l'ai vu, j'ai pas lu. C'est pour En lecture, c'est super long tout le début quand il est encore Shinigami à mi-temps. Ouais. Et franchement, ce début, il est méga long. D'accord, ouais, parce que c'est une saison en. Ouais, mais c'est en même épisode, hein, c'est 30 épisodes. Oui, c'est méga long. L'épisode, il se fait rétame pendant la première saison. Parce que par contre le premier chapitre où est ultra efficace, il est méga efficace. Le pilote, il est méga méga fort. Ouais. Mais par contre, je suis pas sûr que ça suffise pour que derrière on se dise en fait, c'est que tu sais pas vraiment où ça va aller. En fait, il aurait dû raccourcir quoi. Bah, à l'époque non, la preuve. Non, mais je veux dire si aujourd'hui, ça a été maintenant. Aujourd'hui, pour moi, c'est genre dès le début, il faut que Rukia fasse ses limites capturées par Aizen et puis. Puis chapitre 3 direct quasiment. Ouais. Et puis c'est parti. Hein. Mais du coup, t'as pas le temps de voir Orihime, t'as pas le temps de voir Chad, Ichida, etc. Mais pour moi. T'as moins le temps de construire. Mais en fait, c'est comme dans tous les mangas de Japon en ce moment, c'est que le début est ultra rushé. Et une fois que ça commence à être posé, là, il prend le temps de finalement un peu de revenir sur des choses avant. Quoi. Même pas flashback ou juste de réexpliquer des trucs. Naruto et les flashbacks. Flashback. Lui, il a pas besoin pourtant, mais bref. Mais ouais, c'est très run and gun maintenant. Hein. Faut que vraiment tu. Par contre, une fois que t'as saisi et que t'es un peu en truc de croisière, on voit Witch Watch par exemple qui se lâche un peu. Ayakashi Triangle, l'auteur de To Love Ru, qui a lâché son Ecchi pour enfin parler de vrai shonen. non, mais c'est vrai. Après, l'auteur, c'est pour ça qu'il marche. Hein. Kentaro Yabuki, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est qu'une fois qu'ils ont atteint tome 4, 5 et qu'ils arrivent à être middle un peu tranquille, quoi. Bah là, ils peuvent commencer à faire des choses qui leur plaisent vraiment en ce moment. C'est pour ça que voilà, je ne voulais pas de ça. Et là, on va passer sur du plus vieux, City Hunter. Alors, ça, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Compliqué. Déjà, le City style. City Hunter post-MeToo. Déjà, je suis d'accord. City Hunter, sur le côté ça, c'est compliqué. Ouais, ça l'aurait en fait, pas trop moi, fait. Même dans les thèmes tout court et dans le style de dessin, le jump, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, se dirigerait sur un truc aussi réaliste et aussi noir. Il l'a remis dans un CNN du jump. Quand on voit que le style de Bleach a drastiquement changé entre Shonen Rock et Dr. Stone. Oui, alors le character design, notamment. Parce que le style, le character design qui a rien à voir, et parce qu'il faut se coller au jump. Ouais. Pour moi, City Hunter, peut-être pas sur l'histoire, parce que l'histoire finalement, elle a ses run and gun. Mais par contre, sur le style et sur les thèmes abordés, je pense que c'est ultra compliqué. Un peu trop mature pour le jump. Mmh. Bah. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, il va directement en Jump Plus ou en Giga, voire même chez Usha dans un autre de leurs magazines destinés à plutôt d'adultes. Ouais. Et enfin, Okuto no Ken. Waouh, alors Okuto no Ken. Alors si c'est si tellement... Tu as été trop mature pour le jump, Okuto no Ken, il passe pas. Ouais, bah, il passe pas un chapitre. Du tout. Alors ce qui est fou parce que sur ces chapitres, même pas alors que pourtant chapitre. Sur les chapitres, on sait où on va dès le début. Et je pense que sur l'histoire, lui, pareil, il irait nickel. Mais par contre, ouais, sur le style de dessin, je pense que ça passerait plus du tout, quoi. Ah non. Ah non. Puis c'est, enfin, on pense surtout au combat, mais en fait, Okuto no Ken, c'est quand même vachement déprimant. Il y a une, tout un côté psychologique. Ah bon. Non mais tout le monde dit, tout le monde parle des combats, mais ça. Parce que. Mais en fait, c'est ultra. Très abusé quoi. Enfin, ah bah oui. Enfin, le héros principal, pour moi, il est dépressif chronique avec tout ce qui est censé lui arriver. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la violence physique, mais c'est un manga hyper violent au niveau psychologique. Bah ouais, ouais, clairement. Et au niveau de l'univers quoi. C'est... Puis donc... à chaque fois qu'il y a une lueur d'espoir, en fait, elle se fait, mais genre démontée par le mec d'à côté, quoi, que ça soit un punk à chien ou un. C'est Rémi sans famille, mais avec de la MMA, quoi. Ouais, voilà, non, mais c'est ça. Exactement, enfin, bien résumé, quoi. Ou un grand méchant, tu vois, enfin, vraiment. Putain, j'ai regardé ça adolescent, j'ai adoré, mais j'étais en mode, putain, faut pas regarder ça quand t'es triste, quoi, vraiment. Non, c'est le cas. Ou alors la version française. Oui. Ouais, voilà, mais moi, j'ai fait mon kéké puriste et j'ai regardé les deux animes, quoi, et les films. Oui, t'as bien. Mais non, je suis d'accord avec vous. Et ben voilà, c'était le dernier. On en refera peut-être d'autres, un de ces quatre, hein. Je voulais pas trop en mettre, c'était tester un peu le jeu, là. Mais je trouve que c'est intéressant un peu de. J'arrive à faire un deuxième épisode sur le jump, hein, j'avais déjà dit la dernière fois. Voilà, je trouve ça intéressant de voir finalement ce qui aurait pu marcher. Et inversement, on pourra peut-être faire l'exercice inverse. Est-ce qu'un manga récent aurait marché à l'époque? Toujours compliqué de se mettre à l'époque. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais. C'est ce que compliqué, ça. Voilà, on verra plus tard. Donc, du coup, pour continuer, on va continuer sur le top manga du coup de Sens Critique. Les mangas. Sens, le top manga Sens Critique, si je dis pas d'utilité, c'est par rapport aux ventes. Je sais plus comment je l'ai chopé ça. Mais je crois que c'est les ventes de manga. Oui, ça, c'est les ventes librairie. Top ventes manga. Dedans. En 10e position, il est encore là. Il était déjà là l'année dernière. C'est Haikyuu. Il bouge pas. Au Japon, c'est pareil. Haikyuu, manga de voler du jump. Beaucoup de jump, hein, évidemment. Quasiment que de la Shueisha dans le top manga, comme tout le temps, en fait. Ouais, bah, oui. Mais c'est pareil au Japon. Hein, donc, c'est plus là-dessus. Ça, c'est, franchement, à quelque chose près par rapport au Japon, c'est les mêmes ventes. Donc, c'est bien. Donc, Haikyuu, 10e. Toujours là. On a déjà parlé énormément dans le manga d'Haikyuu. Excellent manga de volet terminé maintenant. Donc voilà, on va pas revenir beaucoup dessus. Mais n'hésitez pas, l'anime est disponible chez Wakanim et le manga chez Kaze. Et terminé, ça y est. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est très très bon. Si vous aimez, et en plus, c'est une belle porte d'entrée pour les mangas de sport. Je sais que Yannick aussi ici adore. Donc faut que, n'hésitez faut pas. Il faut toujours que je revoie la troisième et que je commence dans la sa quatrième. Ouais. En neuvième, pareil, il a, depuis qu'il sort, et pourtant il a un rythme de parution vraiment dégueulasse, c'est Kingdom. Kingdom, grand manga qui fête sa 16e année de parution, ça y est. Wow. Bah oui, Kingdom, c'est plus de 100 tomes, hein, etc., etc. C'est énorme, c'est très long. Ouais. Déjà, en fait, en France, en l'espace de 4 ans, on a publié quasiment 70 tomes, je crois. Ouais, c'est tous les mois, ils en sortent deux. C'est assez fou. Donc pareil, Kingdom, hein, on a déjà un peu parlé. Grand manga, c'est incroyable. Faut être accroché, c'est manga sur la guerre. Donc voilà, ça ressemble un peu à Arslan, si vous voulez comparer, évidemment. Mais c'est sur... Si vous avez vu le film, c'est les Trois Royaumes. Oui, exactement. Et ça se passe à un peu près à la c'est même ça. Époque. Donc Kingdom, légende là. Enfin, légende. C'est chez Meian, je crois. C'est un éditeur du oui, genre. Oui, c'est ça, Meian. Ouais. J'ai un doute. Mais voilà, Kingdom, n'hésitez pas. C'est très long, c'est pas fini, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais neuvième, donc c'est que. Alors, donc, honnêtement, je pense que c'est le cumul aussi des tomes qui jouent. Sur la 5e position des ventes, parce que forcément, si en 4 ans tu sors 70 tomes, forcément le temps de rattraper, ça fait beaucoup de ventes. J'avoue. Je pense que ça joue, honnêtement. Même si la qualité n'a rien à revoir avec après, ça. Je pense que le fait que la série soit arrivée sur Netflix aussi. Après, elle est dégueulasse, mais. mais oui. Elle est sur Netflix. Mais elle est sur Netflix. Netflix et ouais. Généralement, quand oui, ça oui, passe non, par Netflix, il y a une. Parce que, voilà, on parle beaucoup de Wakanim. Oui, non, mais voilà, le mainstream, le grand c'est public, Netflix. On en parle beaucoup. On a fait un épisode dessus, ne va oui, oublier oui. D'ailleurs. Et en huitième, là, on va pouvoir en parler un peu plus parce que je crois qu'Yannick l'a lu également. Bah, c'est Spy Cross Family. Ah, j'ai eu du Shueisha également, évidemment. Mais carton au Japon, hein, vraiment l'un des plus grands mangas en ce moment. Anime cette année, anime humoristique, ah ouais un petit peu d'action. C'est incroyable, Spy Cross Family. Franchement, j'ai été ultra surpris parce qu'au début, moi, je m'attendais à un truc rigolo, un peu rigolo avec. Bah, c'est rigolo. C'est très rigolo. C'est très très drôle. C'est rigolo. Par contre, quand ça y va, ça y va. Quand ça s'est posé des bases dramatiques. Ça y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. C'est... Pour faire un mini résumé, en gros, ça se passe pendant une fausse Seconde Guerre mondiale dans deux faux pays. C'est genre à l'équivalent de ce genre de la Britannia dans Code Geass, tu vois. C'est pas du tout la Grande-Bretagne. pas et du coup, tout c'est... inspiré de la réalité. En gros, c'est une Allemagne divisée en deux. Enfin, c'est une sorte d'Allemagne divisée en deux. Il y a l'Est et l'Ouest. Mm-hmm. Et en gros, le héros est un espion. Chercher tout ça. Bah, c'est fou. Hein. Et le héros est un espion qui doit du coup s'infiltrer en gros dans la tête de la milice du coup locale, donc des méchants pour eux, et du coup un peu des nazis. Et pour ça, il doit passer par son fils. Et donc pour ça, il doit devoir créer une famille de toutes pièces. Et donc il va avoir une fille qui est dans les pensées et une femme qui est une tueuse à gages. Sauf que personne ne sait rien de personne. En gros, la femme ne sait pas que son faux mari. Alors, ils savent que c'est une fausse famille, il n'y a pas de souci. Que son faux mari est un espion. Le mari ne sait pas que sa femme est une tueuse et que sa fille lit dans les pensées. Mais du coup, la fille, elle, pour le coup, c'est tout. Parce qu'elle lit dans les pensées. C'est tout. J'allais dire si la fille ne sait pas. Ouais, c'est bizarre, et mais... ils ont aussi plus tard un chien qui lui aussi est particulier, vous verrez. Chien incroyable. Et vraiment, c'est que des situations du genre. Et du coup, quand il y a de l'action avec des trucs un peu d'espionnage, il y a souvent des situations improbables. Parce que la fille, elle est horrible. En gros, c'est une école de méga bourge. Et elle vient du coup de la pauvreté. Elle a eu des expériences sur elle et tout. Et surtout, elle est méga débile. Vraiment, c'est incroyable. Elle a des expressions faciales vraiment folles. Et c'est dessiné de ouf. Il y a un rythme incroyable. En plus, c'est bien, c'est du gag manga, pas basé forcément sur le texte. Donc, il n'y a pas non plus tant de texte que ça. Contrairement à du Skate Dance, du Witch Watch, ou même du Dr. Slump. Hein. Et là, c'est très dans les faciès, dans les situations. C'est hyper fluide. Et en plus, on est quand même pris. Et il y a beaucoup de moments très, très émouvants. Donc, non, vraiment, Spy x Family, gros coup de cœur. 6 tomes déjà en France, hein. 10 au Japon. Et donc ça continue, et ça continue de se vendre de ouf. Et l'anime vient cette année, donc si vous l'attendez l'anime, ça sort cette année, fin d'année plutôt je pense, si j'ai pas de bêtises. Sûrement. Et donc j'espère que ce sera bien adapté. En général, les gags manga, il y a peu de chances que ce soit pas bien adapté, donc j'ai hâte de voir ça en tout cas. Mais c'est vrai que c'est très bien, c'est disponible chez Kurokawa chez nous. Et j'ai révisé ce coup-ci, c'est fou. Hein. Wow, ce que j'ai dit, tu t'es pas encore trompé. Sur... Le pas encore est important, je pense. En fait, c'est le jeu d'Arthur, là, on compte le nombre de fois. C'est ça, on peut. 7ème position, évidemment, Chainsaw Man. Toujours Shueisha. Ah oui, pareil. Donc Chainsaw Man, partie 1, du coup, terminée chez nous, chez Kaze. Oui, c'est ça, en fait. Ça s'est terminé au Japon aussi. Et ils ont dit c'est la fin de partie 1, partie 2. Et partie 2 n'a pas encore repris au Japon. Voilà. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et donc Chainsaw Man, grand manga. Alors, moi, je suis pas très fan, donc je vais pas trop en faire des éloges. Je crois que personne n'a lu autour de cette table, si j'ai pas de bêtises. T'avais pas lu le premier tome, toi ? J'ai lu le premier tome parce qu'on l'avait eu en service de presse. Ouais. Et donc, grand, l'anime sort cette année. Non, pas de date. L'anime sort chez MAPPA. Enfin, un truc très. C'est sur cette année. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de date exacte, mais c'est possible. Ce sera sûrement cette année. On a vu des trailers, donc ça veut dire que c'est pas cette année dans tous les cas. Laissez-les respirer, les pauvres. Ouais, non, mais. Bref, donc pareil, si vous voulez attendre l'anime, vous attendez l'anime. Mais du coup, c'est quelque chose qui est un peu très très punk. C'est l'auteur de Fire Punch, que j'ai pas très aimé non plus d'ailleurs. Ouais, c'est un peu. Fire Punch, c'est. Voilà, c'est un peu trop religieux à mon goût sur la fin, en fait, du coup. Peu dommage, alors que le principe de base est pas mal. Chez Kaze également, c'est fini en assez peu de tomes, c'est 8 tomes. Il y a une intégrale qui est sortie il y a pas longtemps d'ailleurs chez eux. Chainsaw Man, du coup, toute la partie 1 est disponible. Maintenant, faut attendre la partie 2 qui sort, je crois, courant d'année aussi. Et donc, je sais que c'est quand même pas mal acclamé, beaucoup de gens adorent. Donc, si vous voulez attendre l'anime, allez-y. Sinon, vous pouvez tenter déjà de lire. Ce qu'il y a, c'est disponible du coup sur Jump Plus. Donc, les premiers chapitres sont disponibles, les 3 premiers, si vous voulez vous faire un avis. Comme Spy Family et comme IQ d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Sergent Chainsaw, c'est possible que ce soit déjà en français sur Manga Plus, mais c'est pas sûr. One Piece, 6ème, évidemment. Hein, One Piece, on présente plus, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Bon, en fait, il n'y a pas beaucoup de tomes de One Piece qui sortent par an, malgré tout. Non, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, avec One Piece, beaucoup de gens sont à jour. Le coffret, c'est pas tant vendu que ça. Et du coup, One Piece, maintenant, en cumulé, en fait, c'est toujours le cumulé. C'est que Chainsaw a eu un boost, Spy x Family vient de sortir. Et IQ, ça a des boosts tout le temps. Donc ça, c'est encore différent. Alors que One Piece. La plupart des gens qui font la série sont déjà à jour. Après, il y a de plus en plus de gens qui rattrapent. Il y a le pass culture, mais c'était sous 2020. On avait vu ça un peu. Ouais. Donc, One Piece, après, quand même 6ème. Hein. Après, quand on voit les premiers, on sait pourquoi, on verra après. Mais ouais, One Piece 6ème. Hein. Ça se maintiendra toujours, ça reste. Du coup, j'ai une bonne idée de ce qui est dans les premiers. Et du coup, on va tout de suite passer. Alors, One Piece, bien sûr, chez Glénat. Tome 100 vient de sortir. Il n'y a plus vraiment besoin de présenter. Voilà, et si jamais le pack 12 tomes, si vous voulez commencer, c'est pas mal pour commencer. C'est un c'est pas plus cher, je crois. Et puis vous avez déjà 12 tomes et un petit pack, donc n'hésitez pas. Moi, je l'ai pris par exemple pour enfin commencer la collection. Oui. Yannick également. Ça ira jusqu'au moment où on disait tout à l'heure que ça commence. Voilà. 5ème, My Hero Academia. Aïe. Donc voilà, évidemment, le Shonen Hype. On est sur la fin. Ça y est, au Japon. On n'en parlera pas parce que plus avec Yannick, on en aura le cul. voilà, enfin voilà. On est un peu les seuls quand on en parle à dire ça. Donc... Je pense qu'on doit être les seuls. Non, malheureusement, voilà. My Hero Academia, pareil, on n'a plus besoin de présenter. Disponible chez Kiun. quasiment à jour, tome 30 sorti chez nous, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, ouais. 31. 31 même, possible. Ouais. Donc de toute façon, ça finira en moins de 40 tomes. Donc ça, on est dans le dernier arc, de toute façon, c'est fini d'ici cet été. Lisez Vigilante. Ouais, Vigilante, donc le spin-off serait bien, on avait parlé aussi déjà dans un podcast. Donc voilà, My Hero Academia, 5e. Ça, par contre, c'est beaucoup de rattrapage, je pense, parce qu'il y a moins de tomes. Il y a eu l'anime cette année, malgré que ce soit la pire saison qu'on ait eu, parce que c'est les pires arcs du manga, tout simplement. Mais bon. Et il y a eu le film au Japon, et peut-être que ça a remis la hype, et il vient de sortir chez nous seulement. Ouais. Donc voilà, World Mission, le film. C'est déjà trop tard, parce que c'était des séances uniques partout, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Quatrième, évidemment, Jujutsu. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Ouais, j'avais oublié. Bah, pareil, un boost de l'anime. Mais pareil, il a déjà eu tellement de boosts que. Après, du coup, il y a encore Jujutsu qui rattrape, visiblement. Mais voilà. Le boost de série terminée. Boost de série terminée aussi. Hein. C'est vrai, chez nous, ça y est. Il finit chez nous en manga en publié. Oui, je crois. Je crois que le dernier tome est sorti. J'avais un doute. Ouais. Okay. Il est sorti en novembre, je crois. Et, ok, possible. Et du coup, c'est le boost. La série est terminée. Fini, les gens rattrapent tout. Série terminée, puis Netflix. Puis l'anime, Netflix, la hype de Attaque des Titans, etc. Donc voilà, c'est un cas pareil, on ne présente plus. Hein. Je pense que la plupart des auditeurs écoutent. Disponible, là je vais me tromper, c'est sûr. C'est chez Pika Édition. Merci bien. J'ai failli dire qui, tu vois. Bonjour, Eric. Donc voilà. Shingeki no Kyojin. Il a regardé sur son téléphone, je l'ai vu. On a. Quoi? On enlève des points. On est trois à connaître la fin ici, donc évidemment on vous spoilera pas et on ne donnera pas notre avis. Je la connais aussi. Ok, on va tous la fin. Et de tête, on partage tous le même avis. Voilà, on n'a pas envie de gâcher aux gens. Ce serait dommage. On en parlera peut-être une fois l'anime fini. On fera peut-être un spécial SNK et encore. On est tous du même avis, donc je suis pas sûr que l'intérêt soit. En fait, voilà, on est tous du même avis. Il n'y aura pas de gros débat, quoi. C'est ça. On verra. Et si l'anime finit? Finalement. Après, ça va très vite là, hein, de ce que j'ai on vu. Sait, on sait pas si la saison finale sera la finale ou pas, malgré son nom. Mais normalement, d'après les leaks, normalement, ça finit pas. Voilà. Quoi? Oui, les leaks, on dit que ça finissait pas. Mais what the fuck? Bah, normalement, il y aura un film derrière. Quoi. Ah, d'accord. Ah, le pognon. Le film final, ça marche bien en ce moment. Ouais. Enfin, bref, ça, on verra bien. Les leaks, c'est toujours à prendre avec des pincettes, les leaks, évidemment. Après, s'ils prennent plus de temps pour faire le film, ça peut un peu les soulager. Ça. Bah, oui. Non. Attends, et là, ils ont encore Chainsaw Man. Non, mais c'est pas encore sorti. Ouais. Oui, mais c'est encore en prod. Ah, mais ils ont pas qu'une seule team chez MAPPA. Oui, non, mais je pense qu'ils ont pas qu'une seule team. Mais, j'espère pour eux. Entre ça, entre. Ils ont dû recruter en masse. Mmh. C'est pas possible. Jujutsu Kaisen. Sachant qu'ils ont fait Jujutsu Kaisen. Ouais, mais il y a pas de saison 2 annoncée pour Jujutsu Kaisen. Puis il y a le film. Bon, ouais, il est déjà prêt. Le film est déjà sorti. Il est déjà sorti, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Après, ils font des animes toutes les saisons, MAPPA. Comme tous les studios. Mais bref. Troisième, évidemment, Tokyo Revenger. Grosse claque de cette année en anime. Là, c'est le boost de l'anime à 100% chez. C'est Glénat, j'ai failli dire une bêtise. Ouais. Moi j'adore Tokyo Revenger. Ouais, que ce soit l'anime ou le manga, c'est très très bien. C'est un système en gros. Toi, t'avais pas vu ou lu toi avec Tokyo Revenger, non, Eric? Non, mais je crois que je connais le synopsis. Mais je vais pas. Surtout avec le je crois, déjà j'ai pas trop envie de lancer dedans. Ouais. Non, Tokyo Revenger en gros, c'est un mec qui promène dans sa vie à 30 ans, ex-petit loupard de son bahut, quoi. Barlou. Et il va se faire renverser par un train. Et en fait, il va finalement se réveiller quand il était au lycée. Ouais. Au milieu de tout ça. Et en fait, il va apprendre que sa meuf de l'époque s'est fait tuer. Ouais. Et en gros, il va essayer. Ça va être des systèmes un peu de retour dans le passé qui vont influer le futur. Et comment on change l'avenir. Et c'est vraiment incroyable. Donc, pas mal de bastons assez rudes. Isekai dans le passé. Du coup, c'est dans pas un passé Isekai parce que c'est pas un autre monde, du coup. Ah oui, dans le passé de sa vraie vie. La nuance, elle est importante. En fait, et surtout, il se réincarne pas. C'est juste qu'il était dans le passé, il peut revenir dans le futur. Et, en fait, il y a plein de ping-pong. C'était histoire de. Mais non, mais t'as raison. Voilà. Maintenant, on voit que des isekai partout. Non, mais t'as raison. Mais je sais plus pour quelle analogie je t'avais fait le. Oui, on avait parlé, mais c'était en off, on parlait de. Je sais plus de quoi on parlait. C'est un tome 1 qui était sorti. De Oshinoko. Oui. Mais on va en parler juste après de Oshinoko. Mais non, c'est pas un isekai Oshinoko. Donc Tokyo Revenger, ouais, c'est le boost de l'anime, hein, disponible chez Crunchyroll, 24 épisodes, saison 2 cette année. C'est disponible chez Glénat, déjà 17 tomes, je crois, à date. Ah ouais. C'est très bien. Et ça continue, hein, c'est 26 tomes au Japon. Au Japon, pareil, c'est top 3 aussi. Gros explosion. Vraiment, c'est l'explosion de cette année, Tokyo Revenger. C'est un peu comme Erased, en fait. Ouais, on peut plus comparer Erased. Mais du coup, en plus shonen que Erased. Oui, déjà. Plus, même si c'est très dur aussi. Hein, dans Tokyo Revenger, on n'hésite pas à tuer des gens, etc. D'ailleurs, le cliffhanger de fin de saison est assez incroyable. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le manga. Tokyo Revenger chez Glénat, n'hésitez pas. Et en anime chez Crunchyroll. Et je crois Wakanim aussi possible, maintenant que tout est partout. De toute façon. Deuxième, évidemment Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, c'était premier l'année dernière, donc pas trop de doute, hein. Reboost cette année avec, l'anime. Et le film. Le film également, puis ça n'avait pas baissé depuis le premier, vu que ça arrivait sur Netflix, disponible chez Panini Manga. Tome 20 vient de sortir, pour le coup ça je suis sûr, j'ai lu hier soir en plus. Donc voilà. Voilà, bah, Demon Slayer pareil, on n'a pas besoin de trop en reparler. Non, c'est ultra connu. La saison 1 est disponible sur Netflix, la saison 2 est disponible chez Wakanim et Crunchyroll. Et Ren Yeager, tout ça, quoi. Ouais, et le AI, c'est eux, évidemment. Donc voilà, donc Demon Slayer, on n'a pas besoin de présenter. Numéro 2, c'était sûr. Et numéro 1, évidemment, tu disais tout à l'heure, Jujutsu Kaisen. Ah, gros boost depuis l'anime, ça ne baisse plus. Pareil, là, on a dépassé l'anime, ça y est, en manga depuis un petit moment. Ah oui. Y a le tome 0 qui est sorti, il y a le film en ce moment. Le film arrive chez nous cette année, ça a été confirmé, on ne sait pas quand. Réseau CGR, par contre, réseau donc CGR, pas partout. Ouais. Et donc bah voilà, bah jusqu'à cette période, on a plus besoin de présenter. Moi, je suis pas très fan de ce qui se passe dedans depuis un moment. Tout court. Mais bon, c'est encore autre chose. Je suis un peu, je suis pas tout seul, mais on n'est pas nombreux à être là-dedans. Mais voilà, c'est du bon, c'est bien animé, il y a des bonnes bastons. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est chez Jujutsu Kaisen, c'est chez Kaze. Kaze. Ouais, je l'avais. Chez Kaze et l'anime c'est Crunchyroll. Yes. Et je crois que bientôt Netflix de tête, mais c'est pas encore confirmé, je crois. Oh, je pense que ça va pas se sortir sur Netflix aussi un jour. Et puis, mais du coup, ils ont raflé SNK, donc. Oui, SNK, non, c'est ça. Demon Slayer, quasi tout Wakanim, donc. Ouais. SAO. Du coup, Black Clover, il est pas là. Black Clover n'est pas dans le top, mais Black Clover est pas loin derrière. Je crois qu'il est dans 12-13. Ouais. Black Clover, énorme licence de cette année au Japon aussi, donc voilà, on est bien. Est-ce qu'il y a des mangas déjà parlé une ou deux fois de Black Clover? Ouais, je crois. Il y a peut-être même un épisode. C'est possible qu'il y ait un épisode entier dessus. Synopsis, hein. Attendez. Donc voilà, Black Clover, c'est quand même incroyable. Est-ce qu'il y a des mangas que vous voudriez parler un peu, que vous auriez lu cette année, pour ses sorties, ou des, mais au moins lu cette année? Moi, il y en a deux, trois, donc dans tous les cas, s'il faut. C'est pas obligé, hein, encore une fois. Ouais, j'ai pas lu de manga cette année. Non, à part en scan, tu vois, mais c'est toujours. Ouais, scan, c'est toujours My Hero Academia, voilà, Black Clover, Jujutsu. Voilà. Je parle de nouveautés que tu auras découvert cette année, quoi. Non, voilà, Dragon Ball Super. Donc, bah, moi, je vais parler déjà. Alors, on a déjà parlé, donc je vais refaire un point sur Blue Box. On a déjà parlé. La meilleure nouveauté du Jump pour moi cette année, donc à Onoko. Comédie romantique de sport. À cause de ça, on est trois à faire du badminton ici régulièrement. Ah bon? Oui, c'est, à la base, c'est surtout pour ça que je vais faire badminton. Ah, tiens. Donc voilà, Blue Box, je vous l'ai conseillé, c'est chez Manga Plus. Ouais, c'est pas Anebado qui t'a donné envie de faire du badminton? Un peu moins. Mais c'est très bien Anebado, attention. Et j'aimerais parler également de Oshinoko. Alors, c'est un peu d'attriche, c'est sorti en 2021 au Japon, donc c'est ok. Et 2022 chez nous en janvier. Deux premiers tomes disponibles chez Kurokawa. Kiun. Kurokawa. Je les ai lus. C'est peut-être Kurokawa. Ouais, bref. Je sais pas là. Oshinoko, scénariste de celui qui a fait Kaguya-sama Love is War. Ah. Et ça parle du monde des idoles. Je peux pas spoiler parce qu'il y a vraiment un plot twist à la fin du tome 1 qui est impossible à dire. Mais je pense que c'est le meilleur tome 1, tout le manga confondu. Sincèrement, c'est incroyable. Pareil, c'est un top au Japon. C'est du shōisha, encore une fois. Et donc ça parle du monde du spectacle, même du cinéma au sens large. Et, mais ça en parle très cru. Et surtout de façon finalement très un peu autre de ce qu'on a déjà vu. Donc voilà, Oshinoko, bah vraiment, j'espère que ça va se vendre de ouf, parce que c'est vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à aller voir. Les deux premiers tomes sont sortis d'un coup. Du coup, je crois que les premiers sont sur Manga Plus, donc autant essayer là-dessus. Mais en fait, le mieux, c'est de lire le tome 1 en entier, soit vous avez une bibliothèque, ou quelqu'un l'a déjà, vous testez, ou malheureusement les scans. Si vous pouvez d'acheter la suite, hein, je suis jamais contre, hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà, Oshinoko, c'est incroyable et je trouve ça va être vraiment une pépite. D'ailleurs, Manga Plus. Voilà, bon, Manga Plus, beaucoup. Manga Plus, on peut rappeler que cette année, les premières choses sont arrivées en français chez Manga Plus. Ouais. On peut lire légalement chaque semaine One Piece, My Hero Academia, Black Clover, Jujutsu, Ayakashi Triangle, Sakamoto Days, et il m'en manque un. Mais c'est tout récent, ouais, Mashalou. Et Mashalou. Sakamoto Days, ça date de la semaine dernière. Ouais, pour, il l'avait annoncé. Ouais. Parce que ça sort chez, chez Glena cette année, Sakamoto. Et The Elusive Samurai aussi est arrivé aussi en français. Pareil, The Elusive Samurai qui arrive chez Kaze cette année. Donc en fait, tout ce qui sort chez nous. Donc voilà, si vous voulez les scans légalement, gratuitement, sur votre téléphone, votre ordinateur ou autre, tous les trois derniers chapitres sont disponibles. En français, du coup. Les autres sont disponibles en anglais si vous lisez en anglais. Mais voilà, par exemple, One Piece, vous avez lu, c'est tous les dimanches, 16h, heure d'hiver, 17h, heure d'été. Et donc, ça reste en fait les trois derniers chapitres disponibles. Dès qu'il y en a un nouveau qui arrive, ça enlève les autres évidemment. Par contre, la série vient de commencer. Donc, vous pouvez, voilà, puis évidemment, voilà, vous pouvez aussi lire les trois premiers chapitres des mangas si vous voulez vous faire un avis. Donc, franchement, n'hésitez pas. Par exemple, One Piece, notamment, c'est l'un des meilleurs trucs. Bah, vous pouvez soutenir des scantrades à la con, vous pouvez soutenir directement le Jump Shueisha, les traducteurs officiels. Donc n'hésitez pas. Et a priori, pour le troisième anniversaire de Manga Plus, a priori, il y a une campagne de lecture intégrale qui devrait arriver cette année. Ah, super. Donc c'est du leak à prendre avec des pincettes, mais si possible, ça se trouve, vous aurez l'occasion de rattraper pas mal de ces grosses séries. Donc ça peut être pas mal d'en profiter le temps que ça durera. On verra combien de temps ça dure. C'est sûr que ça dure 2 semaines pour relire 1038 chapitres de One Piece. Allez, Bonjour. Alors, c'est le défi. C'est clairement, je pense que ce n'est pas faisable. Alors je pense que c'est faisable, mais il faut y aller quoi. Eh ben, je pense que tu perds des yeux, tu deviens aveugle. C'est possible. Donc voilà, c'est moi, c'était mes mangas de l'année, voilà, petit point. Si c'est bon pour vous, on va passer au troisième petit jeu. Petit, c'est un vrai petit jeu pour le coup. C'est vraiment un jeu. C'est vraiment un jeu, ce coup-ci aussi. Il y a des points à marquer. Ça va se jouer sur la rapidité, sur la précision. C'est un jeu basé sur TikTok. Vous avez gagné. Non, parce que ça va être un truc de vue. En gros, alors on va voir si ça marche ou pas comme jeu. Hein. J'ai eu l'idée, on va voir. Il est vraiment pas long, il y aura que 4 questions exactement. Je vais vous citer 2 openings d'anime qui ont été utilisés comme son sur TikTok. Et d'après vous, lequel de ces 2 openings est le plus populaire ? Si vous êtes plusieurs à me donner la bonne réponse, celui qui aura au nombre de vues, c'est forcément des milliers, je vous donne un indice, c'est genre plus de 1000. Le plus proche du nombre de vues qu'ils ont pu faire aura le point. Okay. Est-ce que vous avez compris ? Ouais. En gros, je vous cite 2 openings d'anime utilisés dans les TikTok. Donc, il faut penser aussi au fait que ce soit utilisé sur TikTok. Donc, est-ce que c'est le même matériel ? Imaginez ce qu'on peut faire avec ça. Et du coup, lequel aura le plus ? Évidemment, la popularité du dit anime va beaucoup jouer. Mm-hmm. C'est normal. Et ensuite, si vous êtes plusieurs ici à me dire le même nom, ou si vous n'êtes que 2 et que c'est la bonne réponse, celui qui sera le plus proche du nombre de vues gagne le point. Dirait, gagne le point. Mais ben. On va commencer tout de suite. Évidemment, Evangelion et Tokyo Ghoul. Donc, le premier opening de Tokyo Ghoul, Unravel. D'après vous, lequel? Unravel pour moi. Ouais. Eric, tu dirais quoi? Je dirais Tokyo Ghoul. Hein. Ouais, Unravel aussi. Ouais, aussi sur Unravel. C'est effectivement Unravel. Loin devant Evangelion, quand vous aurez le chiffre. Et vous pensez qu'en milliers de vues, c'est ça peut dépasser les 100K? Tu dirais 100K? Je dirais plus haut, mais. Ouais, tu me donnais un chiffre. Hein, moi, je serais dans les 1 million. Le million ? Ouais. Ok. Le million, comme le perso de MH. Ok. Le million, Eric ? Ouais, je sais. Enfin, pour moi, ça dépasse le million. Allez, grand max. Alors, on parle vraiment d'utilisation TikTok, exactement. Excusez-moi. Pas de vues. Ah, pas de like. C'est le nombre de fois que ça a été utilisé dans un TikTok. Ça change tout. Ouais, ouais. Voilà, le nombre d'utilisations dans les TikTok. D'utilisation, ok. Ouais. Okay. Oh bah, un bon 250 000. 250 ? C'est plus. Bon, allez, 350. 550 ? 520 ? K. Oui, oui. Oui, on parlait tous en K. Hein, ouais. C'est beaucoup plus qu'Evangelion, il n'y en aura pas beaucoup d'Evangelion du tout. Non, c'est 106 K. Ah oui, quand même. Ah, oui. Et pour vous donner un indice, c'est le plus haut que j'avais de toute ma liste. Ah, ok. Alors, 106 000 utilisations, c'est quand même énorme. C'est quand même beaucoup. 106 000 TikTok sur Unravel, c'est le plus haut de toute la liste. Donc, désolé, donner un indice pour les autres. 25 000 pour Evangelion. Ils sont écrasés. 4 fois plus. Et sachant que ça compte pas les remix, ça compte pas tout ça. C'est vraiment la version originale Unravel. Au cumulé, je pense qu'effectivement, on peut atteindre les 500K. Effectivement. Mais oui, et puis je pense en fait, c'est aussi que Tokyo Ghoul, ça parle plus à la génération TikTok. Sans dénigration, je suis d'accord, t'as raison. Et en plus, c'est un énorme même matériel avec forcément, on est triste, machin et tout. Beaucoup, quand je vais à l'Académie des héros, mais en fait que j'ai pas de pouvoir, quand je vais à Konoha, mais que Sakura me rejette, des merdes du genre, tu vois. Oula, attention, oula. Moi, je suis le premier à aller regarder, à rigoler, hein, donc attention. Mais voilà, forcément, Tokyo Ghoul a été énormément même matériel en plus d'être évidemment. Puis beaucoup de reprises aussi. Unravel, c'est une musique quand même qui tourne beaucoup encore aujourd'hui en tant que réflexion. Et du coup, c'est Yannick qui marque le point qui était le plus proche. Moi, j'aime beaucoup Unravel. Hein. J'aime pas l'anime. Ouais, j'aime pas non plus Tokyo Ghoul, mais j'aime beaucoup Unravel également. Ensuite, Silhouette de Naruto Shippuden, dédicace à Yannick. Hein, et Chala et Chala de Dragon Ball. Donc là, il va y avoir une guerre en plus. Vous pensez que qui est le plus utilisé ? Silhouette. Silhouette ? Silhouette. Silhouette. Je vais dire Dragon Ball. C'est Dragon Ball. Sérieux ? Voilà. Déjà, tu marques un point parce que t'es seul à l'ordi. Et si en plus, à un cas près, si tu me donnes les vues, je te rajoute un point. Vu que t'es le seul à l'ordi à la réponse. Alors j'ai bien dit que Tokugou était le plus haut à 106k. Donc c'est pas, ça peut pas être plus que ça. Ouais. Donc est-ce que tu as une idée en termes de, d'utilisation de à combien on est? C'est toujours plus que 1000 évidemment. 80. On était beaucoup plus haut. C'était okay. 24 000. Ah oui. Ah oui. Et Silhouette seulement à 6 000. Hein. Alors moi aussi je n'aurais pas cru que Chala serait autant utilisé. Bah ouais, parce que... Mais après Naruto est déjà fini depuis un moment malgré tout. Hein. Ouais, Dragon Ball. Oui, ouais. Naruto, mais Dragon Ball a encore beaucoup, beaucoup de jeux. Y a Dragon Ball Super. Il y a des jeux, il enfin, y a de l'aura, il y a Boruto. Voilà, Dragon Ball. Et même moi aussi je n'étais pas persuadé que Silhouette. Et une fois c'est que Dragon Ball a deux openings et Naruto en a environ 25. Oui, ouais, vu ouais, comme ça. Ouais. Mais c'est quand même Silhouette le plus utilisé de tous les Naruto. Sans surprise. Et donc c'est Ben qui marque. Le Puntos. Parce que ça reste le meilleur opening. Pas pour moi, mais bon, après chacun ça dégoûte. Ensuite, on n'y ira pas. Là, ça va être. Ils sont très serrés ceux-là. Et en même temps, c'est normal, c'est les deux gros booms de cette année. Hein. Jujutsu Kaisen, opening 1, et Tokyo Revenger. Donc Battle Cry, et j'oublie toujours le nom de l'opening de Jujutsu Kaisen d'ailleurs. Plus Jujutsu que l'ending. Hein ah, j'ai pas... Alors Jujutsu, c'est possible que l'ending soit plus utilisé honnêtement que l'opening. Mais j'ai quand même beaucoup utilisé l'opening et là j'ai vraiment basé pour que ce soit équitable opening opening. Donc Jujutsu Kaisen opening 1 et Tokyo Revenger opening 1 d'après vous, parce que là c'est vraiment deux gros booms hein, donc moi je vais dire Jujutsu parce que c'est le seul des deux que j'ai vu. Ouais, okay. Et qu'il est quand même, il y a quand même de l'entrain dans cet opening. Ah et tout l'autre je sais aussi, pas hein. Je sais pas du tout. Moi, je vais dire Tokyo Revenger. Tu dis Tokyo Revenger? Ok. J'irais Tokyo Revenger aussi. Non, c'était vraiment Jujutsu, pas de beaucoup. Okay. Et est-ce que, pareil, à un cas près, si tu me dis le nombre, tu prends deux points et tu prends la tête en plus. Est-ce que tu veux réussir à voler ça? Donc, bien, évidemment, pas plus que 106K, comme j'ai dit. C'était l'échelle maximale que j'ai mis. T'as une idée? Je sais pas, 45K? Non, c'était plus. 77K quand même. Putain, quand même. Ah ouais. Et Tokyo Revenger, 66K. Ah ouais. Donc, vraiment, ça s'est joué à rien, malgré tout. Et donc ouais pareil Jujutsu Kaisen beaucoup après beaucoup de cosplay, Tokyo Revenger il y a un peu plus de mèmes déjà dessus mais ouais pas mal pas mal. Donc tu prends un point, vous êtes tous égalités, ça va jouer sur la dernière. Ça c'est magnifique, ça c'est parfait. Et en plus c'est des animes que personne ici n'a vu donc à part moi, donc ça c'est encore cool, mais sur les mêmes thèmes et donc très serré aussi. Donc Quintessential Quintuplette, donc fini en manga pas encore en anime, donc les deux c'est des rom-com, voilà pour vous donner le thème. Et Rent a Girlfriend. Donc pareil, ça a été deux animes qui ont eu une saison en même temps et qui ont les deux ont autant marché. Donc pareil, ça joue à que dalle. Vous pensez que lequel des deux? Donc opening 1 pour les deux. Ok, c'est ça, c'est opening 2 de Doki Doki. Rent a Girlfriend, il n'y a que seul opening. Donc d'après vous... Rent a Girlfriend. Rent a Girlfriend. Ouais, je sens qu'il y a un truc. Ouais. Je dirais Rent a Girlfriend aussi. Ouais. Est-ce que tu veux jouer Meta et tenter l'autre ou pas? Ouais. Tu joues Meta? T'as bien joué. Parce que Meta, Quintessential. Et est-ce que juste pour la win, tu veux. Parce que dans tous les cas, tu gagnes. Tu prends un deuxième point sur, à un cas près. 15K. Putain, tu l'as. C'était 16K. Wow, et 15K, boss. C'était un Trigger Friend. Bien joué, bien joué. Ah, du coup, t'es à 3 points. Tu prends le point bien sur le jeu haut la main. Oui, je savais que ça avait bien marché. Alors, Quintessential, effectivement, il y a eu deux saisons. Je pense que ça aide. Rent a Girlfriend, c'est pas celui qui est un peu cringe? Non, c'est Kanojo contre Kanojo. Ah, oui, alors, Rent a Girlfriend, les derniers chapitres sont très problématiques, par contre. Ça, oui. Mais dans l'anime, ça a l'air bon. Mais oui, dans les derniers chapitres, c'est un peu plus compliqué. Okay. Mais non, c'est, par contre, Kanojo contre Kanojo, vraiment, c'est vraiment compliqué. Hein. Mais du coup, voilà, quelqu'un qui te plaît, moi, c'est quelque chose que j'adore. J'en ai déjà parlé maintes fois. Chez Pika, chez nous, plus qu'un tome à sortir et c'est fini. Et on anime un film sort cette année, normalement pour faire la conclusion. Dernier arc, l'arc du festival du lycée. Donc n'hésitez pas, moi c'est quelque chose que j'adore. Rent a Girlfriend, je suis un peu moins fan, mais c'est de la rom-com assez classico. Pourquoi pas? Même si en ce moment la série c'est compliqué. Enfin la série, le manga. Et bah du coup, Eric a gagné un jeu, Ben un jeu. Il restera deux jeux derrière. Yannick, pourtant t'es à zéro, donc tu peux toujours te faire et tout gagner ici. Hein. T'inquiète pas. Et, ou tout perdre. Hein, ou comme tout ça. Perdre. On va maintenant passer au top anime. Pareil, on va essayer d'aller un peu vite parce qu'il y a plein de choses, je pense qu'on n'aura pas forcément tous vu ou autre, toujours évidemment sans critique. on va pas se mentir. En 10ème position, assez étonnant, mais après sans critique, donc pas tant. Donc là, on est sur les notes ou. Là, en fait, c'est toujours le top sans critique où les gens votent. Tu vois, l'année, ils lancent des sondages, donc c'est pas les moyennes des notes. Oui, contrairement au top manga qui était sur les ventes. Star Wars Vision. 10ème de ce top anime, avec un épisode fait par Trigger d'ailleurs, hein, Gurren Lagann, Kill la Kill, etc. Moi, j'ai pas eu l'occasion de les regarder encore. C'est disponible chez Disney+. Tu les as vus ? Ouais, je les ai tous vus. Et t'en as pensé quoi ? Grosso modo, épisode par épisode. Hein, mais... Alors, il y en a vraiment deux. Allez, deux, trois qui se démarquent de ouf et Trigger. Qui pourraient. Bah, déjà celui de Trigger. Et là, j'ai cru t'allais dire non. Je sais pas, non, en fait. Mais il y en a deux qui ont été faits par deux Trigger ouais. Différents, en fait. Ok. Et le Trigger, vous voyez très bien de celui auquel je parle, oui. Avec les enfants jumeaux. Et puis il y en a deux autres où vraiment, la légende du, enfin vous voyez, du Jedi avec son cristal Kyber prend vraiment toute son importance avec des plot twists, ouais. Vraiment. Et c'est vachement bien fait. Ok. Mais le reste, j'ai trouvé ça sommaire, mais ça pourrait donner des. Ouais, donc c'est de l'épisodique. C'est épisodique du coup. Ouais, voilà, chaque épisode est différent, chaque graphisme, enfin DA. Ouais, c'est plein de studios différents. Voilà, et différentes, mais vraiment, il y a deux trois épisodes qui mériteraient un anime, quoi. Ok. Bon, on est un peu sur le délire Animatrix à l'époque. Ouais, Animatrix, oui, Love, Death and Robot, voilà, dernièrement chez Netflix aussi. Et vraiment, ouais. Dans l'idée, on part d'un univers connu, on fait des trucs qui n'ont rien à voir entre eux, qui sont dans l'univers, mais qui ne vont pas forcément avoir d'influence. Et qui peuvent développer certains aspects qui ne sont pas forcément assumés ou plus développés que dans le vrai Star Wars. Quoi. Okay. Parce que mine de rien, Star Wars, c'est un univers qui est énorme. Il y a de quoi faire. Hein. Ah ouais, il est vachement vaste, vraiment. On ne voit rien dans les films, en vrai. Non, vraiment. C'est parti. Très bien, donc Disney+. En 9e, on en a parlé, Tokyo Revenger. Ouais. C'est quand même beau qu'il soit dans le top centre critique, hein, parce que les trucs trop mainstream, souvent, à centre critique, on les met pas trop dans les tops. Hein. Par exemple, aucun Jujutsu, je sais même pas s'il y a un 5-4 dedans de tête. Donc voilà, Tokyo Revenger, quand même, comme quoi, un peu l'unanimité là-dessus, hein, donc c'est cool. Et comme on l'a déjà dit, hein, on a déjà beaucoup parlé, donc n'hésitez pas. Il est même présent dans les meilleures séries de centre critique, hein, carrément, pas que anime. Donc, pas mal, hein. Pas mal. Sartek. 8e, Sonny Boy. On en a très peu entendu parler. Hein, Sans critique, ils aiment pas bien les petits trucs du genre. C'est du slice of life avec un peu de pouvoir. En gros, c'est un peu un genre d'isekai dans une version alternative, mais dans le vrai monde. Pourquoi pas ? C'est pas mal. Je sais même plus où c'est que c'est dispo. Pour être franche, de tête, c'est du Crunchyroll. Donc bon, c'est très, très spécial. Moi, j'aime bien, mais sans plus. Voilà, c'est le genre de truc qu'on aime bien se branler dessus chez Sens Critique. Ça, c'est clair net. En 7e position, vous allez voir, il y a beaucoup de choses du genre, hein, dans le top. Hein. Vivi Fluorist Eyes Song, c'est un truc qui est chez Crunchyroll. C'est un peu sur l'IA, la cybernétique. Voilà, c'est enfin, en gros, c'est. Ça paraît vachement bien. C'est Westworld version anime. Ok. Et ça a les mêmes défauts, les mêmes qualités que Westworld, en gros, si on veut. Donc voilà, n'hésitez pas. J'aime bien le côté chanson qui vient de tout ça, mais des fois c'est un peu tire-larme pour rien. À choisir, dans le même thème, je préfère Plastic Memories, sorti il y a quelques années, que je trouve qui incroyable. Qui était bien badant. voilà, donc de tête, c'est Crunchyroll ou Wakanim. Tout maintenant, c'est le même mec maintenant, derrière. On va donner la thune à tout le monde. Crunchynim, Wakarol. Là par contre, oui. Wakarol. Grosse claque de l'année. Mais plutôt pareil, j'ai les petits nerdos du genre, bah, c'est Ranking of King. En 6ème position. J'en entends que du bien. Ranking of King, c'est incroyable, c'est chez Crunchyroll, c'est magnifique. En gros, c'est Bodge, mini prince, qui va. À la base, il fuyait le fait de devoir devenir roi un jour. Et puis, du coup, il va devoir un jour redevenir roi. Mais du coup, il va rencontrer quelqu'un un jour qui va un peu changer sa vie. Et c'est quelque chose qui fait très occidental, en fait, même dans le manga de base. Et l'anime est magnifique, c'est ultra bien animé, c'est vraiment dingue, c'est très drôle, c'est un monde fantastique un peu, c'est un peu entre notre monde et un monde de médiévalo fantastique quoi, et c'est fou, c'est magnifique, c'est très drôle, c'est hyper touchant, la BD de base est très très belle aussi, je dis BD tellement c'est presque occidental, hein, vraiment dans le style, et vraiment Ranking of King c'est grosse claque mois de l'année chez Crunchyroll, et c'est même sorti je crois maintenant en VF aussi, pareil chez Wakanim, je crois pour le moment en VF presque. Mais n'hésitez pas, et je pense que c'est quelque chose qui peut plaire aussi aux gens qui découvrent les animes, parce que voilà, ça fait très occidental dans le style. En plus, l'héros, il n'est pas muet aussi Je roi. Crois pas. Je sais plus. Mais ça parle pas beaucoup de façon générale dans l'anime. C'est possible. Mais, hein. Finalement, tu vois, c'est pour ça que je me disais aussi que Spy X Family, ça marche pas trop mal, parce que du coup, c'est aussi très occidentalisé dans les... Exactement. Dans le thème et dans le dessin. Ouais, comme, c'est ça, comme dans Full Metal. Et je pense que comme ça parle plus. Il y a pas beaucoup de mangas qui vont de plus en plus là-dessus. Hein. Mais ils ont raison en même temps. Ils ont bien raison. Bah, cinquième, je suis assez étonné, mais pareil, c'est le genre de truc que Centre Critique aime bien aller dessus. La saison 2 de Megalobox. Donc c'était chez ADN. En gros, c'est des combats de boxe, mais avec des équipements robots sur les bras pour encore plus de patates. C'est Real Steel, quoi. Le film. Oui, voilà. Ouais, mais en bien. J'avais adoré la saison 1, j'ai bien aimé la saison 2. Ça se tape, c'est très manga de sport, c'est très violent, c'est très dans les bas-fonds d'une ville, déjà elle-même dans les bas-fonds de ville, voilà. C'est Gotham, quoi, on se tape dans la gueule. Hippo dans les égouts. C'est Hippo dans les égouts avec des robots, quoi. Donc non, très très bien, c'est chez ADN, peut-être chez Crunchy maintenant aussi. Quatrième, Beastars saison 2, on a déjà parlé un peu de Beastars à l'époque. Les Furies à gogo, ça marche beaucoup, c'est chez Netflix. Moi, je suis pas très fan, mais c'est le côté Furie, moi, qui me rebute, pas l'histoire. Je sais pas si d'autres personnes l'ont vu autour de la table. Pas vu, c'est mature. Mais voilà, mais Beastars, paraît que c'est très très bien. Voilà, moi je suis pas trop ma cam. Mais n'hésitez pas, c'est sur Netflix. Troisième, pareil, c'est vraiment un truc des bas-fonds que Sans Critique a récupéré, c'est Odd Taxi. Pareil, avec des animaux qui parlent, hein, encore une fois. En gros, c'est un chauffeur de taxi qui est un genre d'animal qui parle. Et puis, on sait comme si. En fait, imaginez un truc de vieux chauffeur de taxi qui va sa vie basculer sur la place des animaux. Okay. En fait, c'est ultra banal dans le truc, mais je sais pas, ça a une bonne aura. Moi, j'aime beaucoup quand même, hein, je dis pas le contraire. C'est chez Crunchyroll. Puis, on va suivre un peu une jeune fille qui aura disparu ou autre, ou quoi que ce soit. C'est un peu décalé, c'est un peu groovy, c'est un peu cool. J'avais bien aimé, pas mal. Deuxième, le faux Kyoto Animation Wonder Egg Priority. Pareil. Mais c'est vrai, on dirait vraiment du Kyoto Animation chez Crunchyroll. C'est très très très bien par contre. Ça, c'est vraiment Wonder Egg. J'en ai que des moments. C'est vraiment magnifique, aussi, c'est incroyable. En gros, elle va trouver un œuf un jour et qui va lui proposer de changer son avenir. Et puis on va suivre tout ça. 12 épisodes, magnifique. Et on dirait vraiment du Kyoto Animation pour le coup. Alors que je crois que c'est un petit studio qui a pas fait grand chose, si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas. Et en premier, on a entendu beaucoup parler cette année. C'est chez Wakanim, c'est sorti en manga chez Kyun, c'est To Your Eternity. Moi j'avoue que je suis pas très fan, mais en gros ça se passe dans la nature, il faut survivre, c'est un gamin qui doit survivre dans la nature, etc. C'est pas mal, moi j'aime bien, il y a un peu de fantastique dedans. Mais voilà, c'est magnifique en tout cas, c'est très bien animé, n'hésitez pas, en tout cas, Sens Critique, c'est vraiment leur cam à eux, on dirait bien. Est-ce que vous, cette année, il y aurait des animes qui vous auraient marqué plus que d'autres ou pas trop? Je sais que Ben n'en consomme pas non plus des masses, donc Eric non plus, t'es pas un gros consommateur de nouveautés en tout cas. Bah, moi je suis toujours resté sur Dai pour le coup. Ouais, Dai, on avait déjà parlé l'année dernière. Voilà, on va pas revenir beaucoup dessus. Là, on est dans le gros arc final. Il y a encore beaucoup, encore des choses à régler. Et c'est toujours aussi intéressant. Enfin, vraiment, les persos sont bien. Dai Perfect Edition qui sort chez nous en juin. Voilà. Donc, si vous voulez préférer faire le manga, n'hésitez pas à attendre aussi s'il faut. Puis sinon, comme je t'avais dit, je regarde Platinum End, mais vraiment. le méchant que je voulais voir crever, on a vu comment il est mort, mais après. Enfin, j'ai même pas regardé les épisodes après, quoi. Donc, manga d'Oba Obata, Platinum End chez Kaze. Enfin, hein, vraiment. De Death Note et de Bakuman. De ce que j'ai compris, vraiment, il y en avait plein qui. Death Note, quoi. C'est pas Death Note. Voilà, c'est qui adorait Death Note et quand ils ont vu l'anime. Death Note, mais en moins bien. Pour le coup. Ouais. Parce que sinon, le principe est quasiment là. Quand ils ont vu l'anime, enfin, genre, c'est un Battle Royale, sauf que t'es épaulé par des anges, tu vois. En plus, l'anime est pas très bien animé. D'ailleurs, et non ben, plus, vraiment pas très joli. Hein. Vraiment, c'est un peu la déception, quoi. Puis bien sexualisé comme on veut. Enfin voilà, vraiment, là, c'est la totale. Il y a tout ce qu'il faut. J'avais lu et ouais, c'est marrant d'avoir pris les mêmes défauts que Mirai Nikki, mais en pire, j'ai l'impression. Alors, je dirais pas au pire non plus. Mais oui, effectivement, on peut se rapprocher de ce genre de défauts, quoi. C'est con parce que les pouvoirs que les anges donnent. Non, mais il y avait de l'idée. Mais en fait, ils peuvent être bien utilisés alors que c'est simple comme pouvoir. Puis ça fait quand même très redite avec Death Note. Enfin, je suis désolé, mais. Ouais, voilà. C'est compliqué, quoi. Yannick, toi, un anime qui t'a marqué cette année ou pas? Moi j'ai surtout vu Demon Slayer. Ah non, il y a Puis il y avait Jojo Party 6 aussi. C'est pas fini, en plus c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ils auraient mieux fait. En gros Netflix, quoi. Netflix n'est pas Netflix dedans, animé shit. Classique. Quoi. Ouais, voilà, enfin vraiment. J'ai vu du coup moi je suis toujours en cours sur la saison 2 de Demon Slayer. Ouais. Et il y avait autre chose que j'avais vu chez Crunchy aussi. Ouais, ouais. Je vais faire des yeux comme ça, tu vas pas trouver le nom, c'est ça? C'est terrible ce qui se passe. Hein. Va sur ton appli. Ouais, tu vas voir ce que t'as vu sur Crunchyroll. Du coup, en attendant, je vais parler moi de. Si, c'est le truc que t'avais pas trop aimé sur la fin. Tact Hop Destiny. Effectivement, ouais. Qui est vraiment sympa. Donc, Mappa Cross Madhouse. Mm. qui est vraiment très cool. Dessus, c'est magnifique, hein, du coup, hein, forcément. Mais on avait un peu parlé dans le dernier épisode, si je dis pas de bêtises. On en a parlé dans l'Alpha Prime. Ah bon ? Ouais, on en a parlé dans Alpha Prime, effectivement. J'en suis persuadé. Exact. Mais comme c'était pas fini. Oui, oui. Non, ouais. Et du coup. C'était pas trop avancé. Donc t'as fini ? Ouais, du coup, j'ai fini. En fait, ça a un gros goût amer de Guilty Crown, la fin. Ouais. Un peu moins bien, du coup. Ah. Dommage. Mais globalement, ça se tient. Ça... Okay. Après, c'est le. Malheureusement, c'est que c'est un anime qui introduit un gacha et voilà. qui n'est pas encore sorti en Europe et qui est déjà disponible au Japon, je crois. Oui, oui, c'est mieux pour voir. Voilà, du coup, c'est un peu dommage parce que ça les tord aussi de Fate Grand Order, par exemple. Pour ceux Grand Order, c'est l'inverse, c'est que c'est un gacha, ils en ont tiré un anime. Donc limite. Voilà, le film, non, il est préquel au gacha. Quoi. Ouais, mais il y a eu la campagne dans le gacha aussi quand même. Ouais. Bref, Fate Grand Order, il faudra que je regarde un jour, même si je sais. Ouais, après, c'est pas très très bien. Ouais. Oui, bah, voilà. Donc Tact même... Hop Destiny. Après, c'est quand même beau, il y a des beaux c'est bastons. C'est quand même beau. Belle OST aussi quand même. Il y a une belle OST. Vu ça manque d'envolée dans les OST, malheureusement, par rapport au thème d'ailleurs, c'est dommage. Je suis d'accord et j'étais même déçu qu'ils aillent pas plus loin dans les musiques. En gros, c'est le principe, c'est il y a plus de musique dans le monde. Et en gros, les gens se battent sur fond de musique classique avec des maestros, etc., etc. Et ouais, ça manque d'envoler vraiment dans l'OST là-dessus, c'est un peu dommage. Et ça manque aussi de renouvellement dans les. Ouais, ça tourne un peu en rond. Mais voilà, Madhouse Cross Mappa, c'est magnifique. Et après, ça reste très beau. Chez Crunchyroll. Ça reste plutôt bien monté. Oui, non, mais voilà. C'est bien rythmé. Ouais. 12 épisodes, en plus, c'est pas très long. Tout à fait. Moi, cette année, ça aurait été Digimon Ghost Game, nouvelle série Digimon, évidemment. On est déjà à l'épisode 15 chez Crunchyroll et ADN. Renouveau de Digimon à 100%, plus du tout de même héros, plus de lunettes sur la tête, plus les mêmes Digimon en héros. Et là, maintenant, on prend le pli que c'est vraiment un peu des histoires de fantômes que des adolescents pourraient se raconter. Ça marche super bien. C'est surtout que ça prend bien son temps. C'est qu'il n'y a pas le rythme. Ok, chaque épisode, il faut qu'on ait une Digivolution. De tel machin. Il y a des épisodes sans Digivolution. Il y a des épisodes où c'est même pas des combats, c'est juste on discute pour régler les affaires. Et ça, c'est cool. Et il y a vraiment le système de plusieurs branches de Digivolution comme à la classique. Ils ont tous, du coup, le Vital Bracelet au bras, un peu comme moi aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui. Et du coup, il n'y a pas le côté sport du Vital Bracelet. C'est vraiment juste la sorte de Digivice 100%. Et on a vraiment cette énigme où, du coup, on est dans le monde réel, pas de monde digital. On voit le monde digital. Et je pense qu'ils iront au bout d'un moment. Là, l'épisode 15, en tout cas, c'est toujours pas le cas. Et c'est parti pour vraiment. C'est vraiment un gros renouveau plus proche et plus moderne. Là, il y a vraiment. C'est des hologrammes. Ça vient plus toucher. Ça arrive vraiment enfin, ce qu'avait pas réussi AppMod notamment, à être moderne sur le problème digital. Là, on a le problème, on a un épisode sur les chaînes de mail. Donc, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais ça existe toujours. On a un problème sur les hologrammes, le temps, etc., etc. Là où AppMod arrivait à un moment où les applications avaient déjà un peu plus. J'adore AppMod, mais clairement, ça avait du mal à voir le vrai problème des applications mobiles. Et là, ça en parle très bien. En plus, c'est un peu le côté un peu flippant, un peu glauque. Les digivolutions sont incroyables. Pour l'instant, on n'a pas dépassé le stade champion. On a vu tous les personnages principaux se digivoluer, mais enfin, en 15 épisodes. Donc voilà, j'ai hâte de voir où ça va aller. C'est très beau. Enfin, c'est très beau. C'est assez beau pour Datoi. Voilà, toute proportion gardée. En fait, c'est propre de A à Z et il y a des envolées. Voilà, c'est pas comme One Piece, on sacrifie des moments. Là, voilà, c'est beau quand même tout le long, etc. etc. Et ça se regarde super bien. On ne sait pas combien d'épisodes ça fera. Donc pour l'instant, ça continue. Donc non, c'est un bon renouveau, ça prend bien, ça a bien relancé la licence, donc j'ai hâte de voir où ce coup ils vont aller. Et donc pour le moment, on est encore en épisodique avec Fil Rouge, et à voir quand est-ce qu'on aura une vraie rupture dans tout ça pour justement aller plus loin. Quoi. Mm-hmm. Donc voilà, Digimon Ghost Game, chez Crunchyroll et chez ADN, n'hésitez pas, que 15 épisodes actuellement, ça se regarde vraiment, vraiment bien. Et pas besoin d'avoir de bagages Digimon ou autre, ça fait référence à rien à l'ancienne pour le moment, donc vraiment c'est assez cool. Quoi. Ok. On va voir passer... au quatrième jeu de cet épisode, un blind test, on revient sur de la musique, mais un blind test un peu particulier, je voulais spoiler en off tout à l'heure. incroyable, on n'est pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Donc, je n'ai même pas prêt lui-même. Je vais vous faire écouter des openings. Est-ce que vous connaissez le Bardcore ? Le quoi ? Oui. Le Bardcore. Oui. Non. Oui. C'est en gros des versions instrumentales médiévales de musique actuelle. C'est incroyable. Trop le Bardcore. C'est incroyable. Donc, c'est exceptionnel. Évidemment, ça a eu un gros boom pendant le confinement. Oui. Quasiment tout est sorti entre mars et juin 2020, vraiment. Et évidemment, du jeu vidéo et de l'anime sont sortis. Donc, c'est pas forcément des openings d'anime, hein, c'est pas aussi des jeux vidéo. Quand c'est de l'anime, c'est de l'opening. Et donc, évidemment, vous allez devoir me dire d'où ça vient. Est-ce que vous êtes prêts ? Non. Parfait. Donc, évidemment. Vous pouvez marquer des points. Moi, je mise tout là. Là, il n'y a pas de points bonus dessus. C'est parti, le premier. Ça va aller vite. Hein. Naruto. Naruto Shippuden. C'est quasiment des openings très connus, il n'y a pas de trucs très durs. Voilà. Écoutez-moi, c'est le parcours. Ah ouais. Putain, trop bien. Et donc évidemment, c'est par le plus grand parcours. Nicolas Zobar. Parcouriste. Et lui, il fait quasiment que des animes, d'ailleurs. On s'écoute un peu quand même. Hein. Ça marche bien, hein. En fait, tout est refait. C'est vraiment la version cool, hein. C'est pas la version TV. Hein. Voilà. Je vais envoler. Non, mais il est fort. Hein. Il est fort. Putain. Et donc, un point pour Yannick sur le premier. Talent. Yannick est chaud, c'est son moment. Voilà, attention. Ça y est. C'est que des choses faciles. Donc vraiment, faut y aller. Hein. Ça va vite, ça va vraiment fuser à chaque fois. Le suivant. Demon Slayer. Ouais. Lequel? Je la connais pas, c'est pour ça. Ouais, c'est lequel? Je sais pas. Ouais, du coup, c'est l'opening. Parce que Lisa, il a fait les trois openings. Hein? Oui, c'est l'opening. Lisa a vraiment fait les trois openings. Fait... C'est Gurengi de Demon Slayer opening. Hein. J'ai pas pu la voler celle-là. Il y a du jeu pourtant vidéo aussi, pas. Ben, t'inquiète pas. Hein, pourtant, tu le connais pas. Bah, ouais, pourtant, je connais pas, vidéo, mais j'ai pas pu la voler. Il y a du jeu vidéo. Ouais. Je pense à toi. Ouais, ça marche bien. Ouais. Je vous ai pas mis des versions où des fois ils. Alors, anime pas trop, mais sur sur les musiques américaines, pas mal se casse le cul à tout reprendre en latin. Mais en vrai, et c'est, à refaire les chants. C'est des bonnes musiques de boîte à musique. Oui, d'ouf. Du coup, 2 points pour Yannick, déjà. Mmh. On va tout de suite continuer. Paf. Attention, ça va aller vite aussi. Ça arrive. Dès que ça voudrait. Mortal Kombat. Oh putain. Dans le combat thème. Tu. Non, dans version techno plutôt que version techno. Technobarde. Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. C'est génial. C'est presque OST du jeu. T'as même essayé de m'attoper un peu de Naruto. Mais oui, non, mais ça marche trop bien. Enfin, c'est bon. Ouais, il est vraiment bien. C'est bien. Il est vraiment bien. Il faudrait un boss secret qui se. Qui se dérive tout vraiment. Et du coup, enfin, vous avez pas les images, mais sur les images, il y a évidemment des vidéos qui font des boules à la scorpion. Et donc Middle Ages, pareil, un des plus gros hardcore figures. Avec les petits admins. Le name drop là. Bah évidemment. Suivant, pareil, donc je vous le redis, hein, mais vraiment ça va aller vite. Il y a vraiment que du facile dedans. Le plus dur est le dernier, pour être franc. Mais celui-là. Alors. Que ah putain, Unravel. Ouais. Je pensais qu'Eric allait le trouver le premier en vrai. Hein. Ah non, mais en fait, c'est le temps de convertir le dans ma tête. C'est parti, tu trouves. Ah non, non. Je mets son à fond. Toujours Nicolas Zobard, hein, le frère. 22 juin 2020. En tout, entre mars et juin. Gens peuvent faire quoi plus. Ça merde. De sortir de chez eux. Ouais, bien joué. Hein. Yannick qui prend une belle avance. Hein. Déjà 4 points. 1 pour Ben. 0 pour moi. Il reste 4 chansons. Je suis donc dans la va falloir s'envoler là. Soit je me fais les 4, soit Ben se fait les 4 pour qu'il y ait une égalité. Alors, attention, préparez-vous. Encore du facile. Hein. L'attaque des titans. Shinzo Uo Sasageyo. Ah non, mais t'inquiète, ah ouais. T'inquiète. Non, c'est ton vous mec apparemment. Avant de partager le dernier jeu, attention. Ça c'est beau, ça c'est beau. On voit que le hardcore, c'est toi. Ton truc. Hein, Yannick le hardcore. Ça fait vraiment musique de jeux vidéo. Ah, ça passe super bien. Toujours Nicolas Zobard. Toujours le frère. passe tellement bien. Attention, on continue. Ça arrive. Jojo, Bizarre Adventure, partie 2. Il allait le lancer, hein. Je vais le rattraper. Ah, celui-là, c'est mon préféré. Ouais, regarde. Ouais, bah, c'est Bloody, Bloody Stream. Stream. Stream. Et bon, du coup, c'est un indépendant, Mystic Zaru. Pareil, 29 juin 2020. Toujours dedans, hein. Et du coup, on a une version médiévale de la scène de Kaizalu. Ah, putain. Et il l'a nommé The Tragedy of Kaizalu. Aïe aïe aïe. On se délecte, hein. Allez, allez. Il en reste deux. Attention. Donc le dernier, je vous dis, il est très très difficile. Yannick est imbattable. Ouais, attends, la Yannick peut plus être rattrapée dans tous les cas. Ouais, mais là, on joue c'est... pour le sport. Zelda. Ouais. Ah, ouais. C'était pour toi. Et la version est folle. Parce qu'en fait, elle est pas si loin que la version normale. Non, elle est pas de temps remixée. Ouais, c'est pas beaucoup à modifier. Hein. Ouais. Le petit sitôt. C'est que du coup, les vues ont s'est baissé. C'est que celles sorties en 2020 ont 1 million de vues, celles sorties en 2020 ont 200 000. Oui, mais elles ont 1 an de vues moins, oui. Quoi. Oui. Et enfin, la dernière. Donc la plus difficile. La donc, plus dure. Hein. Celle-là, c'est la plus difficile parce que c'est la moins mainstream, même si quand même. Elle n'est pas non plus infaisable. Hein. Ne vous inquiétez pas. Pareil. Ça serait plaisir. Sont récents, mais plutôt moderne quand même. Putain, mais pourquoi je l'ai pas ? Isekai. C'est bon ? Non. Ouais. Des gens l'adorent et devraient être en prison pour ça. Et ça où ? Non, toujours pas. Des gens l'adorent et devraient être en prison pour ça. Ouais. Ouais, c'est No Game No Life. C'est No Game No Life, bien joué. Putain. No Game No Life. Et le pire, c'est que. Et la pédophilie ouverte, on adore ça, évidemment. Ouais, bah. L'opening, il me disait quelque chose que j'ai jamais. C'est vrai que. L'opening, il est très très. L'opening est génial. Hein. Je crois que j'ai vu que le premier épisode. Et... C'est... Tu pouvais t'arrêter là, c'était bien. Ah, et quand j'ai vu la relation, je veux. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est. Ah, mais voilà. T'inquiète hein. Pas, parce que du coup, moi, en rattrapant SAO là, c'est compliqué. SAO 2. SAO. Pas une histoire avec un oncle qui. Bref, ouais. Non, mais bref, SAO, bref. C'est déjà moins, un ouais. Peu moins répréhensible pénalement quand même que No Game No Life. Bah, j'ai bien dit un peu. J'ai dit un peu, hein. Attention. Hein. Son cousin cousine quand même. Ne dénoncez pas mes propos, j'ai dit un petit peu. J'ai pas dit ça. Ce jouera sur le dernier jeu. Et ça, c'est beau. Et donc, juste avant de passer au dernier jeu, j'en suis tellement fier. en plus, il y a que, et ça va parler que Eric, et ça c'est encore plus drôle. C'est exceptionnel. Non, quoi, en vrai, ce qui est drôle, c'est que pas, alors, oui, il a un peu un avantage. Ouais. Bref. Bon, bah, Eric va gagner. Ça veut rien dire. Moi, je suis capable du meilleur comme du pire. Donc, avant de passer à la suite, on va pouvoir refaire un tour de table de si on a des choses sur 2021 qu'on veut rajouter. Et surtout, on va parler un peu de 2022 pour le podcast et de 2021 pour le podcast. On va commencer par ça tout de suite. Donc, évidemment, on a eu un petit creux depuis cet été. Du coup, on a sorti un Alpha Prime. Donc, déjà, qu'est-ce que Animinute EX Alpha Prime ? C'est un nouveau format, en plus du classique hein, qu'on est en train de faire actuellement, plus court, dans lequel on parlera d'œuvres qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est un peu des recommandations version longue. Le premier épisode était sur. On a mis plein de choses dedans. Et on vous a demandé si vous préfériez faire œuvre par œuvre pour chaque épisode ou laisser en l'état. Et donc, on vous a dit que vous préfériez œuvre par œuvre. Et donc, effectivement, on fera un épisode, un jeu, slash anime, slash livre, slash musique ou autre. Donc, il y en a déjà pas mal de prévus. Donc, ça arrivera ponctuellement pendant l'année entre les épisodes prévus. Et donc, dedans, on testera notamment les jeux Koch Media qui continuent le partenariat avec nous cette année. Donc, on les remercie beaucoup. Et évidemment, moi, c'est une année où je m'ouvre un peu plus musicalement à plein de choses. Donc, on parlera pas mal de musique, je pense. J'ai déjà un épisode d'écrit que j'aimerais bien faire. Et puis, évidemment, dès qu'on a un jeu qu'on aime bien, qu'on parle, pas forcément Koch Media, évidemment, on est là pour aussi parler de tout ça, manga, anime, et bah on essaiera d'en faire un épisode plus tôt. Par exemple, ça ressemble finalement aux séries qu'on faisait pour les Super Sentai. Mm-hmm. On les reprendra dans Alpha Prime un maximum pour essayer d'attraper le retard qu'on avait dessus. Ouais. Et on fera peut-être enfin un épisode versus Road de Garou, on voulait en faire un depuis un moment, vrai, on fera peut-être dessus, etc., etc. Bref, dès qu'on veut parler d'un truc un peu long, de façon longue, plutôt que de faire de le mettre dans un épisode déjà long d'une minute classique, on fera en Alpha Prime. Et j'espère que ça vous plaira, comme ça on pourra être un peu plus complet sur des choses, donc c'est plutôt pas mal. Et ça permet d'un peu pallier l'attente des épisodes classiques qui sortiront du jour toujours 6 semaines à 2 mois, on reprendra le rythme comme il faut. Voilà, ensuite également de nouveaux matériels, donc vous l'entendez peut-être. On a enfin tous un micro, avant on était à 2 micros pour 4. On espère que vous l'entendez. Peut-être qu'on n'entendra rien depuis et que cet épisode ne sortira jamais. Parce qu'on n'a pas été enregistré. Et donc voilà, ça ne nous est encore jamais arrivé, donc j'espère que ça ne va pas nous porter la poisse. Normalement, moi je mets courbe devant moi, donc normalement je devrais être bon. Il y a de fortes chances. Après, bon, que... tout peut arriver. Hein. Donc ça se trouve, rien de ça audible, c'est super bien mixé, hein, c'est grand possible. Un clic accidentel voilà, sur la croix. Et ça va être bien. Donc voilà, donc nouveau matos, donc pour que ce soit plus simple à enregistrer, notamment dans de meilleures conditions, parce que du coup, là, pour un peu de backstage, c'est des micro-mains, donc c'est-à-dire qu'on peut être un peu partout pour enregistrer. Ça là, prend... je suis actuellement aux toilettes par exemple. J'allais la faire, mais. En fait, ils sont tous les deux aux toilettes. On est tous aux toilettes. C'est ça le truc en fait. Donc voilà, c'est un peu plus de confort d'enregistrement, un peu plus simple, c'est-à-dire qu'on peut se poser dans des canapés un peu en soirée entre potes, encore plus l'ambiance qu'on voulait donner depuis le début. Donc, on a commencé avec des beurres du humain dégueulasses dans les mains et des chiffons autour. Et maintenant, ouais, on a des vrais micros. Franchement, en deux ans, c'est quand même beau. Très bon globe. Donc, non, ça, je suis content. Et donc, évidemment, on va reprendre un rythme classique pour Alpha à Animinute classique. Donc, on espère avoir toujours des nouveaux thèmes. On a toujours le prochain thème. Ça fait un moment qu'on doit le faire. On n'a jamais retrouvé le temps. Donc, on va enfin pouvoir le faire. Et j'ai hâte de pouvoir le lancer. Je ne vous spoil pas, évidemment. On essaiera. Donc, vous allez remarquer, il y a de moins en moins d'invités un peu externes. Donc j'officialise vraiment comme il faut du coup la nouvelle équipe, donc avec Eric et Ben qui rejoignent les rangs, donc déjà avec Alpha Prime. Et il faut admettre que ces deux dernières années n'ont pas été les meilleures années pour avoir des invités. Ouais, mais on avait fait pas mal de distanciel. Après voilà, moi je suis toujours moins fan des distanciels. Ouais. Quand on après je dis ça, mais la nouvelle préférée c'est ceux avec les amis de Sorociné qui étaient vraiment géniaux sur Mamoru Hosoda, ouais, qui nous ont fait vraiment l'amitié de participer à ce podcast. Qui n'est pas forcément leur terrain habituel et qui est vraiment un podcast que, vraiment, que j'adore, pourtant en distanciel. Hein. On aurait, là, c'est plus la ville, la logistique était compliquée. Si à l'occasion, on peut faire un physique avec elle sur un autre sujet, que ce soit pour leur podcast ou un peu plus compliqué hein, de nous venir dans son ciné, ne nous montons pas. en tout cas, dans l'inverse, moi, c'est plus facile l'inverse, je pense. Oui, pour des raisons évidentes. Mm. Mais en tout cas, voilà, donc encore merci à elle. Merci à tous les invités qu'on a eu cette année, même s'ils sont moins nombreux et c'est beaucoup qui reviennent. Marie, Tonton Afro, toute l'équipe de Sorociné, en tout cas, même celle qui n'était pas présente, notamment. Et puis Maxence qui est apparu un petit peu encore cette année, cet été notamment. Donc voilà, merci à tous, merci à ceux déjà de 2020, je les remercie toujours, hein, tout le monde. Et puis, une nouvelle un peu moins sympa dans 10 minutes, mais là je vais laisser la main à Yannick là-dessus. Ouais. Yannick ? Oui, bah, du coup, moi je dois partir d'Annie Minute, puisque je déménage, donc je quitte les terres dijonnaises pour rejoindre... la région parisienne, plus entre guillemets, donc c'est un peu le cœur lourd que, ouais, bah, nous aussi, que je dois quitter à 10 minutes, mais j'espère revenir bah, de tu, temps tu en reviens autre, quand tu veux, que ce soit en physique ou en distanciel, hein, dès que tu passes, on enregistre des trucs, il n'y a pas de souci. Bah oui, en tout cas, moi, j'aurais jamais lancé podcast sans toi. Oui. C'est un projet à la base à deux. Je continuerai avec toujours ton âme qui nous regarde. Hein. Ah bah oui, de toute façon, j'écouterai toujours autant. Mais voilà, ça... donc on espère te fera honneur dans tous les prochains épisodes. Et en tout cas, ce sera avec grand plaisir que tu reviens quand tu veux dans les épisodes. Donc voilà, vous aurez moins de Yannick, du coup peut-être plus d'Eric, plus de Ben en tout cas. Au final, au changement, voilà, il y avait on en perd un, on en pense. Gagne deux. Donc voilà, à vous de voir si l'échange est équivalent, hein, ou si on va perdre bras et on va finir dans des armures. Mais voilà, donc voilà, c'est le cœur lourd. Peut-être qu'il y aura moins d'erreurs sur dans quel magazine est publié. Oh, il y a Eric. Ouais, hein, mais encore, plus de synopsis. Ouais. Hey. Ah, donc, oui, always. Donc normalement, en tout cas, c'est sûr, il y a au moins encore un Alpha Prime avec toi qui est à sortir derrière. Hein, donc c'est pas tout de suite à la fin. Hein, puis encore un jeu derrière, tout de suite, surtout. Oui. Donc voilà, en tout cas, encore merci d'avoir participé pendant deux ans et tout, puis à continuer de revenir ponctuellement dans le podcast. Oui, bien sûr, évidemment. Moi, je te souhaite que du bonheur et peut-être qu'un jour, tu ouvriras un concurrent à 10 minutes sur Paris. Hein. C'est compliqué. Qui sait. Donc voilà, et sinon, voilà, on espère pouvoir toujours faire plaisir aux auditeurs. Encore merci à vous, hein, d'être encore là, malgré la pause. Ça se trouve, vous n'êtes plus là, en fait, je dis ça. Ouais, oui, on sait pas. Plus hein. Là. On reprend, on essaie de faire plein de nouvelles choses. Faudrait qu'on essaie de reprendre un peu les réseaux proprement, parce qu'on a dessus, on a des grosses lacunes, parce qu'on n'a pas le temps, notamment. Merci à ceux qui sont restés, merci à ceux qui arrivent. Quoi. Voilà, évidemment. Parce que vous êtes nouveau, que vous écoutez ça dans 4 ans, peut-être, si on existe toujours et que vous rattrapez ou autre, bah voilà. Merci à tout le monde. J'espère que 2022 sera encore meilleur que 2021, en tout cas niveau podcast, et puis on espère qu'on aura plein de nouvelles choses. Je parle pas forcément de tout le reste du réseau podcast, parce que là on a encore des trucs en suspens, comment reprendre Podcast of the Grid, comment faire les nouveautés qui sont censées sortir. Beaucoup de choses, il devait y avoir beaucoup de choses à la rentrée d'été dernier, et moi de façon professionnelle j'ai pas eu le temps, le Covid a ralenti beaucoup de choses, ouais. Enfin tous avec nos vies un peu perso on a eu du mal à se caler des trucs. Donc je préfère attendre et caler ça proprement plutôt que de lancer finalement trop tôt, comme on aurait pu peut-être comme on l'a fait sûrement avec Podcast of the Grid, peut-être qu'on lançait trop tôt par rapport au temps qu'on avait, ouais. On aurait peut-être dû enregistrer plus d'avance. Bref. Après c'est passé tellement de choses. Voilà, que, c'est voilà. Évident, c'était deux années compliquées sur plein de points, donc on travaille là-dessus. Là, le but cette année, c'est avant tout 10 minutes et ces deux formats et pérenniser ça et bien l'encadrer, que ça tourne entre guillemets un peu tout seul comme il faut, avant de s'en servir d'autre chose et bien focus là-dessus. Sinon voilà, je pense que est-ce que ça vous va si on passe au dernier jeu, est-ce que vous voulez rajouter des choses sur cette année, vous en tout cas? Non, est-ce qu'on a fait un peu le tour de ce que on aurait pu parler? Je pense qu'on a fait le tour, hein. Et ben allez, on va pouvoir se terminer comme on veut avec un jeu alors c'est très précis comme jeu, ça s'appelle Jam Project ou pas Jam Project. Est-ce que vous connaissez putain, Jam Project? Rien du tout. Alors Jam Project, c'est un groupe de rock japonais qui fait beaucoup d'opening d'anime. Notamment One Punch Man, c'est eux. Ah oui, ok. Jam Project. Ils en font énormément. C'est un groupe hyper connu et qui a une signature musicale assez simple. C'est du power rock, etc., etc. Donc voilà, ça c'est Jam Project. Et donc évidemment, je vais vous faire écouter des morceaux et vous allez devoir dire si c'est Jam Project ou pas Jam Project. Évidemment, quand ça n'est pas, souvent c'est des pièges. Notamment peut-être des membres de Jam Project, parce que si vous le savez, Jam Project est composé uniquement de grands chanteurs qui ont déjà fait des carrières avant. Mais dans ce cas, ce serait pas Jam Project. Et dans ce cas-là, c'est pas Jam Project. Donc si c'est, ouais, si c'est un artiste solo, c'est vraiment pas que soit le groupe Jam Project. Okay. On dirait un peu le jeu du Burger Quiz où c'est tel nom, oui. Ou les deux. En fait, j'ai failli faire un ou les deux, mais du coup, ça n'existe pas. Enfin, oui. Et pareil, j'ai essayé de faire un jeu du genre, sur d'autres choses à l'oral, mais c'était compliqué, mais je l'ai en tête. Et bien sûr, je donne plus un si vous me filez l'œuvre d'où ça vient, parce que c'est toujours tiré soit d'anime, soit de jeu vidéo. Okay. Ok. Donc vous me dites, soit vous me dites à la rapidité, Jam Project ou pas Jam Project. Alors, à rapidité ou non. On va faire comme plutôt comme TikTok. Vous me dites tous oui ou non. Si égalité, celui qui a l'anime remporte le point. Ok. Et si aucun des deux n'a l'anime. Et si, bah, je vais donner des indices du coup. D'accord. Voilà. On va faire comme ça. Et après, si vraiment on n'arrive pas à départager, on verra peut-être que vous taperez sur la gueule et puis on verra. Quoi ? Le point est annulé. On annule le jeu. On annule le podcast. On annule mais tout. Mais voilà. Évidemment. On annule. On annule alors, 2022. Si vous connaissez la chanson avant tout. Vous dites juste oui ou non, et au pire, je couperai la musique à un moment, parce qu'en fait, si vous dites tout de suite oui, c'est sûr, vous allez donner des indices aux autres. Oui. Jouez méta, parce que, par exemple, je sais qu'Eric, il y en a pas mal dedans qui connaît, notamment, mais aussi les autres. fait, il y en a qui connaît et je pense qu'il pense que c'est aussi. Il est déjà perdu parce qu'il pense que c'est déjà Project. Donc il est aussi désavantagé là-dessus. Ouais, donc. Blown, ça y est. Moi, je suis dans le. Moi, lui, il est dans un vortex déjà de méta où voilà. Je peux l'avoir, moi, brain, parce que je sais qu'il connaît, peut-être qu'il connaît pas, tu vois. Voilà. Je suis... Ah, il sait que tu sais qu'il sait voilà. Que tu sais qu'il sait. Exactement. Et vous êtes tous égalités dans les jeux. Donc sur ce dernier jeu, c'est vous allez pouvoir vous départager. Ouais. Et donc voilà. Donc attendez avant de donner des réponses. Au pire, moi, je laisserai 30 secondes. Je coupe et là, vous me donnerez votre oui ou non. Pour être sûr que il y a pas en mode ah mais c'est sûr que c'est machin parce que sinon ça gâche un peu le jeu ou alors c'est méta et c'est vous brainez en fait vous mentez. Ah ah, il reste 30 secondes de musique à chaque fois. Est-ce que pour vous, c'est Jam Project? Ben, est-ce que vous n'avez pas dit? Je dirais non. Tu dirais non? Je dirais non. Eric? Je dirais oui. Et ben, Eric a raison. Ouais. Et Eric, du coup? C'est Garo versus Rode. C'est Garo versus Rode, comme dit Olivier. Et effectivement, elle est un peu piégeuse parce qu'elle est un peu électronique. C'est pas. C'est un Sentai du coup. Et non, c'est un Sentai, c'est un Tokusatsu. Allez, pas. Oui, un Tokusatsu, mais du coup, c'est pas un anime ni un. Non, mais il y a de tout dedans. Ok, ok. Je pensais que c'était soit anime, soit. Mais c'est toujours tiré d'une œuvre. Ok, très bien. Pas de problème. Non, que ça. Parce qu'après, ils ont aussi fait du Garo anime, j'aurais pu mettre, mais. C'est vrai. On passe au suivant. Donc, un point pour. Alors, j'ai pas mis de point bonus pour que ce soit un peu plus fair, parce qu'en plus, celui-là, oui, il le connaissait oui. Par cœur versus Rode. Oui. Je savais qu'il, pour le coup. Mais là, t'aurais pu guess en mode est-ce que vraiment c'était Jam Project ou pas ? Ça se trouve, ça aurait pu bah oui, et s'il y a eu que par exemple une voix féminine qui chantait, là, j'aurais fait. Oh, peut-être que c'était un duo de Jam Project. Bah voilà, tu vois, j'aurais fait. Peut-être bah... qu'il y a comme ça aussi. Hein, bah merde. Arrivé, hein. Et si c'est un duo, c'est Jam Project ? Non. Parce qu'ils ont pris un autre nom quand c'est des duos. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez de vous faire un peu de votre nom? Non. Non. Ah non. Oui. Oui, c'est déjà un projet aussi. Et est-ce que t'as l'œuvre originale? Bon, je coupe parce que là, ils allaient dire le nom. Donc j'ai coupé la musique vraiment. Ah, là, j'aime pas. Là, ils allaient le dire vraiment en toutes lettres. Non, en fait, je l'ai pas. C'est un jeu brain, Jam Project ou pas Jam Project, où toutes les musiques sont de Jam Project. Ouais, tu vois, je suis en train de me dire, donc mais attends. C'était Believe in My Existence, opening de Cardfight Vanguard. Ah putain. Grand opening, ils ont fait 2-3 des openings de Cardfight ouais, Vanguard. Ok, ok. Ah oui. On passe à la suite. Et là, j'espère qu'il y aura débat. Attention, j'ai pas besoin de laisser très longtemps, hein. Celle-là, normalement. Il y a toute une raison pour que je m'amuse. Hein. Attention. Hein. J'ai dit qu'il y a deux fois là. J'ai pas besoin de laisser longtemps, hein, vous connaissez la musique, hein, je connais bien. Alors, est-ce que Jam Project ou pas Jam Project? Eric? Non, c'est pas Jam Project. Y'a rien, non? Non, c'est pas Jam Project. c'est... Par contre, c'est Dragon Ball Z. C'est Dragon Ball Z. Il faut avoir un point. Et donc, c'est Hironobu Kageyama. Yes. Il faut avoir le point, du coup, hein. J'ai donné là. Alors, je sais pas comment je vais vous départager. Donc c'est Hironobu Kageyama qui fait partie de Jump Project. Jump Project. Voilà. Et du coup, c'est pas Jump Project. Comment je veux vous départager? Karaoke. Non. Écoutez, je donne le point à tout le monde. Donc ça ramène à zéro, hein, mais je donne le point à tout le monde. Parce qu'effectivement, là, il n'y a pas trop de façon de départager. J'ai donné l'œuvre. Hein. Oui, que... tout le monde l'avait l'œuvre. Là-dessus, il n'y avait pas trop de. Alors, tout le monde l'avait, mais je l'ai donné. Et la règle, c'était s'il y a des gens qui sont en égalité, c'est celui qui donne l'œuvre. Oui, mais je ne vous avais pas encore interrogé. Ah non, mais. Après, en termes de légitimité, ça se trouve, parce que je sais qu'ils ont le refait, Tchala et Tchala. C'est Flo qui l'a refait. C'est Flo qui l'a refait. Donc, pas de Jump Project. Ils auraient pu. Sinon, j'aurais pu jouer avec ça aussi. Tu vois, ouais, pu faire, c'est pour ça que je me suis dit. Attends, ça se trouve, c'est le remix qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps. Et... c'est la reprise par Jump Project. Ça aurait pu. Hein. Suivant, on va rentrer sur les moins connus. Hein. Ah, mais ça tombe bien. Ouais, mais du coup, Eric, il ne connaît plus. Ah ah Ben, est-ce que tu penses que c'est Jump Project ou que c'est pas Jump Project? Je vais dire oui. Jump Project, Eric? Non. Non. Ah, j'aurais tendance à dire oui. Oui ou non? Oui. Et ben non, c'est pas Jump Project. Voilà, mais quel talent, c'est Eric. Si tu réponds après Eric, réponds comme Eric. Ouais, juste, mais en fait, tu peux jouer méta en mode dans tous les, tu peux piffer pas qu'il ait pas le point, tu vois. Mais... c'est pour ça que je fais jamais le même ordre d'ailleurs. Est-ce que t'as l'anime? Non, mais j'ai l'impression que c'est B-Fighter quelque chose. Ouais, Ready B-Fight. Ouais. Donc c'est du Bedaman. Ah putain. J'allais dire c'est Vanguard. Non. Et donc c'est Nobuhiko Kashiwara, également membre de Jump Project. Bien, voilà, évidemment. Ah, bon, bah, celui-là, du coup, il va. Pareil, en fait, j'ai tous dur sauf lui. Hein. Donc personne n'aura le point, c'est sûr et certain. Ouais. C'était l'exemple, hein, littéralement. Donc, ouais, bah oui. Ça me remet un peu dans les oreilles. Il y a une série de jam. Ça te permet d'avoir aussi des points de repère par rapport aux autres, parce que vous les ont changé. Notamment dans la précédente, il y avait plus de l'album. Là, il y avait plus de l'album. 20 000. Dans Vanguard, il y avait une boîte de fin de l'album. Oui, c'est peut-être un project. Et B-Fight, ça fait. Ouais, mais B-Fight, ça c'est pas un project, c'est le plus de seul album. Pas encore, il y en a assez pour se rapporter. Ah, hein. Ah, c'est quoi du coup? Ouais, je pense que c'est Jump Project. Oui. Je pense que c'est One Punch Man. Et du coup, c'est One Punch Man. Exactement. On continue. Vous êtes quoi vous refaire, hein. Il en reste encore 4. On continue. Alors. Que vous pensez que c'est Jump Project ou pas Jump Project? Yannick. Je dirais oui. Ouais. Non. Non. C'est pas Jump Project. Est-ce que vous avez l'anime? Oui. Vous me dites qu'Eric l'avait. Donc Yu-Gi-Oh! Duel Monster, saison 2. Donc le début de Battleville, tout ça. C'est ça. Ok. Ouais, là. Ok. Et donc c'est Masami Okui, la chanteuse de Jump Project. Effectivement, Eric ça, vous roule un peu dessus. Ça aide d'avoir vu Duel Monster l'année dernière, en fait. Un peu. Allez, on continue. Enfin, non, j'ai commencé au confinement même. Enfin, j'ai recommencé au confinement de mars, puis après. Au cas où, hein. Si vous avez bien écouté, hein. Pas la question avant tout, c'est est-ce que vous le montrez, c'est un projet, hein. Je tiens à le rappeler. Hein. Alors, Eric, oui ou non ? Non. Je dirais non. Je dirais oui. C'est pas Jump Project. Joli méta, si jamais c'était bien le cas. Ouais. Et non. Du coup, je vais le jouer sur est-ce que vous connaissez le chanteur ? Parce qu'ils ont dit le nom dedans. Donc, est-ce que vous savez qui est le chanteur, du coup ? J'hésite. Abba Ranger. J'hésite, mais putain, j'ai que le prénom, je crois. Si t'as le prénom, c'est plus que moi, déjà. C'est Hironobu. Non. Non, c'est pas Hironobu. Ah, donc c'est l'autre, putain. J'aime bien. Donc, ils sont deux. Ils sont six dans Jump Project. Mais, donc, oui, non, mais... Enfin... Ils sont même huit, je crois, déjà, des fois. C'est le même mec qui chante l'opening 4 de Yu-Gi-Oh! 5D. Ouais, c'est Ichiro Mizuki. Ah, merde, bon, il s'appelle comme ça. Ok. Ouais, bravo. Et donc, c'était du Super Sentai, c'était Abba Ranger. On continue avec l'avant-dernier. Évidemment, c'est peut-être le plus dur. Le dernier, j'en suis très fier. Project ou pas Jump Project ? Yannick ? Ouais. Je dirais oui. Je dirais oui aussi. C'est Jump Project. Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Non. Je dirais non. Est-ce que vous avez une idée d'où ça vient ? Non. C'est un jeu vidéo. Mais c'est pas d'anime. Mais c'est une série de jeux vidéo qui utilise que des personnages d'anime. Parfait. C'est un jeu de stratégie, exactement. C'est un action RPG. Il est sorti sur Nintendo 3DS. Non. Et en deux opus, on peut même incarner Kazuya. Non, c'est pas Project X Zone. Ah, c'est pas Project X Zone, ok. Non. Oh, oui, j'avais pensé. C'est une grande série qui existe depuis déjà la Saturn. Il y en a un par an environ. Avec des personnages d'anime. Que des personnages d'anime. C'est le truc du Jump, non ? Non, non, apparemment non, malheureusement. Non. Plutôt avec des gros robots. Ah oui, c'est... Ah putain. D'accord, j'ai vu le nom passer trois fois dans ma vie, donc je pourrais en pas le sortir. Il y joue à Epion, je crois. Non. Pas celui-là. C'est Begito qui... ouais, Begito, il joue pas mal. Non, c'est... putain, comment il s'appelle ? Il a Hawk en avatar, bref. Donc c'est le crossover des mechas, là. Oui. Oui, ouais. Plein de gros robots, quoi. Ouais. Tiré d'anime. J'ai dans le dernier, il y a même Zenkaiger, d'ailleurs. Oh putain. Non, je l'ai plus. Et bah, c'est Super Robot Tyson. Oh, et donc, putain, version voilà. OG The Inspector. Et donc, c'est le morceau, c'était Jump Project Maxon. Et alors, le dernier. Du coup, personne n'a le point. Personne n'a le point. Personne n'a le point. Le dernier, c'est sûrement le plus tendancieux. Mais c'est mon préféré de tout ce que j'ai mis. Écoutez bien. Je rappelle que je vais Il y a deux réponses possibles. Comment ? Il y a deux réponses possibles. Hein, et... Tiens, pour une fois, je vais dire non, alors que je pense oui. Okay. non, mais. Le pic du jeu. Hein. Donc, tu m'as dit oui ? Non. Moi, j'aurais dit non. Effectivement, c'est non. Ah, putain. Bravo, non, Yannick, moi, je crois que t'as fait. Non, mais moi, je trouve le jeu hyper dur parce que pour moi, ouais. Tout se ressemble en fait. En fait, c'est le but, c'est que tout se ressemble. Vraiment, ouais, c'est l'idée. Mais en fait, je perçois pas les différences. Bah, elles sont très minimes. Sauf celui-là, il est vraiment tendancieux. Bah, surtout la chorale en fait. Le cœur est exactement c'est, le même. Franchement, en fait. On dirait vraiment du Jump Project. Ouais. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient ? C'est un anime. Basé sur un manga du Jump d'ailleurs. En 10 tomes. Année 2008, je dirais. C'est la fin là. C'est l'auteur. Kenshin, il a fait une question. Le Bagabou ? Oui. Vous avez fait un petit peu de bêtises. Bon, alors là, pas d'idée. Une seule saison et ça se termine. Ça fait 3 tomes. 90 chapitres. Bah si, c'est lui qui a décidé de finir. À l'époque, c'était comme ça qu'on a fait. Par le fois, en fait, c'est pas monsieur Théoda, je crois. Et encore. Il a le choix de continuer. Il se continue. Ouais, il a le choix de continuer. Ouais. Il n'a pas le droit d'être en mauvaise santé. Il reste à l'hôpital s'il voit ne serait-ce qu'un problème. Oh, tu as un bouton d'acné, Oda. À l'hôpital. Quoi ? Un mois d'arrêt. Allez. Non, bah, c'est pas celui qui a fait ce qui est pour moi. J'ai pas c'est un mec qui a fait un autre. En hôpital, il y a un truc qui a pas une fracture. Maintenant. Je suis sûr, ils lui ont refait un bureau. Il doit avoir un bureau fait exprès. Si, c'est bien. Enfin, si, c'est l'auteur de Kenshin. Je dis des bêtises. C'est bien ça. Ok. Ah ben, Kenshin, le survivant. Non. Quoi? C'est relativement connu quand même. Ah, c'est quand même pointu. C'est relativement peu connu quand même. Ouais. Là, je suis pas un érudit. C'est sorti chez nous, chez Glénat quand même. Ouais. Ça, et la version française s'appelait Arme Alchimique. Pardon. J'ai une autre musique qui s'appelle. Ah oui, derrière, c'est pointu en effet. Ouais, mais c'est. Ouais, quand on connaît pas la version française déjà, ça. Bah alors là, mystère et boule de corps. Et bah c'était Busso Rankin. Très très grande série incroyable que j'adore. Ah. Et oui. Pardon. Voilà, c'est pointu, hein, je l'avais dit. Ah ouais. Non, ah Busso Rankin, c'est vraiment genre en top. Hein. J'ai juste vu le nom passer plusieurs fois, mais je n'ai jamais regardé. N'hésitez pas. Et bah voilà, et du coup, victoire d'Eric. Merci. Et oui. C'était prévisible dès le vol du. Qui a volé le premier jeu, hein, on t'a rappelé. Hein, dès le vol du premier ouais, jeu. Ouais, oui, c'est vrai. Hein, très très gros vol de la part d'Eric, hein, ça c'est incroyable. Bravo pour le vol. Donc n'oubliez pas les poditeurs, c'est pas parce que vous avez pas vu ou que vous ne connaissez pas la réponse. Bravo, bravo, c'est ça qu'on veut. Voilà. Donc bon. Et bah ça va marquer la fin de cet épisode. Et oui, merci d'avoir participé. J'ai battu Lupin, Est-ce que ça vous a plu tous ces petits jeux ? ouais, c'était sympa. Cool. À part, moi, pour moi, le dernier, c'était vraiment trop dur. Le dernier, ouais, était un peu... Le dernier, il est pas simple, hein, ça, je suis entièrement d'accord. Le hardcore, il était... Le hardcore, il était cool. Il était vraiment cool. Ça, on regarde. Ah bah, évidemment, on regarde. Attendez, il faut ce qu'il vaut, quoi. Donc, eh ben, écoutez, merci d'avoir participé à cet épisode. Yannick, à bientôt. Oui, voilà, au plaisir en tout cas. Bah, bah, à bientôt parce qu'on va certainement retourner un épisode juste derrière. Donc, vite, au revoir. Ouais, pareil pour tout le monde. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore merci pour les deux ans. On se revoit rapidement pour un Alpha Prime sur plein de choses, même plusieurs Alpha Prime. Là, il y en a une grosse fournée qui arrive parce qu'il y a pas mal de choses qu'on doit sortir. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous fais des bisous en tout cas et à bientôt. Bisous, bisous. La bise. Salut les gens. Et puis, bah. On se suit dans le prochain anniversaire. Voilà. 狂い酒闇の時代とファイト。